Ici Maxime Tremblay de L'Épée Légendaire. Vous écoutez C'est juste un autre podcast avec Luc Desormeaux, Annick Bélanger, Simon Lefebvre et Éric Chamberlain. Ajustez vos écouteurs et montez le volume, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au 11e épisode de C'est juste un autre podcast. Aujourd'hui avec moi, qu'est-ce qu'il y a? 11 ou 12 là, je suis mélangé. 11. Ok, 11. 11. Bon. Bienvenue au 11e épisode de C'est juste un autre podcast. Simon qui se mêle pas de ses affaires en ce moment. Salut! Avec moi aujourd'hui, j'ai ben Simon qui se mêle pas de ses affaires. C'est moi. J'ai Annick, comme toujours. Bonjour. Et on a Éric Chamberlain, cette fois en direct de, je me tromperai pas, Edmonton en Alberta. Ben non, j'ai déménagé. Ah, juste pour m'écœurer, il est rendu à Calgary. Et, Red Deer. Red Deer, c'est ça. Chevreuil rouge, comme j'aime l'appeler. Et, voilà. Et moi-même, Luc Desormeaux. Donc, bienvenue à ce 11e épisode. Premièrement, je voulais revenir un peu sur ce que je vous ai achalé avec pendant plusieurs mois, qui est la collecte de fonds pour le camp. Fait que j'aimerais remercier tout le monde qui a donné de l'argent. Je ne renommerai pas tout le monde parce que je l'ai déjà fait avant, là. Mais je veux remercier tout le monde d'avoir donné. On a ramassé total un montant de 1340$. Yay! Merci! Merci beaucoup. Fait que ça inclut le concours de 12 sexes de l'année passée, plus ce qu'on a réussi à ramasser cette année, là, fait que c'est quand même un bon montant. J'aimerais remercier, ben là, comme je vous dis, je veux remercier tout le monde qui ont donné, mais je voudrais remercier une personne en particulier c'est vraiment quelque chose qui est sorti, puis ça a été vraiment gentil de sa part. Juste la journée avant qu'on fasse le rasage, il y a Jean-Benoît Charon qui est allé sur le site, puis il a vu qu'il nous manquait 85$ pour atteindre le 1000$, fait que Jean-Benoît a donné 85$. Un gros merci. Fait que merci Jean-Benoît, c'est super gentil de ta part. Puis quand j'ai envoyé un message sur Twitter, j'ai dit, c'est-tu toi? Il dit, oui, il dit, je trouvais ça plate que tu n'atteignes pas ton montant. Fait qu'il dit, je voulais que tu l'atteignes, ton 1000$. Fait que je t'ai donné 85$. Wow. Fait que c'est vraiment super gentil de sa part. Fait que Jean-Benoît, je te remercie beaucoup. Puis je remercie aussi toutes les autres personnes qui ont donné de l'argent. Évidemment. C'est très, très apprécié. C'est super le fun. Puis, vous voyez pas nos cocos rasés, ça commence à repousser présentement, c'est quand même pas si pire. Il y en a qui sont moins dans l'eau que d'autres. C'est ça, il y en a que ça pousse plus dans l'eau que d'autres, fait que il y en a que ça pousse un peu moins vite. Mais c'est ça, là, j'ai commencé, si vous allez sur le site de CGUAP, dans la section CGUAP pour le camp, vous pouvez voir, j'ai mis le lien pour les photos sur PhotoBucket, fait que vous pouvez voir les photos de la journée. Les vidéos, je suis en train de les faire tranquillement. Mais c'est de ma faute si ça a pris plus de temps, parce que je me suis aperçu que j'ai fait une faute d'orthographe dans le nom de Lynn Boutillette. Oups. Fait que là, je vais corriger pour les prochaines vidéos. Fait que là, il y en a deux en ligne, je les ai pas encore publiées publiquement, envoyé les liens, mais je vais régler les problèmes de faute d'orthographe. Puis, tu peux skipper aussi ma partie, tu sais. Non, comme... c'est beau. C'est le fun de traumatiser le monde par le temps en temps. Donc, faut que tu dises aussi que tu avais tout mixé les vidéos ensemble, oui, puis que ça a fucké la pattern et que tu as fallu que tu recommences et que tu les fasses individuelles. Fucké. Fucké. Oui, OK. On parle de la petite bête en Alaska, là. Un petit fuck en Alaska. Donc, c'est ça. Non, c'est correct. C'est un terme utilisé un peu partout. Fait que oui, j'avais fait un gros fichier parce que je me sentais homme. Puis je me suis dit, je vais mettre un gros fichier sur YouTube. Puis finalement, ça a pris comme deux jours à uploader. Puis je me demandais, je me suis tanné. Ouais, puis à un moment donné, je me suis tanné parce que avec la super connexion de Vidéotron que j'ai ici, aussitôt que j'envoie quelque chose sur YouTube ou je mets le podcast sur Internet, je peux rien faire d'autre. Si j'ai beau essayer de faire un appel Skype, ça marche pas. On a essayé de jouer à soit tard un soir, okay, pendant que j'uploadais, puis ça coupait, j'étais obligé d'arrêter l'upload. Ah, c'est ça ton plantage? Ça pas. Non, le plantage, c'était vraiment Vidéotron qui a planté. Okay. On jouait à soit tard mardi soir, puis tout d'un coup... Je jouais à soit tard. Tout d'un coup, Simon jouait à soit tard. Fait que c'est ça. Merci, Vidéotron. Mais au moins, le technicien est venu, puis là, ça marche. La preuve, Eric est à l'autre bout du pays. Je suis encore là. Puis on se parle. Fait que, hein, Vidéotron, la connexion tient pour tout de suite. Donc, on va passer tout de suite à notre premier sujet. Alors, Simon, c'est à toi. All right. Merci, Luc. Alors, allô tout le monde, mais bien, une autre superbe fin de semaine qui s'annonce, hein, avec du beau temps. On va espérer. On va espérer que ça va durer au moins aussi pour la Saint-Jean. Ouais, hein? Surtout. Surtout, puis notre lundi aussi de congé, ça serait le fun. Ouais, du beau la temps, fête à ton père, fun. Ouais, ok. C'est une façon de voir les choses. Et voilà. Alors, abusez du soleil, montrez votre bronzage de fermier, tout comme moi. Le deux tons semble être in présentement. C'est à la mode, ouais. Ma chronique devrait être brève. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Dans le merveilleux monde des animés, un trimestre se termine, un autre s'approche à grands pas. C'est pourquoi que je tenais à vous donner quelques titres à surveiller. OK, je ne parlerai pas en long et en large de quelques. Peut-être un en particulier, là. Mais dès le 1er juillet, c'est ça, ça va faire leur place sur les écrans là, des télés japonaises. Donc, c'est sûr qu'il faut attendre un petit peu avant que les fans subs puissent faire leur traduction et autres. Puis qu'on puisse avoir ça ici. Et voilà, c'est ça. Comme d'habitude, eh bien, les titres sont super faciles à retenir. Oui, alors, sortez vos planches de Scrabble. Ah oh, ouais, c'est ça. Ça donne beaucoup de points. Hein? Oui, des X, des Y. On n'échappe pas encore une fois avec la thématique du secondaire, hein? Ce que j'avais déjà discuté. Il y en a trop pour les décrire tous. Fait que déjà là, ceux qui aiment ça, ben allez-y. Vous allez en trouver, c'est sûr et certain. Pour les amateurs de mecha, qu'on disait là, des robots, le titre, j'ai un titre qui semble sortir, c'est Mauve Love Alternative Total Eclipse. Ouais, on pourrait le poster. Ouais, ça n'a pas l'air d'un titre de genre manga pantoute. De pas manga. Tout le scénario dans le titre. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est le script qui tient dans le titre. Je peux pas en parler en long et en large parce que c'est ça, ils ont juste donc préparé qu'est-ce qui s'en vient. Je vais peut-être devoir creuser un peu plus, mais comme c'est pas moi ma tare, ben, c'est pour ça que je le laisse. Mais ceux qui aiment ça, vraiment, ça semble être prometteur, ça semble être pas pire. À la Gundam? Mecha, un peu genre de même? Non, Mecha, mais pas Gundam qui semble être plus sur la guerre, ça semble être plus axé sur une histoire en tant que telle. Ok. Donc, histoire d'amour en deux. Total Eclipse. Qui vont au secondaire. Et voilà. Dans l'espace. Ouais. Ben justement, tu fais ton comic, une comédie qui, si je me souviens selon le titre, pourrait être plus adulte. D'accord? Okay. C'est Dakara Bokuwa. Ah oui, ça sonne adulte. J'ai pas fini. Ok. Ok, je me reprends. Merci, Luc. Alors, c'est Dakara Bokuwa, Eichiga Dekinai. Je vais vous faire une petite traduction française. Okay. Oui, j'ai terminé. en gros, là, ça pourrait dire, c'est pourquoi, comme je vous le dis, parce que Dakara, c'est ça que ça veut dire à peu près, là, entre autres. Okay. C'est pourquoi, that's why, en anglais. Je ne suis pas pervers, parce que le H à l'intérieur, au niveau des Japonais, c'est un raccourci pour signifier hentai, puis hentai c'est pervers. C'est du adulte, c'est des dessins animés. Je crois que c'est érotique, ouais. Mais pas nécessairement le vrai hentai ou ce que c'est hardcore. Vraiment, ouais, hardcore. Donc okay. Je dirais du softcore. Je crois qu'il y a déjà eu, je pense que c'est une suite. Donc selon moi là, ce que j'ai vu les personnages. Et j'avais bien aimé cette petite comédie-là. Là. Okay. Fait que c'est pour ça que je l'ai noté ici. Là. Ça a suggéré que ça serait quelque chose à suivre. Là. Puis ça va recommencer, selon moi, ça va être peut-être disponible d'ici le 7 juillet. OK. Sur une note un peu plus douce, je pouvais pas manquer de vous mentionner le 10e anniversaire de la franchise Naruto. Ah ben oui. Et oui, Naruto, le film La Voix du Ninja va être le 9e long métrage de cet animé. Est-ce que c'est un film qui va être disponible ici ou c'est vraiment japonais? C'est ça. J'irai pas le voir en salle. OK. OK. C'est un peu loin, alors je vous conseille d'attendre un petit peu. Je lis présentement les mangas et je peux vous dire qu'après 10 ans, ben c'est ça. Je trouve que c'est un petit peu comme Smallville. Ça commence à se faire. C'est ça. T'sais, on a assez tordu l'éponge. Là. Il est temps de passer à autre chose avant de vraiment... Que ça déchire, là, puis que ça soit, tu sais, qu'on jette à la poubelle. Fait que selon moi, ils ont fait le tour, puis selon ce que je peux voir dans les mangas, on dirait qu'ils vraiment, ils sentent comme une accélération pour arriver à une fin quelconque. OK, fait que t'as l'impression qu'ils s'en vont vers, on rappe ça, puis on fait d'autres choses. Hein. Je les vois mal refaire un autre 10 ans. Ben là, au moment donné... c'est ça. Fait que, les Simpsons ont réussi à faire... 20 quelques années. Ils ont toujours la même âge. Mais à un moment donné, il faut que ça finisse. Ben, mais c'est ça que ça achète aussi. Ils veulent faire 25 ans, puis ça va être juste. Je suis juste ça. Ouais. Juste 25 ans. Et mon petit dernier, qui semble vraiment être intéressant, je vais vous dire pourquoi, c'est Sword Art Online. Okay. C'est un animé qui nous transporte dans un MMORPG. Ah, okay, non. Où le héros semble être un expert d'épée. Le synopsis, là, dans le fond, c'est qu'il n'y a aucune façon de sortir du monde une fois qu'il est entré à l'intérieur, tant et aussi longtemps que tu n'as pas complété le jeu. OK. OK. Donc, faut vraiment t'es dedans, tu ne sors pas de là. Mais comme c'est un mode hardcore, ben si on meurt dans le jeu, on meurt dans le vous vie. Devinez la suite. C'est un peu comme Trump. Il se ramasse dans le jeu, puis... J'ai pas pu le voir, comme je te dis, c'est les annonces qui s'en viennent. Ok, ça c'est pas sorti encore. C'est pas sorti encore, ça s'en vient. Donc, dans la première semaine de juillet, là, okay. Ça va sortir. Là. Ça a l'air intéressant comme histoire. Ouais. J'ai regardé un trailer, je vous le suggère aussi d'aller le voir, ça semble vraiment bien. Mais j'ai hâte de voir s'il va avoir plus d'habiletés, s'il va monter de niveau et autres, vraiment comme un MMO. Là. Fait que c'est pour ça que je voulais vraiment en parler. Et parlant de hardcore, ben, je me dois me faire une petite référence à Diablo 3. Oui. Je devais le faire. Hein. Après avoir joué quelques heures en mode cauchemar... Oui. C'est un cauchemar. Le mode cauchemar, est-ce que c'est le mode quand t'as juste une fenêtre qui dit « erreur 37 » Non, moi, j'ai pas ça, en fait, Eric. Je sais pas si t'as ça de ton côté. Tu joues-tu? Non, j'ai pas joué encore. J'attendais. Ces jeux-là, j'attends tout le temps, au moins 6 mois, que ce soit... stable? Patché, ouais. Que ce soit au moins patché, Ah ben non, il est patché, je te le dis, et c'est quand même solide là. C'est vraiment, c'est parce que c'est ça, même mon père qui joue trouve ça plate qu'à chaque semaine il y a de la maintenance. Ah oh, mais. Mais ça fait partie du lot, puis ouais, jusqu'à maintenant c'est bien, Eric, je te dis. Qui dit maintenance aussi dit au moins il travaille sur le jeu. Oui, exact. Puis corrige justement ces bugs-là. Mais ce que les gens sont pressés, c'est qu'il faut que tu attendes dans ta région que la patch soit disponible. Donc, selon ce que tu as acheté, comme moi, j'avais acheté le jeu en français, le Collector, ouais. Ça me plaçait en Europe. Donc, même si j'ai juste les serveurs américains, je dois attendre que l'Europe ait fait leur patch pour jouer. Mais quand tu as ta session de jeu de planifier, c'est vraiment poche, là. Oui, tu peux... Oui, c'est sûr. Ben, c'est un peu comme quand on a commencé Star Wars The Old Republic, puis un soir, on avait dit on joue à soir, puis t'arrives à te loguer, puis hop, les serveurs sont en maintenance. Ah, ben on va faire d'autres choses. C'est cela. Mais au moins, on payait pas. Dans ce temps-là encore, c'était dans la bêta ou dans notre mois gratuit. Gratuit, entre guillemets, ouais, exact. C'est ça. Alors, bon, ben c'est ça. Quand je mentionnais Cauchemar, on savait qu'il y a 4 modes. Donc, après Cauchemar, il y a toujours l'Enfer et l'Infernal. Donc, oui, je sais, je traîne la patte. Mais comme je vous avais déjà expliqué, je veux prendre mon temps. C'est ça correct. Vaut le jeu. Exact. Donc, je tenais, par contre, à souligner mon respect le plus profond pour ceux et celles qui réussissent à terminer le jeu en mode infernal via le mode hardcore. Donc, justement, je voulais faire un petit lien avec le Sword Online, que c'est hardcore, qu'une fois que tu meurs... Tu meurs. Ça fait mal, c'est ça. Donc oui, sans jamais mourir, là, ne serait-ce qu'une fois, tout le long du jeu. Parce que si tu meurs, tu perds ton personnage. Tu perds ton personnage et tu perds tous tes objets que tu as accumulés avec toi. Ce qui rend la chose la plus compliquée, c'est que ton personnage, si tu veux vraiment battre Diablo... Oups, excuse-moi Eric, vu que tu n'as pas joué, tu sais, je veux pas te donner trop de spoilers, mais oui... On s'en attend presque pas. C'est le nom du jeu, fait qu'on imagine que Diablo, c'est le gros méchant. Ouais, exact. Mais bon, comme je disais, tout le long du chemin, mais pour en arriver à ne jamais mourir et le tuer, tu dois avoir le meilleur équipement possible que tu vas accumuler au cours des autres jeux. Dans le fond, tu vas jouer en mode normal, ou tu sais, je veux dire cauchemar, sans être hardcore, que même si tu meurs, tu vas pouvoir revivre. Tu perds pas tes objets. Fait qu'une fois que tu es rendu niveau 60, ben ton blacksmith, ton forgeron que tu vas avoir monté de niveau, il va être capable de même de forger des bonnes armures, ou tu vas avoir des magie ou des ça va tomber des monstres en les tuant. Clique, ouais. Tu vas avoir ça dans le fond, un trésor à découvrir. Fait que tu vas t'accumuler vraiment un set, donc tout un amalgame de pièces qui va former une armure solide, là, vraiment. Mm-hmm. Mais quand tu vas jouer au mode hardcore, t'as pas le choix de toujours, selon le niveau, d'avoir le best, d'avoir le meilleur, parce que si tu meurs, c'est fini. Ouais. Mais le truc là-dedans qui est plat, c'est que si tu meurs, tout ce que tu as travaillé si fort pour arriver à accumuler, tu le perds, là. Écoute, fait que c'est intense, l'adrénaline, tu rushes, écoute, c'est stressant. Regarde, il y a même un succès à débarrer pour dire, regarde, t'as réussi à te rendre au niveau 10 en mode hardcore. Juste 10, là, ça va jusqu'à 60. Écoute, c'est comme aïe aïe. Ça me rappelle une passe, la plupart du monde qui écoute le podcast vont sûrement l'avoir entendu parce qu'ils écoutent probablement aussi Radio Talbot, mais si vous l'avez manqué, Frank avait parlé d'une, je sais pas si tu l'as entendu, Eric, d'une bande dessinée qu'un gars avait dessinée sur Diablo. Je me rappelle pas si c'est pour Penny Arcade, une affaire de même. Okay. Puis le gars, le petit jeune de 12-13 ans, il arrive en face de Diablo pour finir le jeu. Puis là, Diablo, il pitche des boules de feu, puis ça rebondit sur lui, puis il n'y a rien qui se passe. Puis là, le jeune, il tue avait après 2-3 coups. Puis là, Diablo, il demande au petit jeune, il dit, « Mais, diantre, comment as-tu fait pour obtenir une armure si forte? » Il dit, « Avec la Mastercard de mon père. » Ouais, parce qu'il faut qu'on... On spécifie aussi que la maison là, en vente là, de l'Auction House, bon... C'est-tu en ligne? C'est en ligne, et maintenant, ils ont réussi à faire le transfert à ce que, si tu veux cliquer en haut à droite, tu peux convertir le prix de la valeur en gold pour de la vraie argent. Ouais. Mais, je vous le dis, c'est comme, tu te souviens-tu de Eden Eternal, l'Auction House, la maison justement des ventes? J'ai pas joué assez longtemps pour aller dans l'Auction House, je pense. T'as juste pas accédé. C'est quand tu viens pour acheter, les prix, les meilleurs items ont des prix exorbitants, voire ridicules. Okay? Non. Sérieusement, là. Bon, ben, c'est la même chose. C'est pareil dans Diablo. C'est pareil. Écoute, t'as des armures qui est niveau 20, ça va 2 millions de gold, t'as pas ça, là. Fait que c'est, mais tu dis, OK, ben, regarde, je veux le convertir en vrai argent, je veux peut-être l'acheter justement avec la Mastercard de papa. Merci, papa. Mais ça va coûter 240 pièces. OK. OK, mais donc c'est stupide, parce qu'en c'est vraiment 20, c'est rien, là. Ben c'est cela. Donc j'espère que ça va se balancer à un moment donné, mais de toute façon, tu peux marquer ton niveau maximum de gold que tu veux de pièces d'or que tu veux dans le fond mettre, tu dis moi 50 000, je vais pas dépenser plus pour un objet, donc c'est juste un item là. Puis là ben là tu regardes, puis ils vont t'afficher les prix si c'est possible ou pas. Okay. Puis donc c'est pareil comme du eBay, hein? T'as tout le temps un bid, donc où ce que tu peux faire mettre une gageure, ou tu peux l'acheter si le prix te convient, puis ils ont mis ça. Mais des fois ils le mettent pas. Fait que ça te force justement juste à gager, mais là c'est plus compliqué parce que là t'en as pour une journée ou deux d'attente. Puis dans ce temps-là, t'as le temps peut-être d'avoir la surprise de l'avoir, cet équipement-là. C'est ça, là. Donc c'est étonnant, mais je trouve ça vraiment écoute, comme je disais, j'ai bien hâte de voir s'il y a des gens qui vont s'enrichir avec ça. C'est pas encore fait, mais c'est complètement ridicule. S'il y en a que c'est le contraire, qui vont se mettre dans le trou avec ça. Genre de voir le premier crétin qui va aller hypothéquer sa maison pour s'acheter une armure et dire l'autre. Ben, ça s'en vient. Tant que c'est pas dans Edmonton. Ouais, tant que c'est pas un gars qu'on connaît à Edmonton. Non, c'est à Calgary. Vendre ta maison à Edmonton, tu peux t'acheter une compagnie de jeux vidéo complète, je veux dire, au prix que les maisons sont rendues ici. OK. Alors écoutez, je voulais juste mentionner, c'est que je pourrais pas réclamer le titre d'être le premier à terminer le jeu en mode hardcore, car Blizzard a confirmé que Crypt and Creepy, ok, ces deux personnages, un barbare et un magicien, ont été les premiers à terminer ce tour de force ultime. Ok, ça s'est fait dernièrement. Il y a des vidéos sur le web qui montrent leur dernière bataille contre Diablo. Avis aux intéressés, ceux qui veulent le voir, mais c'est ça, c'est que c'est spoiler, des spoilers exacts, donc j'ai pas voulu donner aucun lien, mais c'est ça. Le web est grand, c'est libre à vous. La vidéo dure environ 20 minutes où on semble recevoir surtout deux conseils qui aident ceux qui désirent tenter le coup de se braver et d'aller jusque-là. On entend très souvent, je vais traduire le français, mais « ne sois pas arrogant », « don't get cocky mm-hmm. ». Donc les deux, on voit que les deux se parlent dans le fond. Pour dire, regarde, pousse pas la machine, là. Pour dire, regarde, on joue sur un terrain dangereux pour arriver jusqu'à ce niveau-là. Puis là, on est rendu en train de battre le dernier boss. Et on va faire un Leroy Jenkins. C'est ça, là. Prends ton temps. Puis l'autre, dont la traduction anglaise, je vous laisse l'écouter, mais c'est un genre de court forest court, version un peu moins censurée. OK. OK. C'est cela. Alors, voici les deux petits conseils. En tout cas, je peux dire que c'est ça, rien que de penser l'idée de perdre mes armes, moi, au niveau 60, là, écoute. Puis, en plus, c'est ça, c'est que tu vas mettre des joyaux, que justement, t'as aussi un bijoutier, que pour t'aider à augmenter encore les statistiques de ton personnage, en plus. Fait que quand t'as... Ouais, c'est super, là. Mais, juste avec un partenaire, en plus, que... tu sais que moi, je joue avec une partenaire, hein. Mm-hmm. Puis, la plupart du temps, quand on tue Diablo, je me retrouve à la revivre plus souvent qu'autrement, là. Et donc, t'imagines-tu en jouant au mode hardcore, si... Tu Ben non. Donc, tu tombes seul. Écoute, ça, c'est vraiment le chapeau. Ça me donne des frissons, mais en même temps, vraiment un gros rush d'adrénaline. Tu sais, t'as envie d'y aller, t'as envie de le faire, mais je suis pas encore à cette étape-là. Je suis toujours à cauchemar. Ouais, bon, et ça. Voilà. Donc, encore bravo. OK, du côté MMORPG, parce que, bon, comme on a pu voir des animés, j'ai fait une transition Diablo, on tombe dedans. On attend les nouvelles sorties qui sont donc Secret World, hein? Ouais. Le monde secret, qui semble quand même bien. C'est axé justement sur tout le temps des... comment je pourrais dire ça? C'est mythique. Tu sais, dans le fond, un mythe de tel... ça parle aussi des Illuminati et autres, là, de trois sectes, dans le fond. Fait que ça semble vraiment bien. Tu sais, je vais en parler un petit peu, là, ça sort un petit peu du moule. Arcage. Ouais. Coréen, mais que tu peux faire pratiquement n'importe quoi. Et dont il y en a d'autres présentement qui sont en train de se faire, dont, si je me souviens, c'est Ember of Cirrus, qui semble bien, mais comme je te dis, c'est du copier-coller encore. Torchlight 2, hein? Torchlight 2, qui ouais. s'en vient. Qui est un jeu... à la Diablo. Qui est pas à la Diablo. RPG, non, c'est à la Diablo. Mais qu'il y a des modes en ligne, j'en ai parlé sur le dernier podcast. C'est ça. Qui est, d'après moi, bien intéressant. Mm-hmm. C'est cartoon, c'est dessin animé, mais oui, ça va être prometteur, qu'on attend donc pour pouvoir en parler. Et aussi Guild Wars 2. Que tu as essayé pas mal. Encore la deuxième bêta, c'est ça, ouverte là, à ceux qui ont acheté le jeu en pré-vente. Oui. Ou qui l'ont reçu gratuitement, comme je disais. Là, mais bref, tant que tu as le code, tant que tu as une clé, et voilà, tu joues et tu t'amuses. Certaines personnes ont des amis extraordinaires. Et bon... Juste ça de même. Juste comme ça. Sans aucune prétention. J'attends vraiment que la version Gold, donc live, soit là, parce que les bêtas, c'est bien le fun. Ils vont en faire encore un autre le 27. Mais donc, c'est juste une journée. 27 juin. Okay. Et donc... c'est ça, je vais peut-être jouer encore un petit peu là, un bref court moment, durant mes vacances. Ouh. Mm-hmm. Hey, on est en vacances! Ben ouais, vacances. Puis après ça, penses-tu que ça s'en va pas mal vers une sortie juillet-août? Je dirais plus à août que juillet. J'aimerais bien avoir la surprise de juillet. D'après moi, juillet, on va avoir Torchlight 2. Ouais, mais je crois que Guild Wars s'en moque un peu de Torchlight 2. Donc, pour la sortie, là, pour les développements, ouais, les studios, puis en plus, on le sait, que plus on sort rapidement, je sais qu'ils ont eux autres, ils reçoivent un rush, mais mieux que ça l'aide aussi à renflouer les coffres, hein? Ouais, c'est sûr. Écoute, surtout à ce niveau-là. Mais le jeu est bon. Écoutez, je vous le suggère, là, ça va être le jeu ça va avoir la peine de jouer. Par contre, ce que j'ai déjà commencé à ne pas aimer, je suis juste au niveau, quoi, 15, là, parce que tu pouvais reprendre des personnages, ils ont pas détruit, là. Okay. Tu peux continuer. Mais je suis rendu au niveau 15, puis tu sais que tu débloques tes habiletés selon les armes que tu peux équiper, selon ton personnage que tu joues. Donc, une fois que tu as fait le tour, même si tu obtiens un meilleur bâton, tu vas quand même avoir ces mêmes habiletés-là. Fait que c'est le fun, mais donc ça va venir juste au niveau des quêtes. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'on appelle la fin du jeu, le endgame. Pour l'instant, c'était super bon, mais comme je te dis, j'ai peut-être trop joué. Il aurait fallu que je me laisse... Ouais, exact, pour découvrir, mais écoute, moi je voulais, pour que les auditeurs puissent avoir un avant-goût, je veux être capable d'en parler, donc c'est ça. Fait que j'espère qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des extensions, c'est sûr, puis qu'ils vont amener soit des nouvelles armes ou des nouvelles habiletés. Okay. Qu'on va pouvoir choisir. Là. Parce que tu as essayé pas mal toutes les classes, puis t'en as fait un bon bout. Là. Ouais. Fait que j'ai eu bien le. Oh, c'est solide. Ça bat pas mal mes autres jeux. Fait que c'est pour ça que je te dis, je suis comme plus tranquille. Là. Okay. Puis j'attends impatiemment au moins ça, Guild Wars 2. Oui, exact. Mais c'est ça, je voulais en parler. C'est que je pense qu'on est vraiment en train d'assister. J'ai l'impression qu'il y a une apogée, tu sais, comme dans toute nouvelle chose ou toute nouvelle niche. Il y a un genre de pic, un sommet où j'ai l'impression qu'on est rendu là au niveau des MMORPG où, dans le fond, les studios ils tentent vraiment fort de vouloir percer, d'être différents, mais ça semble être tout un genre de mot. Ce que Eric disait qui semble pas être porté, n'est-ce pas d'ailleurs, à jouer trop au MMO? Pas du tout. Ben, tu vois. Parce que c'est ça, le genre, il semble stagner. Les gens essayent, puis on se lasse vite. On passe à l'autre tellement que le choix est grand, là. C'est difficile de se démarquer, puis c'est du pareil au même. Fait que tu finis par en pogner un, tu joues, puis à un moment donné, tu t'ennes. Ouais. Donc, tu t'ennuies, puis pouf. Fait que c'est sûr qu'en étant gratuit, ça l'aide. D'où, justement, Star Wars, que c'est ça. Ah, j'ai presque hâte là, que ça devienne gratuit. J'ai hâte de voir s'il va y avoir plus qu'un million, tout le monde va se garrocher. Mais... BioWare mise beaucoup sur la patch 1.3 qui s'en vient, qui va apporter des nouvelles affaires. Fait qu'on va voir le transfert de serveurs qui va permettre de peut-être mettre plus de population sur les serveurs pour avoir. Parce qu'il y a des instances, il y a des flashpoints qui apparaissent, selon ce que j'ai entendu, qui apparaissent juste quand tu as 200 personnes et plus dans une section. Ah! Tu as des choses qui apparaissent. Là. Fait que si tu n'as pas 200 personnes. Ces instances-là ou ces flashpoints-là sont invisibles. Mm-hmm. Fait que là, vu que depuis presque 6 mois, il n'y a jamais... 200 personnes. Il n'y a jamais... Ben, pas 6 mois. Le jeu est sorti, ça fait 6 mois. Là. Mais depuis peut-être 2-3 mois, où ce qu'on joue le soir, puis tu vois 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes. Là, ça a monté dernièrement. 40 personnes sur le serveur quand on joue le soir. 40-50 personnes. Là... avec les transferts de serveurs, à un moment donné, ils n'auront pas le choix. Faut qu'ils ferment des serveurs, ils ont des serveurs de trop. Ils vont fermer des serveurs, puis là, on va se ramasser peut-être avec ça, 200 personnes sur le même serveur. Mais quand même, on ne sera pas en même place en même temps, peu importe. Non, c'est ça. Mais là, tu vas vraiment revoir ces flashpoints-là de temps en temps. Mais j'ai hâte de voir où ça va se lancer encore. Là. Mais c'est ça. Mais je suis sûr, certain qu'il y a quelqu'un chez BioWare qui pensait bien gros que Star Wars était pour leur ouvrir la porte pour un MMO de Mass Effect. Puis là, je suis sûr que la personne chez BioWare qui pensait sortir un MMO de Mass Effect est en train de repenser à son affaire. OK. Ben, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'avais tweeté ça, je pense, c'est aujourd'hui ou hier. Les valeurs en bourse, c'était sur Mashable.com. La valeur en bourse d'à peu près toutes les compagnies de jeux est en train de planter présentement. Puis l'action d'EA, particulièrement depuis que Star Wars fait pas très bien, en fait, ça plante beaucoup parce que je pense qu'ils ont dit, ça n'a jamais été dit combien ils ont mis d'argent sur le jeu, mais c'est probablement le jeu qui a coûté le plus cher de tous les temps. Probablement. Puis l'action, elle avait monté comme vraiment haut avant qu'ils lancent le jeu à cause que, bon, c'est Star Wars, c'était BioWare, tu sais, c'était comme toutes des affaires winners ensemble. Oh ouais. Puis là, depuis qu'ils ont de la misère. T'sais, ils ont pas, comme tu disais, il y a encore un million de personnes, mais depuis qu'ils ont de la misère, ça a vraiment planté. Fait que, étant donné que tout le monde fonctionne juste à la valeur des actions, ça se peut que, oui, en effet, il n'y ait pas de MMO de Mass Effect avant un bout. Mais ça, les actions, c'est de la spéculation tout le temps. Là. Fait que, je veux dire, c'est pas nécessairement la valeur réelle, c'est ce que le monde pense que ce que ça vaut aussi. Mais, faut pas oublier aussi, si à un moment donné, EA puis BioWare se tannent, ils vont peut-être bien mettre la clé dans la porte de Star Wars, où ils vont mettre ça free-to-play avec un marché pour que le monde achète avec des microtransactions, puis ça va être tout. Mais faut pas oublier que Star Wars, George Lucas se met une partie de l'argent qui est fait avec le jeu dans ses poches. Mass Effect, la licence appartient à BioWare puis à EA. Ils n'ont pas de redevance à donner à quelqu'un d'autre pour ce jeu-là. Pas de royauté. Comme World of Warcraft, ben ça appartient à Blizzard. Puis à Activision, là. Mais je veux dire, ils n'ont pas d'argent à donner à une autre entité qui a inventé le monde, l'histoire, puis qui se garde plein de profits. Je suis sûr que George Lucas doit se mettre une bonne part des profits de Old Republic dans ses poches. Fait que peut-être que ça va faire aussi que EA va se virer de bord, va dire, regarde, on a essayé, ça n'a pas marché, on va mettre ça free to play, ou ils vont faire comme ils ont fait, parce que EA avait sorti Battlefield Heroes, qui était un jeu de Battlefield online qui était gratuit. Puis à un moment donné, ce qu'on a appris, c'est Area Games qui a ramassé ça. Mm-hmm. Parce qu'eux autres, ils font du free-to-play. Parce que gratis, puis EA, dans la même phrase, c'est pas top-top, là. Ça va pas bien bien ensemble. Fait que EA, ils aiment ça vendre. Hein? Ouais, mais encore là, ça revient aux actionnaires. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tandis qu'une compagnie comme Area Games font leur argent avec du free-to-play. Microtransactions. Exact. Fait qu'eux autres, ils ont ramassé Battlefield Heroes, puis depuis un bout, ça doit faire une couple de mois, c'est eux autres qui roulent ça. Ils vont-tu faire ça avec Star Wars à un moment donné? C'est sûr, c'est une grosse... c'est un gros morceau à ramasser. Peut-être pas Area Games va ramasser ça, mais peut-être LucasArts va le ramasser. On va le rouler de notre bord. Ou BioWare va se transformer, puis il va le faire. Puis il va quand même le gérer. Peut-être, ça reste dans leur poche. Là. Mais ça reste que c'est EA qui gère ça. Puis comme je te dis, EA puis gratis, ils n'aiment pas bien ça. C'est faudrait pas très... Vraiment, c'est ça. Il faudrait vraiment que ça soit payant en microtransactions. Puis moi, microtransactions, désolé. J'ai acheté le jeu, j'aurais payé pendant 6 mois, 1 an. Après ça, je commençais pas à payer en microtransactions. Puis pour ce que ça donne, il faudrait que ça soit plus que des costumes, tu comprends? Qui changent quelque ou chose. Épée, là. Des épées parce que ou des armes qui a de l'allure, ou des armures parce que, écoute, ce qu'on regarde présentement, déjà juste à acheter, on va tout le temps juste réparer notre stock, puis notre inventaire, puis on n'achète jamais rien, aucun boost là, de volonté, de plus d'endurance, rien. Fait que déjà là, on le fait pas. Donc, même si on fait des microtransactions, ils sont mieux de se préparer. Là. C'est ça. Fait que je crois que c'est ça. C'est une épine dans le pied qui ont dit, regarde, on va essayer avec payant. Ouch. Ouais, l'avenir va nous dire. Moi, je donne encore à peu près un an. Puis après ça, on va en avoir une bonne... 6 mois, un an, là, on devrait avoir une bonne idée de savoir où est-ce que ça va s'en aller. Soit que ça va planter, ou soit que ça va s'en aller free-to-play, ou quelqu'un, à un moment donné, le monde va avoir un angle où il va se passer quelque chose, Star Wars, là, puis la folie Star Wars va repartir, puis là, le monde va se lancer dans le MMO Star Wars, puis ils vont recommencer à jouer. Tu sais, à un moment donné, il arrive de quoi? Comme là, c'est pas mal tranquille, Star Wars. Mais ben, on parle de patch aussi. Il va sûrement avoir de quoi? Ah, tu parles des films? Non, mais je veux dire, il y a tout le temps le don, à un moment donné, d'annoncer quelque chose qui va, tu sais, qui va repartir, que le monde vont rembarquer dans en acheter des films, puis en faire le même. Une 20e réédition des films en DVD. Ben là, ils vont sortir un autre format après le Blu-ray. Là, tu vois, ça va sortir en 4K. Purple Ray ou en 4K, là, ou je sais pas trop. Là. Prochain format. Mettons ça green, c'est bon ça? C'est ça. Fait que, tu sais, en tout cas. Fait qu'on va voir. C'est... Moi, j'aime le jeu. Le jeu est bon. On aime le thème. L'histoire est bonne, je veux dire, c'est un MMO qui est facile à jouer parce que t'as pas besoin de lire. T'écoutes, ton histoire a été contée au lieu d'avoir à lire comme la plupart des autres jeux. Ok, mais vraiment, là, entre toi et moi, est-ce que l'émission qui passe, tu prends vraiment la peine de suivre vraiment tout ce qu'il dit ou vraiment juste regarder les objectifs qu'on a à faire puis essayer de répondre selon ce qu'il nous dit sur le moment, mais après ça, tu passes à l'autre. Fait que ça reste que, oui, c'est du verbal. Ouais. C'est sûr que les jeux où ce que ça va être une belle snake va apparaître, personne ne lit ces fenêtres-là. On fait OK, on passe à d'autres choses parce qu'on est tanné de prendre le temps de lire puis on sent que l'histoire, il n'y en a pas. Il n'y a pas de lien. Bon, puis encore là, les gens, comme je te disais, de Star Wars, s'associent beaucoup avec justement nos personnages fétiches. Fait que là, vu que c'est des années avant, puis que ça y a pas comme vraiment de lien en tant que tel, ils ont de la misère à accrocher ouais, en tant que. Tu sais, donc même les histoires là, écoute, combien de fois qu'on doit aller tuer telle affaire et autres, fait que ça devient tellement redondant que même moi, je suis l'histoire puis je fais le choix selon ce qui me donne 1, 2, 3, puis c'est tout. Ben c'est, après ça, je regarde la mission, on a ça à le faire, parfait, on se retrouve à tuer. Le gameplay est pas aussi intense, mais c'est juste le thème qu'on reste accroché. C'est là. Ça, mais je vais prendre plus le temps pour écouter puis embarquer dans l'histoire principale. Les quêtes secondaires. C'est ça. Là, eux autres, c'est sûr que tu. Mais il y en a un tas. C'est pas nécessairement important. Puis, moi, je dis, comme je joue un Jedi, je suis rendu au niveau 30, puis quand je suis arrivé sur Tatooine. C'est une planète fétiche de l'univers de Star Wars. Exact. Là. Fait que j'ai passé du temps là-dessus. Là. J'ai fait toutes les quêtes possibles et imaginables. J'ai même fait des quêtes bonus. Parce qu'à la fin, t'arrives pour t'en aller. Il n'y avait même plus de quêtes, puis tu t'en es créé toi-même. C'est ça. Non, mais j'ai trouvé ça un peu spécial. Parce qu'à un moment donné, t'arrives pour t'en aller. Puis il y a un gars qui est là, dans le spatioport, avant que tu partes. Puis il te donne d'autres quêtes. Puis on dirait quasiment que tu peux avoir des quêtes à l'infini. Parce que j'allais là, il m'en donnait une. Là, ouais, ben à part les héroïques, là. Oh, non, c'était vraiment des quêtes... Normal? Ouais, des quêtes secondaires, là. des petites quêtes normales, va tuer 50 hommes des sables ou va chercher telle affaire dans telle place dans le désert, puis là tu partais, mais c'était toutes des quêtes bonus, c'était marqué Tatooine bonus. Puis là je partais, j'y faisais, mais puis à un moment donné, je me suis dit, ah, j'ai mon stap, j'ai mon petit vaisseau, m'a me promener, ça va super vite, m'a faire la planète au complet. Ben oui. À un moment donné, je me suis ramassé d'une zone, puis tu t'en vas, en bas, t'as des hommes des sables, puis j'étais déjà passé là, puis je regarde, il y a un espace en haut, puis sur ma map, ça me marque non découvert. M'en aller voir. Des hommes de boîte? Non, mais c'était des soldats impériaux. Fait que, je fais comme commencer à monter à la côte, je dis, ah, il y a deux bonhommes en haut, méchants ou bons, je suis pas sûr. Je vais débarquer de mon petit vaisseau, ouais. Puis je vais regarder. Je clique dessus, niveau 50. Je clique sur l'autre, niveau 50. Oui, mais comme je te disais, on va devoir retourner sur ces planètes-là. C'est ça. Ben oui. Fait que là, je me suis dit, ah, ben je vais m'en aller par l'autre bord. Il était trop tard, il m'avait déjà spoté. 30 secondes, je suis mort. Puis c'était... J'ai même pas eu le temps de me sauver. Puis j'étais loin d'eux autres. Là. Ils m'ont spoté, ils m'ont tiré, j'étais mort. Mais fait, quand tu peux pas checker la planète au complet. Puis oui, des fois, tu vas retourner parce qu'on jouait nos sites... Ouais. Hier soir, puis on s'est ramassé à retourner sur c'est pas Drummond Cass, c'est Corriban, mm-hmm. qui est la première planète où tu commences, mm-hmm. pour aller chercher quelque chose, puis repartir tout de suite. Mais là, je disais, quand je m'en s'en allais, je disais, bon, ça n'a pas d'allure. 1 à 10, niveau 1 à 10, si on va arriver en avant de 50 méchants, on va juste les regarder, on va éternuer, tomber, tu sais. On va tousser, puis ils vont tout crever, tu sais. Fait que là, puis finalement, on s'est rendu, on a ramassé ce qu'on avait à ramasser, puis on s'est en allé. On n'a même pas eu à sortir sa planète, vraiment. Fait que c'est vraiment pour te faire perdre du temps, pour allonger le jeu. Là, pas juste ça non ça. Plus, mais comme je t'avais déjà expliqué, regarde, tu sais, à partir du niveau 25, on peut avoir notre stat, justement, qui nous permet d'aller plus vite. Ouais. Ben, les gens qui débutent, le fait qu'ils vont nous voir avec ça, ils vont dire « Wow, on peut avoir ça dans le jeu ». Ouais. Ça les incite aussi, fait que c'est donnant-donnant, parce qu'on s'entend que la galaxie est grande, mais BioWare semble avoir juste fait présentement 18 ou 20 planètes. Là. Ben dans 1.3, il va y avoir des nouvelles planètes. C'est ça, mais comme je te dis, il faut, faut laisser le temps à un jeu comme ça d'avancer. Là. Oh ouais. Ça, on peut pas tout demander en partant. Non, moi, je le lève quand même mon chapeau, parce que ils ont créé un univers qui est intéressant. C'est mm-hmm. fun à se promener dedans, c'est beau, je veux dire... Tu te promènes, on est sur, on était sur Nar Shaddaa. Ok. Avec nos sites, puis mm-hmm. les lumières, les néons, puis tu te promènes avec les vaisseaux pour changer de place, puis c'est vivant. On se croirait le cinquième élément là, ouais, avec Bruce Willis, c'est super, c'est Nar Shaddaa puis Coruscant, c'est pareil là. Fait que c'est vraiment comme t'as des vaisseaux qui se promènent, puis t'as c'est vraiment vraiment beau à regarder. C'est vraiment un univers qui est riche. À se promener dedans, c'est vraiment le fun. Mais c'est ça, ça revient à dire, regarde, les gens commencent à être saturés un peu du MMO en tant que tel, qu'il faudrait innover, trouver de quoi qui sort, puis aussi les compagnies essaient de battre tout le temps le fétiche WoW, là. C'est sûr. Donc, regarde, fait, en quelque part, c'est ça, écoute, j'en ai même presque oublié un, de toute façon, qui, je crois, peut donner quand même de bons résultats, puis encore perdre des heures rivées devant nos moniteurs. Mais bon, je vais vous le dire après, mais après 20 ans justement d'avoir fait des best-sellers, des meilleurs vendeurs au niveau des RPG de fantasy qui même se sont ramassés des awards, des récompenses, mm-hmm. Les Elder Scrolls series vont être online, ouais. En ligne, vont s'en aller en ligne. Donc le jeu va prendre place, la même chose, 1000 ans, ben nous autres c'est peut-être un petit peu plus, mais 1000 ans avant les événements, si je mentionne Skyrim, mm-hmm. qui est le dernier de la série. Exact, que les gens j'imagine vont savoir de quoi on parle, durant l'âge des héros. C'est développé par ZeniMax Online Studio. La sortie prévue 2013. Donc c'est très proche. L'année prochaine. Et on attend donc la bêta. Fait que c'est sûr que moi, je me suis fait demander par des auditeurs que je crois que j'ai vu même live qui m'ont croisé et ils m'ont demandé tu peux-tu en parler? Fait que oui, je vais essayer d'avoir les clés pour jouer à la bêta afin de pouvoir en parler là. Et qui sait, je vais peut-être accrocher. Mais non, c'est moi, j'avais entendu parler qu'il s'en venait avec un Elder Scrolls en ligne. J'ai hâte de voir. Bon, ça va être. Ça sera pas free-to-play, ça va être payant, mensuel, comme WoW, comme Star Wars. À un moment donné, il y en a un de la gang qui va péter. Là. J'ai l'impression que ça sera pas WoW. WoW est là pour rester, d'après moi. Là. Ouais, mais ça commence à être vieux. Ça commence à être vieux encore là. comme je te dis, même le jeu coréen Arcage va quand même. Écoute, tu vas pouvoir faire ton propre bateau morceau par morceau. Free to play Arcage ou free to play. C'est habituellement coréen. Ça commence à ressembler à Minecraft. Ça. Et voilà, c'est ça. Tu vas pouvoir faire ton bateau. Tu vas même pouvoir faire donc des quêtes en bateau. À un moment donné, tu as des canons. Écoute, tu vas pouvoir donc l'améliorer. Tu bâtis ta propre maison. Je sais pas si ça va aller jusqu'au château. Puis tu vas ton propre lot de terre. Ils veulent vraiment exploiter la totalité de ce qu'on peut faire avec un jeu, justement. Un jeu en ligne où ce que dans le fond on appelle ça seamless, okay. Où ce que c'est à perpétuité là. Écoute, ça semble d'être de toute beauté, mais comme je te dis, c'est toujours le premier qui après ça les autres vont regarder puis vont tenter de copier. Comme là je parlais de Ember of Cirrus, ça semble être du copier-coller là, parce que lorsque j'ai lu un peu qu'est-ce que c'est, il dit ben regarde, tu peux faire tes propres bateaux, tu peux faire tes... bon ben regarde, c'est money, fou. C'est parce que c'est ça, je comprends que toutes les compagnies veulent avoir un morceau du gâteau, que parce qu'on sait que le jeu génère des fois, je crois c'est quoi, 6 billions de dollars là. Non, c'est une industrie incroyable, ça fait plus que les films à ce temps. Ben, à part peut-être Avengers. Mais à un certain moment donné, il faut sortir du moule, mais je pense que c'est ça, c'est comme la mode, que là, on retourne au rétro encore, je me dis quoi, les créateurs innovent plus, puis tu reviens dans les modes avec, à un moment donné, le fluo va refaire surface. Ben regarde, c'est cool. Je veux dire, à un moment donné... Le fluo. Ouais, dans le mot fluo, il y a le mot flu. Hein. mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que, oui, c'est vrai que ça innove plus, puis quand tu regardes, tu sais... Modern Warfare 1, 2, 3, 4. Call of Duty 1, 2, 3, 4. C'est tout le temps du réchauffé. On nous ramène la même histoire. Assassin's Creed 3. Yeah. Ça commence à arrêter. C'est 1, 2, 3. Mais tu sais, c'est correct. Je me dis, si tu innoves toujours, c'est correct. Comme Assassin's Creed, le prochain va se passer vraiment comme en Amérique. Ça va être différent. Ça sera pas le même genre de gameplay. Fait que ça va peut-être être popé. Mais je veux dire, un shooter... Un shooter. Je veux dire, ça se ressemble. Puis que tu joues à Call of Duty, ou que tu joues à Modern Warfare, ou que tu joues à... Tu sais, ça revient à un moment donné, un shooter, c'est un shooter. Ça revient pas mal à la même affaire. Fait que... Mais j'aimerais qu'il fasse un shooter où ce que tu tues des vampires avec des balles ou des loups-garous avec des balles en argent. Ça existe-tu, Eric? Je suis sûr que oui. Ouf, ouais, c'est ça, c'est pas mal ça, un loup-garou. Y'a pas Vampire Rain ou Rain, quelque chose de même, c'était pas un jeu de ce genre-là. Blood Rain, mais c'était des vampires. Ouais, c'est ça. Mais Blood Rain, j'ai joué à ce jeu-là. Ouais, t'es tué pas avec des. Puis y'a même une vidéo, ils ont fait un film avec ça. Ça se peut. Ah mon dieu, ça c'est pas bon. J'ai pas vu. Non, écoute, j'étais surpris qu'ils ont voulu faire comme un copier-coller, là, puis c'était pas si pire. J'ai bien aimé le petit court-métrage, ben okay. En fait, au film, là. Ok. Mais oui, puis le jeu aussi, c'était... C'était peut-être un court-métrage, ça durait 2 heures, mais après une demi-heure, c'est endormi. C'était dessus. Très court. C'était un court-métrage. non, mais c'est ça. Fait que oui, j'ai joué à ce jeu-là, mais non, vraiment shooter, parce que c'était la troisième personne là, que je jouais à Blood Rain. Puis tu sautes vraiment sur ton... sur, dans le fond, la personne dont tu veux, justement, excusez, mais sucer le sang. Donc, ils mettent même une petite passe érotique à ça, avec des bruits et tout. Là, tu dis, tabarouette. Mais là, tu regardes le film, puis c'est pas mal ça aussi. Tu dis, OK, ils ont voulu trouver, je sais pas quelle audience, mais. Il y a du monde bizarre, il y en a partout. Il y en a un qui s'en vient l'année prochaine. L'update, il va y avoir Planet Side 2, qui est un ouais. MMO, qui est un espèce de first-person shooter MMO. Mm-hmm. Okay. Moi, j'ai tout le temps voulu l'essayer, celui-là, mais je suis arrivé un peu tard dans le game, fait que je me suis dit que j'allais passer. Mais là, s'il y en a un deuxième qui sort, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais. Que t'aimerais essayer. Tu seras peut-être pas en retard dans le game, soit là. Mais c'est vrai que c'est ça semble être très, très peuplé, le MMO. Surtout le free-to-play, là, il y en a une pile, tu sais. Ben, juste aller sur le site d'Area Games, il y a plusieurs titres, puis... Ouais, mais partout, mais les gens ne veulent plus payer par temps par mois. Ça a été une mode dans le temps où ce que cette forme-là fonctionnait, mais maintenant, il faut se convertir à ça, et les microtransactions, c'est ce qui prend la place. Ouais. Donc, c'est, regarde, tu t'ajustes ou... Tu meurs. C'est ça. Puis souvent, c'est plus payant les microtransactions que les paiements par mois. Exact, on en a déjà discuté lors d'un autre podcast. Fait que, je veux dire, c'est à fou de pas s'essayer. Ben. Fait que, pour Star Wars, on va voir. Pour les autres, ben, c'est ça. Il va y avoir d'autres jeux qui vont être payants. Au moins, il y a Terra aussi qui s'en vient, qui va être payant aussi. Terra, présentement, on a droit à un séjour d'essai mm-hmm. ou de télécharger la démo directement. Fait que je sais pas si vous avez reçu des courriers électroniques pour ça, mais vous pouvez quand même aller sur, regarder sur le web, là, sur Internet, et puis vous allez trouver, puis vous allez pouvoir télécharger pour vous donner une petite idée. Moi, j'ai regardé un petit peu. Je suis pas fort avec, justement, des Ewok, genre panda, que tu vas pouvoir jouer. J'ai hâte de voir le reste, mais le jeu semble... Dis le gars qui jouait un panda dans Eden Eternal. Ouais, mais ça, c'est un ours. Non, bref, quand même. ben non, il est tout petit, puis il a de l'air tout trapu, tandis que mon ours, il avait de l'air costaud, au moins. Ouais, au moins. Mais bon, c'est ça. Écoute, juste te dire, au niveau graphique, top-notch. C'est vraiment numéro un, c'est beau. C'est vraiment, donc, à jour et tout ça. Je veux l'essayer. Donc, je vais peut-être en parler lors d'un prochain podcast. C'est-tu live ou c'est encore en bêta? Non, c'est encore en bêta. Okay, okay. Mais là, c'est ça. Fait que là, tu peux acheter, donc, comme je te dis, là, un séjour pour essayer. Fait que ça s'en vient. Je veux dire, ils te préparent, là. Puis après ça, ben, si t'aimes, tu vas acheter. Fait que c'est là, là. Je veux dire, oui, t'as peut-être, c'est peut-être live. Faudrait que je regarde à nouveau, là. Mais moi, c'est parce que j'ai reçu le courrier électronique il y a de cela, je crois, il y a qu'une couple de jours. Okay. J'ai pas eu le temps, justement, la préparation de notre travail et autres, là, de télécharger. Parce que je voulais juste cliquer pour, justement, essayer le démo. Okay. Pouvoir en parler aujourd'hui. Okay. Mais je vais peut-être me reprendre et le faire. Okay. Pour me donner une idée. Oui, oui. C'est bon. En passe, t'as-tu d'autres choses? Oui, j'ai un beau petit verre ici de sangria, ouais. Okay. Mais non, c'est beau. Si jamais, par hasard, il y a du monde qui voudrait avoir des clés séjour pour essayer soit tard, juste à m'envoyer un courriel. On en a, avant, on en avait comme 4 à donner dans nos comptes. OK. Puis je n'avais donné 4, je pense. Tu en avais donné un à quelqu'un. Mm-hmm. Puis là, je suis allé voir dans mon compte la dernière fois, je pense que j'en ai 40 à donner. Fait que... Je suis pas retourné. Ouais, fait que c'est ils veulent, tu sais, c'est... Ouais, mais qui te permet de jouer jusqu'au niveau 15? C'est ça, hein? Ça va être quand ça va être free, quand ça va tomber en free juillet. Jusqu'au niveau 15, au mois de juillet. C'est ça. Mais en attendant, si vous voulez un séjour d'essai gratuit, juste à m'envoyer un courriel, là, cjuapodcast@gmail.com, puis je vous enverrai une clé d'essai, là. C'est libre aux gens, mais moi, c'est sûr que selon comment ce que je vois, juillet est proche. Oh oui, mais j'offre au cas où. Pour ne pas les perdre, pourquoi pas. Juste à m'écrire, je vais vous envoyer. Mais je me souviens pas si les gens devaient avoir une carte de crédit pour pouvoir s'enregistrer et autres. Je pense que ce serait pas pour ça. Je l'ai donné 3, personne m'est venu pour me dire que ça lui prenait une carte de crédit pour ça. Mais en tout cas, si c'est le cas, ben regardez, attendez en juillet ceux qui n'ont pas de carte de crédit ou de papa avec Mastercard, que tu sais. Mais bref. Ben oui, parce que ça va tomber gratuit jusqu'au niveau 15. Ils ont voulu prendre le même mode, comme je te dis, de la plupart des d'autres jeux. Puis, niveau 15 en soit tard, c'est bon parce que ça te permet d'avoir ton vaisseau, ça te permet d'avoir ton Steel Jedi, ton sabre laser. Mais ça te permet aussi de choisir ta classe. C'est ça. Ça te permet d'essayer pas mal le jeu. Ça te donne une bonne idée si tu vas aimer ça ou pas. Ouais. Tu vas pouvoir changer de planète aussi. Donc, selon, j'espère. Là, tu changeras de planète au niveau 10. Bon, c'est ça, des fois, je pensais que tu restais poigné sur la planète puis tu ne pouvais pas bouger. Mais si c'est free, t'es libre d'aller d'où c'est que tu veux. J'imagine que oui. Ouais. Fait que non, c'est pas vrai ton vaisseau. Tu peux quitter la première planète au niveau 10. C'est au 19. T'as ton vaisseau au 19 ou au 20, c'est plus tard. Mm-hmm. Mais ça donne quand même une bonne idée du jeu. Non, ils veulent pas quand même donner ce bonbon-là. Non, quand même pas. Parce que c'est là que ça commence à être le fun, tu peux aller où tu veux. Il est beau notre vaisseau en plus. Il est pas pire. Ah, écoute. Bon, fait que c'est beau. Fait que merci Simon. Ben merci à vous. Fait que on va passer à une petite note. Non, ok. Bon. Fait qu'on va passer à Eric. OK, donc oui, on a été gâtés depuis le dernier podcast parce qu'on a vraiment eu beaucoup d'annonces ce mois-ci. On va faire un petit tour du E3, mais dans la dernière semaine, on a eu les nouveaux produits de Mac, les nouveaux produits de Microsoft. Puis hier, en plus, il y a eu une conférence en plein milieu de la nuit de Nintendo pour annoncer des nouveaux cossins. Nintendo qui avait déjà fait une demi-douzaine de conférences pendant le E3, c'était toujours pas assez. Ils ont attendu un autre 2 semaines pour nous en faire un autre, pour nous dire qu'il allait avoir une 3DS XL qui s'en venait. Oh. Ouais, en plus, je faisais une joke quand la 3DS a sorti, puis à un moment donné, on en parlait sur Twitter avec Bruno Georget, puis il dit « Allez-vous acheter la 3DS? » J'ai dit « Non, je vais attendre soit la 3DS XL, la 3DS Lite. » ou une des variantes. Puis j'ai ri quand j'ai vu que certaines 3DS XL, je me suis dit, je l'avais dit. Ouais, puis attendez, parce qu'ils vont probablement sortir une 3DS XL édition spéciale Mario ou Princess Peach, je sais pas quoi, là encore. Là. Ça, c'est la technique Nintendo et la technique Sony, c'est tout le temps sortir des versions de console en changeant les couleurs, puis en mettant des nouvelles bébelles. Avec la PSP, en tout cas, c'était une technique très populaire. Mais ça vend, Eric, hein? Ah, ça vend, c'est sûr. Je sais pas qui en achète 2-3, mais je sais que juste la PSP, je pense que tous les jeux qui sont sortis sur la PSP ont eu leur modèle spécial de PSP. Ben, il y a eu une God of War, il y a eu une Anna Montana, même. Ah oui. Ouais. Une mauve ou quelque chose de même là. Ouais, ça puis la 3DS aussi, mais la 3DS, je sais pas si les ventes sont bonnes, ça fait longtemps que j'ai pas checké les ventes de la 3DS là. Ça se vend pas comme je pensais, ouais. Ouais, ils sont rendus à 5 millions je pense aux États-Unis, ça va mieux. Depuis qu'ils ont baissé le prix, ça a repris. De toute façon, j'ai trop vu d'hologrammes dans Star Wars, j'attends la 4DS moi. La 4DS. Oui, la Smello DS. C'est ça, la Smello DS. Donc, oui, le E3, ben, le E3 cette année, moi, en tout cas, je vais faire la publicité d'un autre site, mais on l'a couvert avec Guy Bécois. C'est correct, c'est tout des chums, t'as le droit. Ouais, ton maudit voisin. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a fait, on s'est assis devant nos TV, puis on a écouté le E3 comme 75 heures d'affilée. Et puis, bon, ben ça a tout poigné dans nos têtes avec le recul depuis 3 semaines, puis les jeux qui ont été annoncés, puis toutes les choses qu'on n'a pas vues, qui ont été comme... On peut regarder ça, la tête froide, maintenant. On peut se dire que ça a été quand même un bon E3. J'en avais parlé dans mon spécial chèque de paye E3. Si on regarde en détail chaque conférence, on va avoir tendance à être un petit peu négatif, probablement. Si on regarde dans l'ensemble, je pense que ça a été un bon show. Je pense que les compagnies sont revenues à nous annoncer des jeux au E3, ouais. Plus que nous annoncer des bébelles, même s'il y en a eu quand même. Là. Ou juste des chiffres. Ouais, parce que les 3 dernières années, on s'entend-tu que des Kinect puis des affaires 3D, on en avait plein notre casse. Là. Ouais. D'ailleurs, en passant, tout le monde disait tout le temps que c'est les hardcore gamers qui financent l'industrie, pas les casual gamers, puis de concentrer là-dessus. Mais j'ai tweeté justement aujourd'hui une statistique là-dessus du site de Mashable qui dit que 4% des revenus de l'industrie du jeu, c'est les casual. Ouais, puis le restant, c'est les hardcore. Il y a beaucoup de monde qui achète des petits jeux à 1$, mais ça prend quand même 60 jeux à 1$ pour battre un jeu à 60$. Ouais. Donc, même s'il disait Angry Bird a fait 160 millions, Call of Duty a fait 1 milliard. Oh oui. C'est bien que l'industrie semble se réaligner sur ceux qui la font vivre. Entre autres, moi. Entre autres, moi. Donc, oui. Le seul, ce qu'on peut dire, par exemple, des E3, parce que pour ceux qui suivent l'industrie depuis longtemps, on était habitués à des E3, c'était... Dans l'ère pré-Internet, le E3, c'était pas mal la seule place que les compagnies pouvaient annoncer leur stock. Sinon, il fallait que tu achètes des magazines de jeux, puis les annonces se perdaient un petit peu, tu sais, dans la brume. Mm-hmm. Donc, tout était tout le temps annoncé au E3. Et aussi, dans un peu avant l'ère pré-console, avant que Microsoft et PlayStation prennent toute la place... c'était surtout des annonces de compagnies de jeux. Tu sais, c'était Atari qui venait annoncer ses jeux, EA venait annoncer ses jeux. C'était pas centré sur les plateformes. Donc, les compagnies comme EA puis tout ça, ils n'en vendent pas de bébelles. Donc, ils annonçaient que des jeux. Maintenant, aujourd'hui, bon, ben là, en plus, les consoles de jeux sont devenues des consoles de n'importe quoi, là, ah, de salon. Du multimédia, ça. C'est un, ouais, une console, c'est ça, c'est un centre de divertissement, puis ça va devenir encore pire. Ouais, c'est ça. C'est un peu devenu comme iTunes. C'est un ramassis de n'importe quoi. Là. Ouais, mais d'un autre côté, je me dis, c'est tant qu'à avoir une bébelle dans ton salon, aussi bien que ça fasse tout ce que ça peut faire, puis pas avoir, tu sais, 50 bébelles. Comme à un moment donné, avant que la Xbox devienne un centre multimédia comme c'est devenu, ben j'avais ma Xbox, j'avais une boîte. Mais tu sais, une boîte. Non, mais j'avais une boîte Western Digital ou une bébelle de même qui lisait des OVI si je voulais avoir une bibliothèque de films compressés ou des affaires comme ça ou écouter de la musique. Tandis que là, ben. Ça fait tout sa même boîte. Fait que c'est une boîte dans ton salon qui fait tout. Puis avec Windows 7 puis la Xbox, je veux dire, c'est merveilleux. Tu peux streamer du stock directement de ton PC. Puis c'est parfait, là. C'est merveilleux. Ouais, ben moi-même, je suis pas contre ça. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais acheté une PS3. Parce que moi, j'étais un gamer de PC. Puis j'avais besoin d'un Blu-ray. Puis je me suis dit, quitte à acheter un Blu-ray, m'acheter une PS3, tu sais. Puis en changeant le disque dur dedans, je m'en suis servi longtemps comme centre multimédia. Je veux dire, je dompais mes films puis ma musique direct dedans. C'est merveilleux. C'est juste que quand on arrive à un événement qui est comme le E3 où on veut parler de jeux, ben là, il faut passer au travers des conférences qui nous racontent les nouveaux souliers de Nike puis toutes ces histoires-là qui sont plus ou moins intéressantes. Ouais. Mais en tout cas, malgré tout, on a quand même annoncé des jeux. Pour revenir à ce que je disais, c'est justement qu'avant les E3, il y avait tout le temps des surprises parce que c'était le seul événement de l'année. Maintenant, avec l'Internet puis les fameux leaks qui en sont pas vraiment. Non, ouais, c'est des leaks contrôlés. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de jeux qui sortent aussi que ça serait impossible de tout annoncer au E3 puis de sortir du lot. Donc, ce qui arrive, c'est que la plupart des jeux qu'on nous annonce, on le savait déjà, tu sais. Où ils ont été annoncés dans les semaines avant, comme Halo 4, ben, Call of Duty, si on sait qu'ils vont en sortir un ou six mois. Donc, il n'y a plus vraiment d'annonce de nouveautés, mais la preuve que c'est les nouveautés qui nous intéressent, tout ce que tous les médias puis tout l'Internet a parlé, c'est tous les jeux qu'on n'avait pas entendu parler, comme Beyond Two Souls, puis l'autre qui fait beaucoup parler, c'est Last of Us. Ouais. Fait que tous ces jeux-là, c'est des jeux qui ont vraiment attiré l'attention parce qu'on ne savait pas c'était quoi. On n'en a pas entendu parler. Je veux dire, Halo, même si ça va être excellent, bon, puis on sait à quoi s'attendre, tu sais. Ça va être le même genre de jeu. Fait que il y a eu quelques surprises dans les jeux qu'on savait qui s'en venaient un peu. Il y a Assassin's Creed qui ont réussi à nous surprendre avec la bataille navale. Je sais pas si vous avez vu la démo, là. Non, je l'ai pas vu. Ah, ça, c'est, faut aller voir ça. Ça, c'est vraiment impressionnant. Bataille navale entre les Anglais et l'armée américaine. Mm-hmm. Fait que là, c'est vraiment des bateaux, tu peux tirer là, avec les canons, faut que tu te déplaces avec le vent, tu peux faire de l'abordage. C'est vraiment, la démo était vraiment impressionnante. Là. C'était vraiment bien. Là. On voit qu'avec Assassin's Creed, je pense que Ubisoft veut vraiment faire un jeu qui est plus qu'un jeu là, simple avec une ligne directrice. Là, elle va faire une espèce d'univers. On dit tout le temps qu'il va avoir un MMO de tel jeu quand ça devient gros. Là. Je ne sais pas si on va un jour avoir un MMO d'Assassin's Creed, mais avec Assassin's Creed, qui est vraiment la grosse franchise de Ubisoft, là, ils essayent vraiment de mettre le paquet. Puis ça, il va venir me chercher, hein? Oui, il va venir te chercher. mais Assassin's Creed. Avec les batailles navales. Mais tu veux Assassin's Creed, j'ai essayé le premier, j'ai pas trippé, j'ai commencé à jouer un peu aux deux, j'ai pas embarqué. Mais plus je regarde le 3, plus le 3 commence à m'intéresser pour le côté, tu sais, le côté histoire, puis le côté des nouveautés qu'ils essaient d'embarquer dans le jeu. Fait qu'ils m'auront pas à sortir, c'est sûr, j'irai pas payer 60$ pour ce jeu-là. Mais qui tombe à 30-40$, peut-être qu'ils vont m'avoir rendu à ce point-là. Puis peut-être que je vais embarquer pour le prochain, encore plus, tu sais. T'as fait la même erreur que moi, c'est t'as commencé par le premier. OK. Le premier, c'est vraiment pas bon. C'est un démo technique. C'est plus comme qu'est-ce qu'on peut faire, puis montrer l'univers un peu. C'est le deuxième était un peu mieux. Moi, j'ai réussi à toffer un peu plus longtemps au deuxième, mais le problème, c'est que j'avais joué au premier, donc en m'en allant tout de suite après dans le deuxième, j'étais comme déjà tanné. Okay. Mais je veux dire, c'est pas une erreur, on va vraiment aller vers le premier. Veux pas, c'est un nouveau jeu qui sort, puis tu dis, garde, ça a l'air intéressant. Là. Ouais, même moi, je trouvais ça pas pire. Là. Mais tout le monde dit que le deuxième aurait dû être le premier. Ben, on aurait dû attendre un peu plus longtemps avant de le sortir, le peaufiner un peu plus, puis que le deuxième soit le premier. Mais ouais. Bon, en tout cas, c'est faut commencer à quelque part, mais... Regarde, c'est un coup de circuit, cette franchise-là, pareil. C'est intéressant, le principe du jeu est intéressant. Fait que... Ouais, c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'on assiste au même jeu qui, depuis 3 ans, se fait juste updater. Là. c'est ça, fait qu'il y a d'autres annonces. Il y a une annonce qui était assez bien, par exemple. Je sais pas si toi, as-tu déjà joué à Splinter Cell? Parce que le nouveau Blacklist... Hein. J'attendais Splinter... J'attendais un prochain Splinter Cell... J'avais jamais joué à Splinter Cell avant parce que je suis probablement dans la gang des indignes qui disent tu sais, Splinter Cell, c'était trop tout le temps stealth, tout le temps caché, tout le temps fais-toi pas détecter, puis fais-toi pas voir par personne, puis tue le monde sans qu'il te voie, puis c'était pas vraiment un shooter, c'était vraiment un jeu d'infiltration, puis ça m'intéressait pas dans ce genre de jeu-là. Mais j'ai acheté Conviction. Puis ce jeu-là, j'ai dévoré, là, j'ai vraiment adoré Splinter Cell Conviction. Fait que si le prochain est dans le même style de Conviction, qui est tu peux jouer du style que tu veux, rentre dans le tas si tu veux, puis vis avec les conséquences, ou vas-y un peu plus furtif, puis tu sais, plus tranquille, puis tue tes ennemis, puis essaye de pas trop te faire voir, t'as le choix, c'est sûr que je vais embarquer, là, parce que le Splinter Cell Conviction, c'est vraiment solide comme jeu, là. Ouais, un peu comme justement, on va en parler tantôt là, dans Ghost Recon, où il y a des missions où tu n'as pas vraiment le choix d'être silencieux, mais il y a des missions où tu peux y aller ou non. Puis tu as des missions qui sont le mix des deux, mais ça, on va en reparler ouais. Tantôt. Là. Mais j'ai une question, par exemple, Eric. Oui. Tu trouves-tu pas, comme moi, comme je disais, là, pour les MMO là, qui semblent stagner, est-ce que dans le fond, Ghost Recon, Splinter Cell, qui se trouvent être des jeux de guerre, ou ce que. Tu sais, je veux dire, tu snipes, tu tires, tu vas avoir au niveau de technologie, tu vas devenir invisible et autres. Tu trouves-tu pas que ça aussi, c'est en train de stagner ou. Il y a encore quelques belles innovations là, qui nous gardent dans le jeu. Là. Mais c'est sûr que moi, je prévois que d'ici la prochaine année ou deux, ça va probablement stagner. Parce que là, dans les dernières 7 ans, on est passé des jeux qui ont vraiment popularisé le genre, là, les jeux de la Deuxième Guerre mondiale, là, comme les Medal of Honor, Call of Duty. C'est ça. Là, on est rendu tout dans le Modern Warfare, puis je veux dire, le prochain Call of Duty, c'est quasiment Halo. Là. C'est futur, ben c'est un peu comme Future Soldier. Futur, c'est ça, c'est dans un futur proche, c'est pareil comme Future Soldier, le dernier Ghost Recon, qui est dans un futur proche. Fait que là, ils vont avoir pas mal tout essayé, je veux dire, au point de vue, d'étirer le réalisme le plus qu'ils peuvent. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe là, rendu à ce moment-là. En fait, c'est les ventes qui vont décider, hein, tant qu'ils vont en vendre des Call of Duty, qu'est-ce que je te dis? Tant que ça va faire un milliard par version que ça. Regarde. C'est comme on disait tantôt, tant qu'il va y avoir je sais pas combien de millions de personnes qui vont jouer à WoW, ben il y a plein de monde qui vont essayer de faire des copies de WoW. C'est ça. Parce qu'ils vont vouloir leur partie de la tarte. Fait tant qu'il y a un marché, c'est dur à dire. Moi, personnellement, je joue beaucoup à des jeux qui sont cotés 6 ou 7 par la plupart des critiques. Puis c'est là que je trouve les trucs les plus intéressants, même si les jeux sont plus ou moins bien faits. Là. Mm-hmm. Parce qu'il faut leur donner ça, là, les Call of Duty, Battlefield, tout ça. La mécanique de jeu est impeccable. Là. Je veux dire, tu prends le fusil, tu tires, ça répond tout le temps super bien. Les jeux comme Gears of War, se cacher, ça fonctionne. La mécanique est parfaite. Là. Mais c'est pas là que tu trouves les trucs les plus intéressants. Là. Tu sais, eux autres, ils vont jouer safe pour garder leurs fans. Oui, c'est sûr. Donc, c'est ça qu'on a vu au E3 là, avec les Halo et tous ces trucs-là. Gears of War Judgment. Oui, exactement, qui s'en vient. D'ailleurs, qui nous avait dit il n'y a pas 6 mois qu'il n'y en aurait pas un autre. Oui, mais ça, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Cliffy B avait dit si c'est sûr et certain que si Gears of War 3 vend bien, je serais stupide de ne pas en faire un autre. Il avait annoncé que Gears of War 3 fermait l'histoire des personnages qu'on connaît présentement, là. Mais je veux dire, il l'avait dit clairement, si le jeu vend, je serais un cave de pas en faire un autre, là, pis d'un côté, je le comprends. C'est pour ça qu'il y a des Call of Duty pis des Modern Warfare aux 6 mois, 1 an. C'est parce que ça vend. La journée que ça vend plus, Guitar Hero, il en sortait toutes les saveurs, toutes les sortes, pis paf, fini. Un moment donné, je pense que toutes les bandes de la planète ont eu leur édition spéciale. Ouais, tu sais, à un moment donné, je veux dire, Guitar Hero Rick Astley, à un moment donné. Oh, you've been Rick Rolled! Tu sais, fait que. Bon Jovi? Non, Bon Jovi n'a pas eu. Bon Jovi n'a pas eu le sien, mais t'as eu Metallica, t'as eu Aerosmith, t'as eu Green Day. Mais il y a beaucoup de, justement, de chansons de Bon Jovi, par exemple. Pas tant que ça. Ben, quand même. Il y en a eu une couple, mais il n'y en a pas eu tant que j'aurais pensé. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait fait une édition à un moment donné, mais je pense que ça a planté avant. Fait que. Mais ils reviennent pas avec du Guitar Hero ou du Rock Band? Ben, il y a Rocksmith présentement qui est celui qui vend, mais c'est vraiment presque rendu une simulation, un cours de guitare. Ouais, c'est ça. Fait que faut vraiment que tu veuilles jouer. Si t'as ta propre guitare, c'est quand même intéressant. Si tu veux acheter le jeu, puis apprendre, puis commencer, puis t'as pas de guitare, c'est comme 200 quelques piastres le kit. C'est sûr que c'est pas plus cher. Guitare qui vient avec, là. C'est sûr que c'est pas plus cher que le kit que j'avais acheté de Guitar Hero avec le drum, puis tout le kit, là. Donc d'ailleurs, après un certain temps, on s'est quand même tanné, je veux dire. Ouais, c'est tanné. C'est tanné à force d'échapper les bâtons. C'est ça. Fait que, OK. Fait qu'à part de ça, c'est quoi tu retiens du E3? Ben, en tout cas, si vous n'avez pas vu aussi de la fameuse démo de Watch Dogs, qui est le jeu que Ubisoft a surpris tout le monde avec, faut que vous alliez voir ça. Là. C'est un jeu qui est annoncé sortir en... Ils disent 2013 ou prochaine génération de consoles, ou prochaine génération de cartes graphiques, en fait. C'est un jeu qui est vraiment, vraiment poussé, là. C'est une espèce de open world où notre personnage peut hacker n'importe quoi. Le scénario, c'est dans le futur, en fait, tout est connecté en réseau. Donc, dans le jeu, notre personnage peut hacker n'importe quoi. Donc, tous les personnages qui se promènent dans le jeu, là, même les personnages qu'on appelle les NPC, non-playable character, tout le monde qui se promène dans les rues, toutes les voitures, les lumières à chaque coin de rue, tout peut être hacké. Évidemment, il va y avoir un scénario avec ça, là. Je me demande aussi que tu mets prise USB sur un personnage non-joueur pour le hacker. On aurait de la tête, probablement. Wi-Fi! Toi, je t'aime pas, m'a hacké ton toaster, m'a fait brûler tes toasts. Exactement. Donc, ça, si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. C'était assez impressionnant comme jeu. Ouais. Les autres jeux, il y avait Assassin's Creed. En fait, c'était quand même bien. Le Last of Us, ça a l'air vraiment intéressant. Là, c'est la gang d'Uncharted qui a fait ça. C'est quoi, c'est un survival horror? Ça ressemble un peu à ça. En fait, c'est ça ressemble un peu au film The Road. Je sais pas si vous aviez vu là. Non. Le père avec son fils, une espèce d'apocalypse. Le père avec son fils qui se promène, il essaie de trouver des ressources un peu là parce qu'il reste plus rien. Okay. Donc, si vous avez vu, j'avais fait aussi un chèque de paye sur I Am Alive, une espèce de post-apocalypse où les balles de fusil sont très rares. Donc et la qualité du jeu était très pourrie aussi. Ouais, le jeu était pas très bon, mais l'idée était là, donc je suis content de voir que cette idée-là est reprise avec ce jeu-là. D'ailleurs, c'était Ubisoft, hein, dans I Am Alive. Ouais. Donc, moi, j'en avais parlé un peu de ça, d'ailleurs, quand j'avais joué à I Am Alive. C'est que Ubisoft, on dirait qu'ils essayent des affaires, tu sais, comme ils ont fait un peu, justement, on disait avec Assassin's Creed. Ils lancent des affaires à gauche, à droite, puis quand ils voient qu'ils ont quelque chose, là, on dirait qu'ils mettent plus de temps dessus. Puis là, ben, la gang qui fait Uncharted semble avoir pris vent de ça. Puis ils ont repris ça. Puis ça a l'air bon. C'est un peu dans le style Uncharted. Là. C'est vraiment action-aventure. OK. Dans le même genre aussi, qui était super beau, il y a Tomb Raider, là, l'espèce de reboot de la licence qu'ils font. Ouais, ça a l'air assez hardcore. Le nouveau a l'air assez hardcore. Là, ça en mange une mouche. Ouais, toutes les langues sales ont dit que c'était un mode de Uncharted avec un personnage féminin, mais non, ça risque d'être intéressant pareil parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à un Tomb Raider. Je veux dire, la dernière fois qu'on a joué les gros, c'était quoi, la PlayStation 1? Ouais, c'est ça, les bons, là, qui avaient un peu d'innovation. Je pensais dedans. Que c'était. Non. Mais la nouvelle Lara a des proportions un peu plus normales maintenant. Ok, d'accord. C'est moins tape à l'œil. Je pense que c'est ça qui fait qu'on va embarquer plus dans l'histoire aussi. Elle va être un peu moins héroïne. T'sais. quand le jeu commence, elle n'a aucune expérience de combat, rien. Oh, là, ouais. Elle sait pas comment se retrouver dans la jungle, c'est perdu. Fait que je pense qu'on va accrocher plus aussi. Tu sais, elle mange une volée, là, ça a l'air que les premières heures de jeu, ouais. Ça va pas bien son affaire. Là. Mais je pense que. Allez voir le trailer, la bande-annonce. Là. La bande-annonce est assez épique, là. Parce que elle fait vraiment pitié à la fille. Là. Elle tombe à terre, elle se ramasse avec un bout de bois rentré dans le ventre, qu'elle enlève, puis là, elle boite, elle se tient, puis là, elle se fait ramasser par du monde qu'elle pense qu'ils sont ses amis. Puis finalement, elle se réveille toute contre elle. Puis là, elle a l'air à tuer son premier être humain avec un fusil. OK. Dans ce, puis là, tu vois qu'elle tire le gars parce qu'il va venir pour sauter dessus, elle tire, puis là, elle a l'air toute comme traumatisée d'avoir tiré sur quelqu'un. Puis c'est, ça a l'air vraiment... Si il garde cette espèce d'ambiance-là dans le jeu de pas fille qui... Deux guns, puis bang, bang, bang, bang, il y a 50 personnes, puis c'est pas grave. Ours. Hein? Ouais, c'est ça. On tuait plein d'ours dans Tomb Raider avant. Non, mais je crois que les gens ont compris, c'est comme Batman Returns. Tu retournes à la source, l'entraînement. On aime ça, on accroche ça, gars. Écoute, c'est du Rocky et tout ça. Fait que si elle part de zéro, puis elle commence, puis elle va devenir l'héroïne à la fin, écoute, on va tout accrocher, là. C'est clair. Ça. Mais ce que Batman Returns a apporté aussi, puis The Dark Knight, parce que ça l'a apporté un peu, probablement aussi au monde du jeu vidéo, autant qu'au monde du film, c'est la profondeur de tes personnages. L'histoire. C'est ça. C'est beau de tuer du monde, puis de vider des chargeurs sur des nazis ou n'importe quoi. À un moment donné, quand t'as une histoire, c'est là que tu t'attaches à tes personnages. Pas, gars, Halo Reach, tu t'attachais pas au personnage parce que tu savais en partant qu'elle allait toute crever d'ici à la fin du jeu. tu peux pas t'attacher aux 4-5 personnages que tu jouais. T'es perdu un après l'autre. Puis... tu pouvais pas savoir qu'elle allait toute crever parce que Reach est la première planète qui disparaît. Ouais, mais je vais revenir à Final Fantasy. Ouais. Tu vois, là, t'accrochais au perso parce que tu les avais puis tu pouvais changer. Là, tu finissais par embarquer dans une certaine histoire. Ouais, mais Final Fantasy, ça durait. Mais ça fait longtemps. 40 heures. Mais en plus, Final Fantasy, je veux dire, d'un coup que t'as mis. Quand t'avais mis de 10-20 heures à booster un de tes personnages dans Final Fantasy, ouais. T'as pas envie de le perdre. Là. C'est ça. Dans Halo Reach, tu jouais 5 personnages en 10 heures de jeu. Okay. T'as pas le temps de t'attacher au personnage. Surtout s'il va se faire détacher en morse. Fait qu'à un moment donné, fait que c'est ça. Fait que l'histoire, c'est important. Puis on dirait qu'ils ont compris dans le prochain Tomb Raider que tu vas t'attacher au personnage. Fait que ça a l'air être intéressant. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner au final, parce qu'il y a plein de jeux qu'on s'est dit, ça a l'air tellement cool. Là, tu joues, tu joues 5 minutes, tu vois, OK, next. On va l'envoyer à Edmonton. C'est ça. Oui, c'est ça. Okay, la prison d'Edmonton. Ça, on va voir ce que ça va donner. Ça a l'air intéressant, ça aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Là, il y a. Quels sont d'autres jeux? Est-ce que j'ai ma liste ici, on va passer vite au travers. Il y a une nouvelle licence qui a été annoncée par Xbox, puis je sais pas pourquoi ils ont perdu leur temps à annoncer ça. Une espèce de clone de God of War qui s'en vient, qui s'appelle Ascend New Gods. La raison pourquoi je comprends pas qu'ils ont présenté ça, le graphisme était vraiment pas beau. Là. Ça paraissait que c'était comme en alpha de développement. Là. OK. Moi, je trouve que ça s'en tirait dans le pied en faisant ça. Là. Il aurait dû sortir un jeu. Surtout que tout le monde a comparé ça à God of War. Je veux dire, il aurait dû mettre une coupe d'air la nuit avant la conférence pour upgrader les graphiques de au moins deux coches. Donc, faire comme Nintendo avait fait quand ils ont présenté Zelda sur Wii U l'année d'avant, puis faire juste pas du in-game, rouler ça sur un PC à la place, puis faire semblant que c'était beau pour de vrai. Je sais pas. Ouais, parce que. En plus, la démo, c'était vraiment pas bon. Là. C'était juste un espèce de gros monstre, un espèce de gros dieu qui vargeait sur tout le monde. Ouais. Fait, il n'y avait pas grand-chose. D'ailleurs, c'est la même critique qui a été faite à God of War, qui était super beau, mais que tout le monde a dit que la démo qu'il avait montrée, c'était vraiment plate. Là. Parce que moi, quand j'ai vu ça, cette démo-là, je me suis dit, comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est une des seules journées que j'étais capable vraiment de regarder une conférence presque au complet. C'était la conférence de Microsoft. Puis quand ils ont montré cette partie-là, je me suis dit, ça n'a aucun intérêt pour ce jeu-là. Là. Ça m'attirait même pas en tout. Non, puis ils ont montré un paquet de trailers aussi. Il y avait un jeu qui s'appelait Matter. C'était juste un trailer. On ne sait même pas c'est quoi. On ne sait même pas ce que ça a l'air. Fait que ça, c'était un petit peu une perte de temps. Mais comme je dis, faut pas s'attarder à chaque jeu, sinon on va être super déçu. Matter, c'était pas celui qui avait comme... Je pense que j'avais tweeté, j'ai dit Matter, je pensais que c'était Portal 3. C'était pas moi une espèce. Aussi, au début, je pensais à le même. Parce que t'as l'air de GLaDOS qui s'en allait, puis à un moment donné, il se passe d'autres choses, mais je me disais, alright, c'est Portal 3. Là, je jouais Matter, je dis, ah, je suis nut. C'est pas ça. Ça avait l'air l'œil. GLaDOS. Ça avait l'air de GLaDOS ou de l'autre, là. Ouais, c'est ça, l'œil qui parle avec un accent british. Ouais, ouais, fait que j'étais super content, j'étais tout excité sur un coup. Puis là, quand ils ont mis le titre, ça fait comme. Ok, c'est pas ça. Mais je veux dire, le E3, c'est pas l'endroit où ils vont montrer. Gars, comme tu disais, là, faut pas s'attarder à tous les jeux, sinon on risque d'être. Mais c'est pas l'endroit où que toutes les compagnies vont faire justement la promo de leurs jeux pour dire, regarde, c'est parmi les meilleurs, c'est ce qu'on a à montrer pour dire, regarde, c'est notre flambeau, notre joyau de ce moment-là. Ouais, mais chaque compagnie va dire que c'est the best game ever, là. C'est le meilleur jeu jamais sorti sur la planète, dans l'univers, puis t'auras jamais rien qui vaut autant t'attacher à ton personnage. Puis là, tu joues à ça, puis finalement, puis c'est Duke Nukem Forever, là. Ouch! Tu sais, je veux dire, c'est ça pareil, là. La compagnie, tu sais, tu dis, ça me fait rire quand c'est qu'est-ce qu'ils ont sorti, un film, Men in Black 3. Oui, le meilleur film produit jusqu'à présent. L'annonce à la TV, le meilleur roman noir produit à ce jour. J'ai hâte de. Moi, je vais respecter la prochaine compagnie qui va me sortir un trailer d'un film, qui va dire. Ouais, c'est pas notre meilleur, là, mais tu allais le voir pareil, tu sais, je veux dire. Non, c'est le clair. Le 2 était meilleur c'est, que le 3, c'est ça, mais tu sais. C'est clair, mais on a droit à notre critique de dire, regarde, peu importe, on va parler de tel jeu que eux veulent sortir, mais regarde, comme Eric, il dit, écoute, faut pas s'attendre à, bon, batata, ça, c'est normal, là. Ben, il y a deux affaires. C'est pas tous les jeux qui sont bons, puis c'est pas tous les jeux qui sont pour tout le monde non plus. Exact. Comme pour vous autres, Halo, moi, je joue pas à ça. C'est ça. Moi, c'est pas mon style, j'accroche pas. Mais c'est, je dis pas que c'est pas bon. Tu comprends? Parce que je peux pas faire la critique de quelque chose que j'ai pas joué, là. Ou tu sais que t'aimeras pas. Ouais, en partant. Tu sais, donne-moi pas un RTS. Non, non plus. Tu sais, dis-moi, fais-moi une critique de StarCraft. T'arrives demain matin, on va dire, toi, c'est plat. Ben ouais. C'est pourri. Je comprends même pas pourquoi ils font ce genre de jeu-là. C'est pas mon genre de jeu. Exact. Fait tu peux, dans ce temps-là. Fait qu'il faut qu'ils touchent à une clientèle, écoute. Ça prend des jeux pour tout le monde. Ils font des recherches. Faut qu'ils ratissent large, ça. Exact. Ça prend des Angry Birds, ça prend des Tetris, puis ça prend des Modern Warfare. Justement, tu m'as enlevé ma plug que je voulais faire. Tu parlais des Nike, je m'en allais dire, y a-tu Angry Birds dessus? Non, mais on a vu dans la conférence de Xbox, il y avait un jeu spécial pour la Kinect qui s'appelait Racketeer. Puis automatiquement, on a tout pensé, c'est Angry Birds en 3D. Oh boy. Je sais pas si vous avez vu la démo. C'est-tu l'affaire avec le château, là? Oui, tu détruis des châteaux en lançant des affaires avec un slingshot. Ça avait l'air pourri. La fille avait l'air à se forcer pour faire semblant d'avoir eu du fun, là. Ah oui, c'était... Vraiment. Ah oui, tant que ça? Ah oui, il y avait la fille, là, ben, tu sais, une des développeurs. Non, c'était pas le top modèle, là. C'était une fille qui développait ce jeu. On est désolé en pensant pour elle. C'est ça, mais... le jeu, c'était vraiment, t'as un château avec des orques ou quelque chose de même, puis là, faut que tu tires avec tes mains, puis là, tu vises la roche, puis là, tu catapulte? L'envoies. Ouais, une catapulte. Okay, okay, okay. Puis là, tu l'envoies, un slingshot, là. Puis là, tu l'envoies. C'était vraiment Angry Birds. C'était Angry Birds, mais au lieu de tuer des cochons, tu tuais des orques. Okay. Tu défaisais le château, mais c'était comme... Mais en 3D, tu sais. Puis là, avec Kinect, fait que tu danses devant ta télé. Encore puis là, tu sais... Tu détruis le château, puis là, t'as des bonhommes avec toi, chaque bar, qui disent « Ah, c'est super beau, là, essaye de faire ça. » Puis là, la fille, elle fait semblant de parler avec eux autres. C'est comme si tu pouvais vraiment interagir avec les personnages. Mais c'est là ma question du fait que, regarde, est-ce qu'on parle justement que c'est du copier-coller ou ils tentent d'innover pour apporter quelque chose de nouveau? C'est ça, c'est l'opinion que je vous pose. T'sais, c'est la question, dans le fond, que... Écoute, c'est même si c'est 3D, même si c'est différent, ça reste que c'est basé sur un concept d'Angry Birds. Ouais. Pour moi, c'est, écoute, c'est un morceau de gâteau qui est égal à Angry Birds, on s'entend, là, c'est planétaire. Là. Ouais, ouais. Mais faut s'entendre, ça c'est basé sur Angry Birds autant que Modern Warfare est basé sur Wolfenstein, ou sur Doom, ou sur Nest. C'est un shooter. C'est un first-person shooter. Fait que là, il y en a Kinect, ça se prête bien. Ça a l'air à bien marcher. Puis, c'est un jeu casual. C'est fait pour les enfants. Un jeu de party. Tu sais. Puis, au moins, Microsoft essaie de sortir des affaires pour Kinect. Parce que j'ai pas vu la conférence de Sony, mais ils ont l'air d'avoir laissé pas mal la move de côté. Ben ouais, ça je vais y venir, là, mais parlant de Kinect, pour la plupart des autres jeux, la Kinect, c'est vraiment juste devenu un micro, là. Ils vont-tu faire le 2? Ils vont-tu la sortir? Kinect 2? Ouais. Probablement avec la prochaine console. Ça va venir avec la prochaine console. OK. Il y a des rumeurs qu'elle va être intégrée dans la console. Oh boy. Ouais, mais je sais pas trop comment ça va. On va voir, là. C'est, avec 100$ de plus. Ben, de toute façon, console, quand ça sort, c'est 600-700$. Fait que, mais on va voir, regarde, je sais, c'est toutes des rumeurs, là. Il y a des sites qui essayent de dire qu'ils ont. Il y a un site qui avait posté la photo de la boîte de la Xbox. C'est marqué Xbox 720, puis là, il y avait une patente en avant. Oh oui, mais ça, il y a plein d'images, là. Mais, déjà, regarde, sais, elle s'appellera c'est pas sûr, la Xbox 720, là. Ils vont donner un autre nom, probablement. Microsoft ont juste nommé à 360 pour pas l'appeler la Xbox 2 parce que Sony sortait la PlayStation 3. Fait qu'ils ont appelé ça la 360 pour avoir l'air d'être en avant de Sony et non pas en arrière d'une génération. Sinon, ça s'appellerait juste la Xbox 2 puis la Xbox 3. Mais là, s'ils sortent la Xbox 3 avec la PlayStation 4, ben là, t'as l'air d'être en arrière. Mm-hmm. C'est un peu pourquoi que Apple, l'iPad s'appelle le nouvel iPad et non pas l'iPad 3. Parce qu'ils veulent pas embarquer dans le jeu de tout le temps nommer des chiffres, parce qu'à un moment donné, tu vas être rendu au iPad 12, tu sais. Fait que c'est toute une question de perception. C'est de rafraîchir aussi, parce que il y a des licences de jeu à un moment donné rendues à 4 ou 5 qui recommencent ou ils changent le nom. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que je te dis que ça innove plus, là, qu'on parle du fluo là, qui revient. C'est ça, là, à un moment donné. Ça pogne. Regarde, je veux dire. Ah, il y a des gens qui vont acheter, c'est clair, là. Yeah, ils ont fait 20 James Bond. Des fois, il y a des trucs, on les a déjà vus, mais ils sont tellement bien faits que, tu sais, c'est dur de... c'est dur de pas c'est tirer dur. Sur l'éponge, hein, tu sais, de pas le laisser jusqu'à la fin. C'est dur de taper sur la tête, puis de dire, pas encore. Des fois, ça vaut la peine. Combien de Resident Evil qu'on a joué, puis on est tous excités qu'il va en avoir un numéro 6 qui s'en vient. T'sais. Non, mais le prochain va peut-être être de trop. J'ai vu la partie de la démo qui montrait, puis ça avait l'air intéressant, par exemple. Le gameplay a l'air pas pire, mais ça a plus l'air d'un shooter que d'un survival horror. Ben, moi, j'étais excité du fait qu'on peut tirer en marchant. Ouais, c'est déjà pas pire. Avant, tu pouvais pas. OK. Dans Resident Evil, fallait que t'arrêtes, tu tires, tu te remets à marcher. D'accord. Ça, marcher puis tirer en même temps. Non. Fait que si ton personnage marchait de la gomme en plus, puis essayait de tirer, ça pouvait pas faire trop chaud. Ça marchait pas. Des innovations intéressantes qu'on a eues. Oh, excusez, j'ai été interrompu. Des innovations intéressantes que moi j'ai notées, il y avait Dead Space 3 qui s'en vient, auquel ils ont rajouté un mode en équipe, un mode co-op. Il y a bien du monde qui était fâché parce qu'ils disent que ce sera plus du survival horror si on est deux. Mais moi, j'aime bien ça quand on. Ils rajoutent. En tout cas, ils essayent quelque chose. Là, je pense qu'il va y avoir encore le mode solo. Fait qu'on va pouvoir avoir encore peur. Le mode à deux, je pense que ça peut être intéressant. Mais pourquoi tu ne ferais pas avoir peur à deux? Ben, c'est parce que le monde. Surtout si tu joues avec moi. Ouais, c'est ça. C'est parce que le monde peut-être se dise que si on est deux, tu n'as plus la surprise de te faire attaquer par en arrière, mais. Je veux dire, moi, il y a bien des jeux que j'ai joués dans ma vie où, quand je les rejoue, je suis bien content de savoir où ce que les monstres vont sortir pour leur sacrer une volée. Ouais. À deux, ça peut être le fun de repasser au travail du jeu. Puis surtout, qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est qu'en théorie, si on joue à deux, les objectifs changent un peu. Les missions vont être quelque peu différentes. Donc, ça donne une certaine rejouabilité, là. Okay. Je pense qu'on peut garder quand même un certain niveau de stress, là, si il faut activer des manettes, puis qu'en même temps, il faut couvrir l'autre pendant qu'il essaie d'activer des manettes. Ça peut donner de place à de la frustration puis de l'engueulage entre les joueurs. Tu peux-tu le faire en marchant? Mais ça, ou à un moment donné, je veux dire, si tu joues sur deux consoles différentes, ou même si tu joues en split screen, il n'y a rien qui empêcherait d'envoyer les deux personnages sur des chemins différents. Tu te ramasses tout seul pareil. Ben, on n'en sait pas encore assez, fait que moi, j'attends avant d'être déçu, mais je pense que c'est intéressant, surtout que si on dit à Dead Space 3, je veux dire, à un moment donné, c'est un beau style Dead Space, là, mais je veux dire, être dans un vaisseau tout seul, puis tuer des monstres qui sortent des garde-robes, à un moment donné, ils se rendront pas à 6 avec ça. Là. Non, mais ce qui faisait la force ou la faiblesse de Dead Space, dépendant de ton point de vue, c'est le manque de munitions tout le long du jeu. Ouais, c'est ça, puis le fait que tu savais jamais quand est-ce tu allais te faire attaquer. Il y avait des pièces où tu disais, ah, oh, il va y avoir plein de monde ici, puis il n'y avait absolument personne. Ouais. Puis après ça, tu rentrais dans un corridor, puis il y en avait 20, tu sais. Ouais. Donc, c'était bien monté, là. C'était comme un film d'horreur, là. Je veux dire, les crescendo de musique avec les attaques de monstres, c'était juste bien assez décalé pour te faire peur. C'est ça. C'est un bon style. C'est un peu pour moi comme BioShock, là. Les deux premiers BioShock, le troisième, je sais pas, je l'attends, puis il a été repoussé, là. Mais je veux dire, si tu joues à ça, puis t'es entends, puis tu le sais qu'ils sont là, mais tu sais jamais quand est-ce qu'ils vont sauter dessus, s'il va t'arriver du plafond, dans l'arrière, de cacher dans l'arrière d'une colonne. Je veux dire, ça rajoute du stress. Dead Space, c'était ça aussi, là. Parlant de BioShock, un jeu qui en est un petit peu inspiré, on va avoir un autre BioShock cette année, mais si vous avez vu aussi... Non, l'année prochaine. BioShock, c'est l'année prochaine. Ouais, c'est l'année prochaine. Il a été repoussé. Il y a Dishonored, je ne sais pas si vous avez vu la démo de ça. J'ai vu un petit bout, mais pas beaucoup. Très beau. Très, très beau. Ouais, ça a l'air intéressant. Ouais, c'est un peu... le style de gameplay, ça rappelle un peu BioShock, dans le sens où semble avoir une arme et un pouvoir spécial dans l'autre main. C'est très, très steampunk pour le monde qui a ce genre d'univers-là. Ça a l'air d'être vraiment bien. En tout cas, les graphiques sont très, très, très beaux. Ouais. Il semble avoir des pouvoirs du genre on peut arrêter le temps avec une espèce d'arme spéciale et puis faire tourner les balles de côté, là, genre faire un 180 degrés aux balles que les gens nous tirent pour tuer nos ennemis dans la démo. C'est une espèce de monde victorien avec des armes modernes. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'au point de vue esthétique, juste ça m'attirait. Okay. Ensuite de ça, il y a un nouveau Forza qui s'en vient. Oui. Ça, c'est plus ou moins intéressant pour moi. Toi, tu vas probablement être en train de baver dessus. Ben, c'est quasiment ça, là. Non, ben, j'ai hâte de voir. Je veux dire, j'aime beaucoup la série Forza. On s'entend, le 1, ça a été comme... pas mal une innovation sa première Xbox. Le 2 est sorti, l'effet de vitesse c'était pas vraiment là, c'était moyen. Le 3 était très bon, le 4 est excellent. Forza dans un monde ouvert ou plus des routes régulières plutôt que des pistes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'étais un peu craintif pareil là, genre de voir ce que ça va être. Tu penses que ça va être redondant encore? Ben, c'est parce que ça dépend. Quand c'est beau dire que t'es dans des routes régulières puis que tu peux te promener, mais je veux dire, ça va être quoi? Ça va-tu être un Need for Speed Most Wanted? Tu vas tétoyer Flash? Ça va-tu, peut-être. Ça va-tu être un Need for Speed où tu as des courses de rue puis des affaires de même, ou ça va vraiment être, tu peux juste décider de prendre ton char puis conduire? Tu sais, pas de course, pas de juste conduire. Tu prends ta Ferrari, tu t'en vas conduire, puis là, tu vois, mettons, je sais pas, un bord de mer ou des affaires de même. Mais là, tu vas avoir une police, tu dépasses les limites comme d'habitude, puis qu'ils vont te suivre. Ça fait du Need for Speed, là. Ouais, mais c'est ça, c'est correct. Mais vraiment, comme si tu partais de chez vous, puis tu conduisais un char. C'est juste, tu vas pouvoir conduire une Porsche, une Ferrari, une n'importe quoi. T'es pas toujours obligé de courser contre quelqu'un. T'auras pas besoin de donner ton itinéraire aux policiers. Tu pourrais savoir si tu t'en vas. C'est ça. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que ça ressemble un peu à un Need for Speed Most Wanted. Ouais, tu as des courses, des choses comme ça. Puis tu es supposé gagner des points pour détruire des affaires, des biens publics. Genre, tu vas détruire un stop ou tu vas détruire. Ça va donner des points. Fait que là, ça va ressembler un peu à un. C'est quoi la série de jeux? L'autre série de jeux, Burnout. Burnout. Fait que j'ai out, mais un peu peur. Moi, je pensais au film là avec Sylvester Stallone que tu c'était tu frappais des gens, ça donnait des points là. C'était quoi déjà la course là d'auto? Je sais pas. Ça me dit ben rien. Voyons donc, un super vieux film là où ce que tu frappes du monde, ça donne des points. Dragon Ball Speedball, je me souviens plus trop là. Avec Sylvester Stallone. Sylvester Stallone était dedans. Écoute, c'était de tout. Hey, écoute, faut que je retrouve ça. Je te reviens là-dessus. C'est vieux ou c'est... Ah oui, c'est très vieux, là. Écoute. T'es avec Armageddon, qui est un jeu des années 80. Oh crois. Mon dieu, Armageddon. C'était le but du jeu, c'était de tuer du monde en char, mais là, les écraser. Il y avait Burt Reynolds. Écoute, okay. Dolly Parton, quasiment aussi. Ça fait longtemps. Là. Ça, c'est Cannonball. Là. Cannonball, bon, c'est ça. Cannonball, c'est une comédie. C'est pas oui, oui, mais. J'espère que c'est une comédie. Ouais, mais je veux dire, pouf, pouf, pouf, ça fait des points. Comme tu disais, tu frappes un panneau, un arrêt, pouf, ça donne des points. Ah. Tu sais, je dis, garde. Des personnages non joueurs. Fait que j'ai hâte de voir, mais j'ai un peu peur. Mais connaissant la gang de Forza puis ce qu'ils ont fait à date, j'ai pas l'impression qu'ils vont se planter, mais je sais pas. J'espère qu'il va y avoir un démo puis que ça va me convaincre, mais que ça sort. Mais il est encore comme. Il sort au mois d'octobre, hein, je pense. Ouais, il sort cette année. Il sort à l'automne. Ok, on va voir. On va voir s'il va être à date. On va voir s'il va être à date. Puis pour finir, avec les deux grands, on peut dire que pour les gens comme moi qui attendent toujours de s'acheter une PS Vita, c'était la déception. Il n'y avait vraiment rien d'être annoncé. À part une édition blanche, la console. Wow. Comme on faisait la comparaison tantôt avec la PSP, là. À défaut d'avoir des jeux, ils font des éditions de console. Puis à défaut de jouer aussi, elle va devenir noire de toute façon. Ben, c'est ça, elle va jaunir dehors aussi. T'as beau sortir 50 versions de ta console s'il n'y a pas de jeu dessus. Ouais. Il y a un Assassin's Creed 3 qui s'appelle Libération, qui est spécialement fait pour la Vita, où le personnage principal est une fille, pour faire différent, qui semble se passer aussi dans la même époque, la Révolution. Donc ça va être intéressant. Il va y avoir d'ailleurs, l'édition blanche va venir avec le jeu. Donc ça, c'est le gros coup. Pour le même prix? Il va y avoir un... Oh, vas-y. Pour le même prix? Non, probablement. Ça va être probablement... Quoi, la console est 250, là, ils vont peut-être la vendre 300 avec le jeu. OK. Who knows? Avec une carte, peut-être. Ce qu'on attend toujours sur la maudite PS Vita, c'est des shooters, parce que tout le monde attendait une console avec deux sticks analogues juste pour jouer sur des shooters portables. Il y a eu le... voyons, je veux dire que je l'ai oublié. Il y a eu le Resistance qui vient juste de sortir, qui s'est fait démolir par les critiques. Moi, ouais, j'ai vu ça. Donc ça nous a pas vraiment donné rien à nous mettre sous la dent. Il y a un Call of Duty qui est annoncé, mais ils ont mis le nom à l'écran, puis c'était tout. Tu sais, coming next year, tu sais. Fait que, Coming out à un moment donné. Ben, en fait, c'est supposé venir au courant de la prochaine année, dans le sens de année de juin à juin. Ouais, c'est ça. Donc ça, espérons que ça va sauver la donne pour ceux qui veulent jouer à des shooters sur le jeu. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu Far Cry, ça va être vraiment beau aussi, là. Pour les gens comme moi qui étaient le fan du premier, qui ont été déçus que le deuxième n'était pas vraiment un Far Cry, ça, c'était beau. C'était un Far Cry plus proche. Ouais. Ouais, l'histoire, encore une fois, c'est un peu comme on parlait tantôt avec Tomb Raider. Là, ils ont vraiment mis ça, l'accent sur l'interaction, les personnages. Il y avait une scène d'ailleurs au début assez torride dans la démo. Je ne sais pas si vous l'avez eue. Non, la date, j'ai rien vu de Far Cry. Il y avait une démo qui ont montré, c'est une espèce de scène d'initiation sexuelle. C'était assez adulte comme jeu. Mais en tout cas, il y a des... Pour tous les gens comme nous qui sont beaucoup plus que 18 ans, qui ont deux fois 18 ans, ça nous fait plaisir d'avoir des jeux qui se ressemblent peut-être plus à des films où on pousse un peu plus les personnages et un petit peu plus d'histoire. Ouais, mais tout le monde sait que les jeux classés 18 ans, c'est les jeunes de 13-14 ans qui jouent qui ça. Joue ça. Avec, hein? Ben ça, c'est parce que c'est les parents qui... Ah ouais, mais c'est ça. C'est quoi l'autre jour, j'entendais une discussion de quelqu'un qui disait « Ouais, mais là... c'est Diablo 3, s'ils commencent à mettre ça avec des cartes de crédit, les jeunes ne peuvent pas avoir ça de cartes de crédit. » Mais je me disais, ouais, mais les jeunes ne sont pas supposés jouer à Diablo 3 de toute façon. Ah, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas un problème, dans le fond. Il y a assez de sang, des endroits et assez de décapitations. Et ben autres, là, quand j'ai joué à la version de démo, puis il m'a dit une affaire, à un moment donné, tu pognes des espèces de bébites que quand tu commences à les frapper, ils deviennent grosses, puis ils explosent. Ouais. C'est du serpent, puis là, c'est du sang. C'est des anguilles, ouais. C'est juteux, mettons. C'est très. Fait que, ouais. Ensuite de ça, on peut faire une petite section spéciale, parler de Nintendo qui nous a annoncé une nouvelle console. Moi, comme je disais justement dans ma chronique, c'est que je pense que la Wii U, c'est ce que la Wii aurait dû être. Peut-être pas en parlant du gamepad tel quel, là, qui est la manette avec l'écran dessus. Non, mais le fait du processeur qu'il y a dedans, ça, c'est... Oui, mais en fait, c'est ça. En fait, que les graphiques vont être enfin à niveau avec la PS3 puis la Xbox. Pour un an. Oui, on a... C'est-à-dire, le problème avec Nintendo, c'est qu'on a tout le temps eu... Je vais me faire tirer des roches, là, mais... Non, mais t'es loin, c'est... On a l'impression qu'on est resté un peu dans l'air de la Super Nintendo, point de vue graphique avec Nintendo. T'sais. Ben, plus la GameCube. Ouais, c'est ça, la N64 peut-être, parce que ça amenait la 3D, mais ça n'a jamais vraiment, là, on a eu une espèce de démo d'un Zelda, comme tu disais, là, qui était hyper beau, là, fait en rendu en millions de gigapixels, puis c'est ça qu'on a envie de voir de Nintendo, tu sais. On veut encore des Mario 2D qu'on fait juste sauter puis ramasser des scènes, c'est le fun, mais on aimerait ça qu'il y ait certaines licences comme Metroid, là, moi j'aimerais ça que ce soit fait top-notch, là. Ouais. J'aimerais ça qu'ils mettent le paquet dans un Metroid, là, puis que ça l'arrête d'être les trois couleurs primaires, là. Tu sais, genre un Metroid avec des graphiques à la Modern Warfare ou quelque chose de même, là. Ouais, c'est ça qui nous en fasse un, parce que Metroid, il y a un peu deux avenues dans cette licence-là. Il y a une licence qu'ils ont faite qui est un peu à la first-person shooter, puis ils ont fait l'autre qui s'appelait A2M, qui est encore une vue de 2D, là, de scroller. Mm-hmm. Puis ça, c'est correct. Moi, ça me dérange pas qu'ils fassent deux versions, mais ça serait une licence qui mériterait d'avoir vraiment, là, de mettre, là, de la puissance de processeur dedans, qu'on ait de quoi être beau, tu sais. Fait que c'est ça. Fait, sinon, ça reste tout le temps encore un petit peu les graphiques de la Wii, là. Ben, regarde, Zelda aussi mériterait, même si c'est pas mon style de jeu totalement, Zelda aussi mériterait un jeu avec des graphismes poussés au max. Oui. Ben, c'est surtout que Zelda, c'est le jeu qui a inspiré à peu près le trois quarts des jeux qui se passent dans des univers fantastiques, tu sais. Oui. Puis tous les autres jeux, on en a eu des jeux dans l'univers fantastique qui sont hallucinants, tu sais. Puis là, on s'en va jouer à... justement, on s'en va jouer avec Zelda. Puis on a des dragons qu'on voit les polygones. Puis, tu sais, on aimerait ça que ça soit étonnant pour une fois. C'est ça. Mais peut-être avec la Wii U. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça qu'on disait avec la Wii U, enfin. Fait que toi, moi, je suis content pour ça. Il semble aussi, après 10 ans après tout le monde, ça a été mis à l'heure de l'Internet, là. Même si c'est pour pas les bonnes raisons, là, parce que moi, le Miiverse, honnêtement, je vois pas ce qu'on va faire avec ça, là. Mais tu sais, Eric, l'Internet, hein, les gens peuvent être encore sur un modem 56K, puis il y en a qui peuvent être sur la fibre optique, donc... Ah, c'est ça. Ben, c'est juste, c'est l'offre en ligne de Nintendo, là, c'est que c'est pas vraiment très bon, puis en plus, avec leur console portable puis leur galerie de jeux en ligne. Je sais qu'il y a eu l'annonce avant-hier, qui a été faite. Puis là, ben, ils semblent mettre l'auto en deuxième vitesse. Là. Ils semblent changer de gear un peu là-dessus. Là. Fait que ça va être intéressant, parce que pour les joueurs qui consomment beaucoup de jeux, on a l'impression vraiment d'être au moins deux générations en retard avec Nintendo. C'est ça qui est dommage. Même si les jeux sont tout le temps très bons, là. Ouais. Les jeux de Nintendo, on s'entend, là, parce que les jeux de troisième partie, comme on dit, ça a été... Là, on s'entend que la Wii est devenue une console complètement morte, là. Je sais pas ce qui va sortir là-dessus d'ici la fin de l'année, mais je pense plus qu'il y a grand monde qui vont pouvoir développer pour la Wii. Surtout que les jeux de la Wii vont tout être compatibles avec la Wii U. Ouais. Donc, les gens vont sortir des jeux pour la Wii U. Mais t'as raison que, dans le fond, la marque Nintendo est taguée et cataloguée, là, dans le fond, que c'est Nintendo. Fait que tu vois des petits jeux, on dirait qu'ils sortent pas du moule que, regarde, si on a un Mario, oui, ils vont faire Mario, Metroid, ils vont faire Metroid. Ils vont faire Zelda, mais ils restent avec ça. Ouais. Écoute, à un moment donné, c'est ça, c'est comme Research in Motion, là. Je veux dire, il faut que t'avances, là, sinon tu vas rester là, puis tu vas peut-être même arrêter. Fait que je sais pas aussi qu'ils veulent se situer, mais regarde, déjà là, qui a émis la Wii U, je trouve que c'est quand même bon, là, parce que les autres, au moins, ils ont sorti du moule que c'est les autres les premiers, donc, quoi, à sortir une nouvelle console, là, depuis que les autres stagnent, depuis, ouais, un bout, depuis, ouais, une couple d'années. Ouais, mais ce qui est dommage, c'est que cette console-là est, en théorie, en tout cas, on n'a pas encore vu les specs, là, mais en théorie, est un peu plus forte que les consoles de la présente génération. Donc, en 2 ans, 1 an et demi, quand les autres consoles vont sortir, elle va encore se faire clencher. T'sais. L'année prochaine. Vraiment que Microsoft attend l'année prochaine de sortir sa nouvelle console. Puis là, aussitôt que ça va sortir, ben ils vont être en retard en puissance. Oui, mais c'est ça. Je veux dire, il faut qu'il y en ait un parmi toutes ces grandes compagnies-là qui sorte quelque chose pour que les autres puissent comme innover. Fait qu'il va tout le temps avoir quelqu'un en retard à un certain moment, là. Fait que c'est qui le premier, puis c'est qui, dans le fond, qui se baigne. Fait que pour l'instant, l'idée, c'est de sortir de quoi qui est tellement intéressant que les gens vont faire leur coup d'argent là. Ouais. Que même si après 2 ans, on sait qu'ils s'en vendra plus. C'est comme ils ont fait un peu avec la Wii, ils en ont vendu une tonne. Ouais. C'est la console qui a vendu le plus. C'est la console qui a vendu le plus. Ah, c'est plus qu'une tonne, hein? Sauf qu'il n'y a pas de... les jeux, à part les jeux de Nintendo, il y a certains bons jeux. Il y a quand même Call of Duty qui est sorti dessus, des choses comme ça. Mais c'est pas la Xbox, c'est pas la PlayStation. Mais la Wii U, il y a quand même des annonces intéressantes. Oui, on va être un an en retard avec Batman Arkham City. Mais là, il y a des jeux intéressants qui sortent. Il y a Mass Effect qui va sortir. Dans Arkham City, tu vas pouvoir te servir de ton espèce de tablette pour scanner tes... il me semble qu'ils ont annoncé ça. Tu allais pouvoir scanner, faire comme si tu scannais tes ouais. systèmes avec l'espèce de iPad. Tu vas avoir comme manette. Et qu'il va y avoir des innovations dans des jeux existants. Mais au moins... Ouais, ça, c'est bien. Mais en même temps, en tout cas, les gros joueurs vont tout avoir joué à Batman. Ouais, ouais. Là, en plus, Batman sort l'édition de l'année ce mois-ci. Ouais. Mais moi, en même temps, je critique Nintendo pour avoir une console puissante, mais c'est pas parce que je veux que Nintendo ait Call of Duty dessus, tu comprends? Ouais. Moi, je veux que Nintendo, justement, ait ses jeux à eux, mais... écœurant, tu sais, comme avec Zombie U, ça j'étais content de voir ça. Si je me dis bon, une licence pour Nintendo, un jeu Nintendo, tu sais, qui va avoir peut-être la saveur justement Nintendo, mais qui va être beau, tu sais, parce que là, tu joues à des jeux Nintendo, sont bons, mais en tout cas, je trouve que graphiquement, puis au point de vue du gameplay, on est un peu coincé, tu sais. Donc, mais... c'est pour ça que je dis que je suis content que là, j'ai enfin l'impression qu'on a la vraie Wii qu'on aurait dû avoir avant, tu sais. Une console qui va être à égale aux autres au point de vue puissance, mais que Nintendo va nous sortir leur jeu dessus. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai une Xbox, une PS3, un PC. Moi, je joue aux jeux qui sont uniques à PS3 sur PS3, uniques à Xbox sur Xbox. Puis si je veux voir des beaux graphiques, ben, je les prends sur PC, tu sais. Ouais. Mais... tu parles de Zombie U. Zombie U aussi, c'était un méchant changement de la philosophie de Nintendo en partant. Parce que... Ça, il était temps. Il ne l'a pas si longtemps. Du sang, c'était interdit dans un jeu Nintendo. Ouais. Mais Zombie U, en plus, c'est Nintendo qui le fait. C'est vraiment un spin, un 180. Là. C'est vraiment temps. Viré de bord complètement. Parce que... C'est pas tant le sang que c'était le... On dirait qu'il avait peur des jeux d'action, tu sais. Puis pourtant, Nintendo, c'est une console qui était la... On dit le home des jeux d'action. Tu sais, je veux dire, on a joué à Contra sur la NES, là. Tu sais, oh, Il y en avait des jeux qui garochaient du sang puis des monstres, là, sur les premiers à Nintendo. Puis on dirait qu'à un moment donné, ils ont eu peur de ça, tu sais. Ah ouais, quand Mortal Kombat est sorti, ils avaient enlevé le sang dans le jeu. Hey, Contra, ouais, des... peur à un moment donné de poursuivre là-dedans, tu sais, parce que on s'entend, là, mettons la première Nintendo, là, il y a eu comme 500 millions de jeux qui sont sortis là-dedans. Il y en avait plein de jeux là, faits par des développeurs autres que Nintendo, là, qui étaient vraiment gore, là. Mm-hmm. Mais à un moment donné, on dirait qu'ils ont mis la hache là-dedans, tu sais, rendu ouais. à la N64, là, ils ont fait, oh, on va faire juste des versions de Mario, tu sais, Mario Kart, Mario Tennis, Mario 3D, Mario aussi. Puis là, on dirait qu'ils sont partis dans ce lignée-là. Fait que là, on dirait qu'ils reviennent. Fait que c'est pour ça que je dis, on a l'impression tout le temps qu'on est en retard avec Nintendo. On dirait qu'ils ont comme arrêté, puis là, ils n'étaient plus capables de rattraper le retard, tu sais. Parce que tous ces éditeurs-là, à qui ils ont probablement dit non, parce que les jeux étaient peut-être trop violents ou blablabla. Bla, bla. Ouais. Et là, eux autres sont partis ailleurs, là. Ils sont partis faire des jeux ailleurs. Ouais, c'est ça. Fait que là, il faut qu'ils ramènent tout ce monde-là. Fait que là, je trouve que c'est pour ça que je dis Zombie U, c'est un bon move. On va chercher Ubisoft, on leur demande de faire une licence exclusive, puis on semble avoir donné carte blanche. Ouais. Moi, je pense que les autres éditeurs vont être intéressés en voyant ça. Ils vont dire, ah, on peut aller sur Nintendo, faire quelque chose d'écœurant, quelque chose avec, tu sais, qui a de la puissance. Parce qu'on ne se le cache pas, là, on n'est pas obligé d'avoir des beaux graphiques pour faire des bons jeux. Là. Non. Oui. Je veux dire, Limbo, là, c'est très beau, puis c'est les deux tons noir et blanc en 2D. Il y a plein de jeux comme ça. Là. Je veux dire, Angry Birds, c'est un très bon petit jeu, puis ça ne demande pas une puissance graphique de la mort. Je veux dire, je pense qu'on pourrait probablement jouer sur une calculatrice scientifique. Là. Fait que. mais en même temps, les éditeurs de jeux ont besoin d'espace pour travailler. Tu sais. Ben, c'est ça. Faut que tu leur donnes au moins la possibilité de pousser un peu à machine. Fait que quand tu leur donnes une GameCube updatée, c'est sûr que ça reste un peu coincé. Là. Ouais. Fait que, toutes les gens, fait que ce qu'on a eu, on a eu des rééditions du jeu de la GameCube avec les contrôles modifiés pour utiliser les contrôles qui bougeaient. Ah, fait ça. Que puis ça, ben je suis content de voir aussi que sur la GamePad, on ramène des boutons standards, c'est-à-dire deux sticks analogiques, quatre boutons A, B, Y, X, avec une croix en haut en bas. Parce que veut, veut pas, ça reste encore une des meilleures façons de jouer, tu sais. Ouais. Ils ont sorti des Kinect, des moves, des cossins. Ça fait je sais pas combien de fois que tout le monde essaie de réinventer la souris puis le clavier sur les ordinateurs. Mais tous les jours, on va au travail puis on tape sur des claviers d'ordinateur. Il y a rien encore qui a été mieux que ça. Puis on s'entend, là, des jeux. Moi, j'arrive chez nous le soir, je veux jouer, je veux que ce soit simple. Je prends une manette, je joue, c'est simple. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'on en est rendu au bout de l'innovation. Tu sais, je veux dire, il y avait une comparaison un peu plate qui avait été faite à un moment donné dans les années 90. Toutes les critiques de musique disaient « Ah, la guitare électrique, c'est fini. » Tu sais, c'est les, avec les DJ et la musique électronique qui va prendre le dessus. Puis on s'entend-tu que dans les 20 dernières années, il y en a eu des bonnes tunes de guitare? Non, oh, ouais, c'est sûr. C'est pas fini. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, comme on disait tantôt avec les MMO, on a l'impression que ça se répète. Fait que là, tout le monde se dit, il faut trouver d'autres choses. Ah, c'est des passes. C'est des passes. À un moment donné, il y a un trou. Fait que ça revient, tu sais. À un moment donné, Metallica est comme passé dans une phase plate, puis ils sont revenus. Fait que c'est un peu la même chose, là, dans les jeux vidéo. Je pense pas que la manette va être morte de sitôt. Non. Ils ont essayé la Kinect. Ça a plus ou moins marché. Là. Comme je disais tantôt, c'est plus devenu un microphone dans les jeux qui s'en viennent. Ouais, mais ça marche bien pour certains styles de jeux, mais c'est pas pour tout. C'est tout. C'est ça. Fait que je pense que ça, c'est un bon move de Nintendo de nous ramener ça. D'ailleurs aussi, ils ont sorti une manette classique là, pour la, qui va marcher sur la Wii U, qui ressemble à une copie de la manette de Xbox. Ils ont juste inversé les boutons. J'ai hâte de voir la manette de la Wii U, par exemple, parce que ça a l'air quand même assez énorme. Là. Moi, tenir un iPad dans mes mains avec un plus ou un joystick de chaque bord, des boutons, je suis pas certain. Mais ben, ça, je pense, si Nintendo se réveille, parce qu'ils ont longtemps dit qu'ils voulaient pas faire des jeux à une pièce, là, mais s'ils se réveillent et qu'ils embarquent dans ce domaine-là, là, dans le jeu du portable, le fait que la Wii U, on peut la prendre tout seul, juste la gamepad et jouer avec... jouer aux jeux qui sont sur la console elle-même en remote. Là. Ouais, mais t'as pas une distance comme de 20 pieds ou 10 pieds ou 15 pieds en avant la main? Ouais, mais c'est pas super grave parce que je veux dire, tu peux mettre des écouteurs dessus, tu peux la donner à tes enfants dans le salon. On s'entend que 15-20 pieds dans la plupart des maisons, tu t'installes un peu partout avec ça. Bon, ouais, c'est quand même pas super. Là. Moi, je pense que s'ils embarquent dans le domaine des petits jeux, comme on a vu avec Nintendo Land, là, mm-hmm. qui était une un peu trop longue. Moi, je pense qu'ils ont quelque chose. Je pense qu'avec avoir une espèce de iPad, comme on compare tout le temps, mais avec des boutons, là, parce que moi, personnellement, j'essaye à chaque semaine des jeux sur iPad, puis j'aime pas ça. Les contrôles, c'est pas facile. C'est le fun pour les petits jeux comme Angry Birds, justement, les jeux ouais. comme Tetris, où le contrôle peut être so-so, puis tu t'en fous, mais quand tu tombes dans des jeux d'action, c'est là que ça fait mal un peu. Fait que moi, je pense que cette manette-là, il y a quelque chose là. Ouais, il y a quelque chose à faire avec ça, c'est sûr. Le deuxième écran, de s'en servir pendant les jeux, peut-être ça va nous agacer à la longue, là. Mais je pense que, overall, là, c'est un beau produit, la Wii U. Puis c'était intéressant. Il faut juste qu'ils ne fassent pas l'erreur de juste nous donner les jeux qui sont sortis dans les deux dernières années, ces deux autres consoles. Tu sais, là, je comprends qu'ils veulent mettre Batman, ces affaires-là, parce qu'ils ont besoin de quelque chose pour commencer. Là. Ouais. Ils vont probablement avoir un Mass Effect 3 aussi avec la fin changée, justement, comme on voyait dernièrement. Mais il faut qu'il y ait leur jeu à eux autres, puis ça leur prend aussi des nouvelles licences qu'ils vont utiliser, cette affaire-là. Là. C'est ça. On va voir. Puis à part la Wii U, y a-t-il d'autres choses intéressantes? Ou ça a pas mal fait le tour? La Wii U et ben tout ça pour dire que la belle conférence qu'on a eue, c'était Ubisoft. Je pense que c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir à DE3. Ubisoft sont arrivés sur le stage. Leur présentateur était pourri, mais ils nous ont montré des jeux un en arrière de l'autre. Puis ils nous ont garoché des affaires. T'sais. Ils nous ont montré on avait déjà vu le Splinter Cell, on avait déjà vu le Far Cry dans une autre conférence, mais ils sont arrivés, puis bang, bang, bang, bang, ils ont garoché des jeux, puis c'est ça qu'on a à vous offrir pour l'année qui s'en vient, merci, bonsoir. Fait que ça, moi, j'étais bien content de cette présentation-là. Comparativement à EA, qui nous a encore fait un relevé de compte de leurs investissements dernières années. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un petit peu plate. Je comprends pas pourquoi que les compagnies font ça... Je veux dire, ils ont des réunions d'actionnaires deux fois par année. Tu sais, je veux dire, moi, que Halo 4 en ait vendu 600 millions, ça va, c'est pas ça qui me le fait acheter, puis c'est pas ça qui me le fera pas acheter non plus, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai aimé la conférence d'Ubisoft pour ça. Fait que je pense que ça, c'était bien. Nintendo avait vraiment trop de stock. Ils ont fait 3-4 conférences. On s'est un peu perdu. Mais overall, je pense que c'était bien, là. OK. Fait que... Oui, c'est ça. On est content. On a eu des jeux. Puis en plus, comme je disais tantôt, tous les produits qui ont été annoncés avec les nouveaux Mac, les nouvelles tablettes Windows, les nouveaux téléphones, puis la nouvelle 3DS XL. Mm-hmm. J'ai sur Twitter l'autre jour, je disais je suis en train de vendre mes reins pour être capable de m'acheter tout ce qui va sortir à l'automne. Ça va coûter cher. Ouais, fait qu'envoyez-moi un email si vous voulez acheter un rein. Trouvez-vous un deuxième ou troisième job. Ouais, oui, à chaque année, je pense que ça va coûter cher, mais là, cette année, je pense qu'on peut mettre ça au cube. Ça va coûter très cher. All right, c'est beau, Eric, merci. Ciao. And the pain attached to them. Sometimes I wonder why this is happening. It's like nothing I can do would distract me when I think of how I shot myself in the back again. Cause from the infinite words I can say, I put all the pain you gave to me on display, but didn't realize, instead of setting it free, I took what I hated and made it a part of me. Bon, ça va être maintenant à mon tour. Je vais vous parler d'un jeu que j'ai, oui, eu le temps de terminer. C'est rare que j'ai eu le temps de finir un jeu avant nécessairement d'en parler. La plupart des jeux que je vous ai parlé à date, j'avais fait une bonne partie, mais je ne les avais pas nécessairement terminés. C'est Ghost Recon Future Soldier. Faut que tu dises aussi, c'est que tu as réussi à le terminer parce que tu as eu un ami qui est très gentil qui t'a laissé le terminer. Oui, j'ai mis... Faire des sessions de Star Wars. C'est là. Ça, j'ai mis Simon de côté pour Star Wars The Old Republic pendant une semaine. À peu près. Puis je me suis concentré sur, Ghost Recon Future Soldier. Ça fait partie de la série de Ghost Recon. Il y a plusieurs jeux qui sont sortis au cours des années. Là. Donc, sur la première Xbox, il y avait différentes versions de sortie. Les plus récentes sur la 360 que vous pouvez vous acheter, c'est Ghost Recon Advanced Warfighter, Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Puis là, maintenant, il y a le Ghost Recon Future Soldier. Si vous avez joué aux deux premiers Ghost Recon, c'est pas mal pareil, vous vous sentirez pas trop perdu. Moi j'ai trouvé que c'était pas mal comme une vieille paire de pantoufles, là. Tu mets ça puis t'es confortable. Il y a des trous pour les orteils. Ouais, il y a des trous pour les orteils, ouais. Mais il y a quelques petites commandes qui ont changé pour te pencher au lieu de cliquer sur ton joystick de gauche, c'est le bouton B maintenant qui te sert pour te pencher. Donc, ils ont changé quelques petites choses dans le jeu, mais pour le restant, c'est pas mal pareil. Donc, l'histoire est assez simple. On commence le jeu en étant une équipe de Ghost. On incarne une personne d'une équipe de 4. Puis, on se ramasse dans la jungle du Nicaragua pour essayer de trouver une arme nucléaire qui a été volée. Puis, finalement, on la trouve. Le premier niveau est finalement votre tutoriel. Ça vous montre un peu comment vous servir des commandes puis comment jouer le jeu. Ça sera pas un punch ou un spoiler, là. On fait le tutoriel, puis à la fin du tutoriel, votre personnage meurt. Ça lance le jeu. C'est vraiment intense. Là. C'est tu te bats. Puis là, ouais, c'est ça, c'était bien ça. C'est vraiment bien fait. Ça t'embarque dans le jeu parce okay. que c'est finalement le but de toute l'histoire. C'est de venger les personnes qui sont mortes de cette gang-là. De cet événement-là. Fait que t'arrives, tu trouves une bombe nucléaire, puis finalement, tu t'aperçois qu'ils ont mis une bombe pour faire sauter la bombe nucléaire quand t'as trouvé. Fait que la bombe explose, il y a des produits chimiques dedans, ça te tombe dessus, puis tu t'es en train de t'agripper sur le bord d'une falaise pour pas tomber, puis à un moment donné, les bras te brûlent parce que les produits chimiques t'ont tombé dessus, puis tu tombes, puis tu meurs. Okay. Fait que là, après ça, tu reviens dans une autre équipe Ghost qui est finalement trouvé qui a volé la bombe, qui a causé la mort de tes équipiers. Puis tu pars avec un nouveau groupe de 4 personnes. Fait que c'est une bonne intro, là. C'est une super bonne intro. C'est vraiment intense. Ça part intense. Oui, c'est pour un tutoriel, là, habituellement, tu te fais tenir par la main, là. T'as l'impression d'être en garderie, là. Ouais. Avec la petite corde que tu tiens pour aller au parc, là. Ouais. Puis celui-là, c'est vraiment... Il te garoche dedans, là. Ouais. J'ai l'impression qu'il triche un peu sur la vie, là. J'ai l'impression que même si tu manges des balles, tu vas pas trop mourir, là, vu que c'est le tutoriel. Mais t'as l'impression que tu te fais vraiment jeter dans l'action tout de suite. Là. Direct en partant. On dirait que... Ça, c'était vraiment bien pour ouais. ça. On dirait qu'ils prennent pour acquis que t'as déjà joué. Fait qu'ils ben, c'est dedans. Temps. Là, ça fait comme 15 ans qu'on joue à des jeux d'action. Là. Ouais. Mais Ghost Recon, c'est plus stratégique, par exemple, qu'un autre Modern Warfare, quelque chose comme ça. Faut vraiment que tu peux pas vraiment rentrer dans le tas. Faut vraiment que tu juges où tes ennemis sont, combien est-ce qu'il y en a, puis après ça, tu développes une stratégie pour rentrer puis aller compléter ta mission. C'est pas juste, bon, ben, je suis dans le tas puis je vais tous les avoir. T'as des objectifs précis, comme quand tu commences... Ouais, vas-y. Sauf la mission, ce que t'as l'espèce de tank à quatre pattes, là. Ouais, qui est quand même assez le fun à faire, là. Mais ouais, c'est le ménage avec ça. Ce qui est le fun, la première mission, ben tu commences, tu t'en vas dans une espèce de village en Zambie. Puis c'est vraiment les terroristes ont pris ce village-là d'assaut okay. en otage. Mm-hmm. Puis le monde qui vit là. Parce que ce qui est le fun dans Ghost Recon, c'est que c'est vivant. Il y a beaucoup de personnages qui sont pas des soldats. Non-joueurs, civils. Qui sont pas des soldats. C'est des civils, parfait. C'est du monde qui vivent dans le village, puis que sont vraiment oppressés par les terroristes qui restent là, puis ils ont peur pour leur vie, puis ils ont plus de maison, puis... Fait que c'est vraiment... L'histoire est vraiment prenante aussi. Fait que ta première mission, c'est ça, c'est en Zambie. Tu t'en vas... faut que tu ailles chercher une personne là qui est comme le chef de l'armée qui est là. Parce qu'au début, tu penses vraiment que c'est un petit conflit. Des petits terroristes qui essaient de faire quelque chose de gros. En Colombie, exemple. Facile, tu sais. C'est comme ça, c'est comme tu sais, en Afrique. Puis ils sont pas trop top, puis ils sont pas équipés. Puis des petites mitraillettes. Tout arrive là avec ton camouflage où tu es quasiment transparent. Tes armes automatiques, ton drone. T'arrives équipé, là, tu sais. Puis là, tu te bats contre des petites armées pas trop difficiles à battre. Puis c'est vraiment ce qui est comme au début du jeu, t'as comme une impression de puissance extrême, là. Tu sais, genre, là, un peu probablement comme l'armée américaine se sent ou se sentait quand ils sont rentrés au Vietnam. OK. Genre, nous autres, on a top-notch les armes, puis on est équipé, puis on sait où est-ce qu'on s'en va. Puis vous autres, vous avez rien. Trop de confiance. T'sais, confiant, puis t'sais, vraiment technologiquement avancé, incroyable. Fait que tu rentres là, puis ce que j'ai vraiment aimé, c'est, puis t'as probablement remarqué ça aussi, Eric, c'est la réaction des personnages non-joueurs qui sont pas tes ennemis. Tu vas rentrer dans le village, puis là, tu t'arrives, puis là, t'es quatre, puis là, tu rentres tranquillement, puis là, tu regardes voir, il faut que tu trouves tes ennemis, ils sont cachés à travers les maisons, les tentes, puis des affaires comme ça, puis tu sais pas trop ce qu'ils sont, puis ils se promènent, puis là, tu commences à te promener, puis là, tu vois du monde qui se sauve en courant, parce qu'ils se sauvent pour leur vie. Ils sauvent de eux, là. Ils sauvent des terroristes. Parfait. Puis là, tu vas voir... Ouais, le camp de réfugiés, pour ça, c'était un beau niveau pour ça. Tu sais, le monde court, Mais là, toi, t'es penché, t'es camouflé, t'es presque transparent. Puis là, tu vois le personnage non-joueur, là, un civil qui s'en vient vers toi en courant parce qu'il sauve des terroristes qui sont au fond. Parfait. Puis là, à un moment donné, ils arrêtent, puis là, ils font comme regarder à terre. Puis là, sont comme... Ils regardent vers toi, puis ils ont l'air à se demander, il y a quelque chose là, mais je comprends pas ce que je vois. Que t'es en camouflage. Parce que t'es comme transparent, mais rendu à une certaine distance, ton camouflage marche plus. T'es comme détectable. Mais quand t'es loin, tu peux pas être détecté. Tu fonds dans le paysage. Fait que là, ils sont comme là, puis là, ils sont comme... Ils te regardent tout comme... c'est quoi ça? Puis là, mais c'est la position que les personnages... Ils ont vraiment l'air réels. Là, okay. Ils sont là, puis ils sont comme... Ils se dandinent d'un côté à l'autre en disant, je vois quelque chose, mais je comprends pas ce que c'est. Puis des fois, t'en as qui vont arriver vers toi en courant... Puis là, ils vont comme arrêter sec, puis là, faire « Ah! » Le gars, parce qu'ils te voient, ben, mais pas, ils comprennent ennemi, pas. C'est ça, puis là, ils ont peur. Fait que là, ils sortent en courant de l'autre sens. Fait que c'est l'interaction avec le monde vivant aussi du jeu qui est quand même incroyable. C'est pas un jeu dont les graphiques sont à tout casser. C'est super beau. Mais ça l'aide pour l'immersion, de sentir dedans. Tu as vraiment l'impression que tu fais partie de l'univers dans lequel tu joues. Mais le tableau le plus, en tout cas moi j'ai trouvé qui était le plus immersif, c'était celui où tu arrives dans le camp de réfugiés. Ça, c'était assez intéressant. Puis je me rappelle plus c'est lequel l'autre. Il y avait, t'étais d'une ville. C'est pas celle de Londres? Ouais, c'est pas Londres, Moscou? C'est une autre ville. Puis là, il y a des terroristes partout. Ah, il y a des gens dans leur voiture. Ouais, ouais, t'es au Pakistan. T'es en plein milieu du trafic. T'es là, au Pakistan. Ouais, c'est ça, au Pakistan. Puis là, les terroristes commencent à tirer partout dans le trafic, puis il y a les gens des autos meurent parce qu'il y a des balles perdues partout, tu sais. Ouais. Fait que là, t'as des gens qui ouvrent leur porte d'auto pour essayer de se sauver, puis ils se font pogner par des balles. Ouais. Fait qu'à chaque fois que tu recommences le niveau, tu sais, parce que tu recommences tout le temps dans le jeu, là, c'est jamais pareil, tu sais, les gens fuient jamais dans la même direction, parce que si toi t'es là en train de tirer, ils vont essayer de faire le tour, tu sais. S'en aller ailleurs ou se sauver, fait que l'intelligence artificielle est quand même pas pire. C'est-tu sanglant? Ouais, c'est pas tellement sanglant. Là. C'est pas extrêmement juteux. Il y a un peu de sang qui gicle, là, mais c'est pas surexploité. Mais c'est quand même... C'est le premier... je pense que c'est le premier Ghost Recon qui est classé mature, qui est classé 18 ans. Les autres, je pense qu'ils étaient classés teen pour adolescents, mais celui-là, il est vraiment classé mature parce que c'est plus mature comme sujet aussi. Là. Parce que 90% des tableaux, c'est une balle. Tu sais, c'est vraiment une balle dans la tête, le gars est mort, tu sais, c'est vraiment, faut que tu fasses ça silencieux. Ouais. Fait qu'il y a pas des tonnes de missiles, puis de bombes, puis d'explosions, c'est même les bruits, tu sais, tout le monde a des silencieux, fait qu'il y a presque pas de bruit, tu sais. Ouais, tu places tes gars, tu leur dis de tirer, ça fait petit, petit, petit, tu sais, des petits sons pas forts, puis les gars sont à terre, puis là, vite, faut que tu bouges en dedans pour aller chercher l'otage avant que les renforts arrivent. C'est vraiment un jeu plus stratégique que Modern Warfare. L'arsenal de fusils disponibles est assez incroyable, autant que dans les autres versions de Ghost Recon. Mais tu peux tout modifier. Avec le Gunsmith, si vous avez aussi Kinect, vous pouvez modifier votre arme avec Kinect en bougeant vos mains dans les airs. Fait que vous choisissez, mettons, vous voulez changer la poignée du fusil, vous pouvez la changer pour une autre version que vous allez avoir débarrée en jouant. Un silencieux différent, un look différent, fait qu'un camouflage d'armes d'une couleur différente. Juste pour le look ou ça l'aide vraiment? Choses qui sont pour le look, mais il y a des choses qui aident. La stabilité. Tout ce qui est silencieux, tu peux mettre un lance-grenade en dessous de ton fusil. C'est ça. Ça peut améliorer la stabilité aussi quand tu snipes. Ouais. Plus stable. Okay. Mais tu perds de la distance. Tu sais, fait que t'as plus précis, mais tu perds de la distance ou t'as plus c'est de distance facile à changer moins précis. Rapidement. Oh, oui, ben tu le fais avant d'aller à ta mission. OK, fait que, OK. Pas un côté dedans, tu vis avec. T'es déployé dans... Et il y a un champ de tir pour les essayer avant de rentrer dans ta mission. C'est ça. Donc, comme dans la vraie vie. Tu vas au champ de tir. Ouais. Si tu envoies des avions de l'armée américaine, une fois que tu choisis tes armes, tu peux pas retourner pour aller en chercher. Non, hein? C'est ça. Fait que tu vis avec ce que t'as. C'est bon. Fait que t'as ça. Ce qui est vraiment, si vous jouez au jeu, moi je vous dis tout de suite, je vous conseille vraiment, si vous aimez les shooters, je vous conseille vraiment de l'acheter. C'est vraiment un jeu qui est le fun, l'histoire est vraiment bonne, c'est vraiment comme un roman. Puis, mais faut apprendre un peu à travailler avec les outils qu'on a. Ça prend un peu d'habitude à savoir vraiment jusqu'à quel point qu'on peut utiliser un outil. Comme le drone, au début, je m'en servais. Tu déploies ton drone. Quand tu déploies ton drone, tu vois vraiment tout en noir et blanc. Mais tu vois tous les villages. Mais tu vois tout. Tu vois les ennemis. À un moment donné, tu vas te promener, les ennemis vont apparaître en jaune ou ce qu'ils sont. Okay. Fait que tu es capable de voir avant d'attaquer combien d'ennemis qu'il y a sur une certaine zone de la carte. Jaune pour spécifier thermique? Non, c'est jaune. Il y a des carrés jaunes, il y a des triangles, comme des triangles jaunes qui apparaissent dessus juste pour les taguer. C'est un peu le niveau d'alerte de l'ennemi. C'est ça. S'il est rouge, ça veut dire qu'il t'a vu. S'il est jaune, ça veut dire qu'il est là, mais il t'a pas encore détecté. Okay. Mais il est proche. Mais c'est ça. Fait que là, tu peux aller quand même assez loin pour voir tes ennemis où ils sont. Okay. Mais ton drone a une portée limitée. Fait que tu peux pas aller plus loin qu'une certaine zone. Si toi t'avances, tu peux amener ton... Après ça, tu peux amener ton drone plus loin. Okay, okay. Fait que c'est proportionnel à ta distance. Le drone aussi peut voler ou tu peux le faire rouler à terre. Fait que t'as des missions où il faut que tu t'en serves comme un petit buggy ou ce que tu vas le rentrer dans une trappe d'air. Transporter quelque chose, non? Une bombe ou le transporter, okay. Puis l'amener voir des ennemis d'une pièce où ils sont placés avant d'attaquer puis rentrer. Ah, pas pire. Mais le drone, c'est vraiment votre meilleur ami dans ce jeu-là. Quand vous savez comment vous en servez, vous décollez, vous l'approchez sur la zone que vous voulez couvrir puis vous voulez attaquer parce que faut être un peu furtif. Il y a des niveaux, c'est vraiment, tu peux pas être détecté. Tu tues un ennemi, il meurt. L'autre fait sa patrouille, il découvre le cadavre. Ta mission est finie. Faut que tu recommences. Ça, j'ai trouvé ce qui manquait dans le jeu, c'est qu'on pouvait pas déplacer les cadavres. Moi aussi, j'ai trouvé ça. Tu peux t'en approcher, tes voix, mais tu peux pas les déplacer. Une couple de fois. Ouais, un peu comme ça qu'on parlait sur le dernier podcast dans Wolfenstein, tu pouvais le faire. C'est un des points faibles du jeu. J'aurais aimé ça pouvoir pogner le cadavre puis le traîner dans le bois pour le cacher. Ça aurait été bien. Je trouve ça plate que de nos jours, ils innovent pas avec ça, là. Mais c'est ça. Mais d'un autre côté, un autre côté un peu décevant, c'est que si même si un autre ennemi patrouille dans ce coin-là, si t'es assez chanceux puis il est parti vers l'autre bord, par le temps qu'il va revenir, le cadavre va avoir disparu. Ah. Ça sera plus grave. OK. Parce que les cadavres sont pas là éternellement. Fait que du timing. Fait que t'as une question, parce qu'à un moment donné, j'ai tué un ennemi, il a tombé à terre, puis là, je voyais que le gars s'en venait faire sa patrouille vers là. Là, j'ai dit, ça y est, je suis fait. Puis, finalement, non. Le cadavre est disparu, le gars il a passé, puis il a mais rien vu. Mais tu pouvais pas tuer la patrouille? Ouais, mais c'est parce que si t'en tues un, puis l'autre est en train. Parce que souvent, ce que tu vas faire, tu vas rentrer dans une zone, tu vas voir, mettons, il y a un container. Tu le sais qu'en arrière de ce container-là, le gars qui est dans la tourelle là-bas, il voit pas le gars qui marche en arrière. Tu le snipes là, il meurt en arrière du container. Mm-hmm. Fait que le gars qui est dans la tourelle, il a rien vu. Parfait. Mais il lève pas l'alarme. Mm-hmm. Tandis que là, si tu tires l'autre qui s'en vient, mais lui il est à pleine vue du gars qui fait la patrouille, qui regarde dans la tour pour voir si tous ses chums sont là. Puis il le voit tomber, il déclare l'alarme, ta mission est finie. Parce que ta mission, c'était d'être furtif. C'est d'être furtif. Fait que c'est clair au début de la mission, détection. Il faut aller chercher des documents X. Il faut juste passer une certaine zone, puis un coup que tu as passé cette zone-là, ça devient. Ils vont te marquer être détecté n'est plus un mode d'échec de la mission. Okay. Après ça, tu peux tirer dans le tas si tu veux. Okay. Mais tu as des sections où il faut vraiment pas que tu te fasses détecter. C'est vraiment furtif. C'est bon. Mais c'est super tactique. Mm-hmm. Parce que là, tu es 4. Ce qui est super le fun dans ce Ghost Recon-là, c'est que tu peux dire à tes chums. Puis au début, je m'en servais, tu peux viser avec ton fusil, puis taguer un ennemi. Moi, j'ai joué sur Xbox, fait que... C'est quoi? R2. Taguer, tu vas juste mettre une cible dessus. Ouais. Fait que tu peux en faire jusqu'à 4. Okay. Parce que t'es 4 dans ton groupe. Fait que tu vises avec ton fusil, tu pèses sur R2, il va faire, OK, première cible activée. Deuxième, troisième, quatrième cible activée. Ah, tu veux dire qu'après ça, vous allez avec les cases, vous allez toutes tirer en même temps? Tirer en même temps. Ah, OK. Faire une shot en même temps, c'est les bon. Quatre meurent en même temps. C'est du SWAT, quasiment. Ouais, mais faut pas qu'il y ait un cinquième. Parce que si le cinquième te voit tuer quatre autres... T'échoues la mission. Soit que t'échoues la mission, ou là, l'alerte est lancée, puis toutes les autres s'en viennent vers toi, parce qu'un coup que l'alerte est lancée, ils viennent te chercher. Okay. Ils campent pas. Des fois, quand l'alerte est lancée, la mission se termine automatiquement. Si la détection est pas permise, si la détection est pas un mode d'échec, ben là, tu rentres en mode défensive, parce que là, ils savent que t'es là, puis ils savent que tu t'en viens, fait qu'eux autres s'en viennent te chercher, puis ils vont t'éliminer. Fait qu'un peu comme la mission de l'aéroport, c'est pas un échec de manquer, de te faire détecter, mais aussitôt que tu te fais détecter, ben, ils s'en viennent vers toi, puis il y a du monde. Fait que tes chances de survie sont souvent minces. Fait qu'il faut que tu rendes ça plus... Faut que tu rendes plus furtif, plus technique. Fait que là, tu vas regarder, bon, je peux en tuer quatre d'un coup. Lesquels quatre que je vais choisir? Fait que là, tu vas regarder. Puis la meilleure tactique, c'est bon, j'ai quoi? J'ai deux gardes qui sont dans des tours. Les chances que les gars qui sont à terre, qui patrouillent, voient les deux gars... Tomber à l'intérieur. Quand j'ai tiré en synchro, sont minces. Ouais. Fait que je vais me débarrasser de deux gars dans les tourelles en partant. Mais en général, c'est ça la tactique. C'est ça. Fait que là, tu pars comme ça. Fait que là, t'en avais six. Ah, il t'en reste quatre. Après ça, tu tagues les quatre autres. Okay. T'as éclairaison, tu t'en vas. Okay. Fait que c'est là où c'que le drone vient être bien important parce que tu lèves ton... Tu déploies ton drone, tu scannes ta zone, tu vas taguer tes ennemis, puis tu peux... Même toi, pas avoir à tirer. Tu tagues deux ennemis. Aussitôt que tu tagues un ennemi, il y a un de tes trois autres gars qui va se placer. Mm-hmm. Puis qui va aller dire prêt à tirer. Okay. Là, tu vas en taguer un deuxième, il va se mettre prêt à tirer. Tu tiens RB, ils vont tirer tes deux ennemis, les ennemis tombent. Tu les vois mourir pendant que tu es sur le drone. Là, tu scannes les autres. Ils sont là, tu tagues les quatre autres. Faut que tu débarques du mode du drone parce que pendant que tu. Tu chauffes le drone, tu peux pas tirer. Puis là, tu vas en taguer un des quatre. Ce qui est le fun, l'intelligence artificielle aussi, c'est si un est déjà visé, parce que moi, je suis pas cave, là, j'irai pas prendre le plus loin pour courir la chance de le manquer. M'en prendre un gars qui est proche. Même s'il a déjà été visé par un des trois, tu le vises, lui, il va changer de cible puis il va aller viser le quatrième qui a pas été choisi. Puis, il y a des fortes chances que vu que c'est l'intelligence artificielle, il manquera qu'il pas. Manque pas sa chance. C'est ça. Non, il manque jamais. Il manque jamais eux autres. Mais voilà. c'est pas nécessairement vrai. J'ai eu une mission à un moment donné où ce que juste, je lance la commande de tirer, puis là, il me dit, j'ai perdu ma cible. Il s'est en allant, l'ennemi s'est en arrière, en arrière d'un container ou quelque chose de même, puis il pouvait plus tirer. Okay. Le, la non, lance c'est pas parce déclenché. Que le tir a manqué, c'est parce non. que l'ennemi s'est déplacé. C'est parce que l'ennemi s'est déplacé, fait que c'est pas sans erreur. Fait que c'est vraiment, comme je disais, c'est plus tactique qu'un jeu où tu fais juste rentrer dans le tas, puis vider jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'ennemis. C'est ça le jeu que tu jouais, Canic? Non, oui, on jouait. C'est ça que je voulais mais parler. On va en reparler. Le mode multijoueur, ils ont changé des choses dedans. Excusez. Puis c'est un peu le côté faible du jeu. Mais pour le côté histoire, c'est vraiment bon. Je vous conseillerais, si vous le jouez, moi j'ai eu un bug à un moment donné. Je pense que c'est dans la deuxième mission. À un moment donné, tu t'en vas, tu finis, tu claires la zone. Puis. Ce que je peux dire d'un peu de jeu là, je sais pas si t'as trouvé ça, Eric, était un peu plus. T'as-tu joué aux autres Ghost Recon avant? Ouais, mais je m'en rappelle plus bien. il est beaucoup plus scripté que les autres. Moi j'ai trouvé que c'était plus arcade, c'est sûr, que les autres. C'est hein? ça. C'est plus scripté. Dans le genre, il y a des animations prédéfinies. Tu vas t'en aller, tu vas finir une zone. Okay. Puis là, ta prochaine étape, c'est faut que tu rouvres une porte pour passer dans un autre secteur, mettons. Mettons que ton but, c'est d'envahir un entrepôt. OK. Tu sais, puis aller chercher des documents. Mm-hmm. Bon, ben, avant de rentrer dans l'entrepôt, tu claires la zone des gardes. Ouais. Tu arrives à la porte. Puis là, tu as un rond qui te dit, toi, il faut que tu t'en ailles là. Puis là, tes trois autres approchent pour... ouvrir cette porte-là. Fait que pendant que toi, tu vas ouvrir la porte, les autres vont regarder s'il n'y a pas un ennemi l'autre bord pour te défendre. Fait que t'as une espèce de rond qui te montre ta position à toi, faut que ça soit où. Puis à un moment donné, je m'en vais dans mon rond. Mais un coup, t'es dans le rond, t'es pris là. Tu peux plus dire, je vais retourner là-bas, faire d'autres choses. Ah, toi, tu veux dire que c'est linéaire. Cette partie-là, c'est scripté. Ça veut dire que t'as pas le choix. Ça t'amène à l'endroit, puis... Ben, c'est un peu la fin de la mission. C'est la fin de la mission où c'est un entre-deux. Ouais, des fois, c'est un entre-deux. Tu passes à un autre niveau. Là. C'est ça. Ou tu passes à la deuxième partie de ce niveau-là. Parce que souvent, mettons, tu rentres à l'entrepôt, t'as pas le droit d'être détecté, mais un coup tu rentres dans l'entrepôt, c'est marqué la détection n'est plus une cause d'échec de la mission. Mais là, t'arrives dans ton rond, puis ça m'est arrivé la première fois que j'ai joué, je me suis dit j'espère que ça sera pas de même tout le temps. Je rentre dans mon rond, puis là c'est marqué attente des coéquipiers. Mm-hmm. Donc là, j'en ai deux sur trois qui arrivent. troisième arrive jamais. Fait qu'il faut que tu recommences la mission. Je suis pris dans mon rond. Mm-hmm. Je peux plus sortir du rond. Il n'y a aucun bouton qui fait que je peux sortir du rond. Il a fallu que j'annule la mission puis je la recommence. Ouais. Mais. Aussi, ça, j'ai eu peur de ça. Ça m'est pas arrivé, mais j'ai eu peur tout le long de ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui arrive s'il y en a un qui est coincé en arrière d'une boîte? Ben, c'est ça qui arrive. On ne sait jamais. Là. T'es pogné. Fait qu'après ça, j'ai dit, garde, je ferai pas le cave. J'attendais toujours de voir mes trois arriver avant de me placer dans le rond. Parce que les autres s'en viennent là pareil. Puis des fois, eux autres attendent après toi. OK. Mais c'est mieux qu'ils attendent après toi que ouais, le contraire. C'est ça. Fait que là, je rentrais jamais dans mon rond jusqu'à temps que je voyais que les trois étaient là. Quand je voyais que les trois, parce que tu vois une espèce de dessin de porte. Puis là, quand les trois sont là, puis là, il y a juste un rond qui tourne, c'est qu'ils attendent après toi. Tu rentres dans ton rond, puis tu passes à la prochaine affaire. OK. Un autre côté. Un bug que j'ai vu à un moment donné, il y a une espèce de conférence de presse avec un des gros méchants du jeu. Puis il est là, puis il est en train de jaser comme quoi, oh, on va gagner. Puis là, il boit un verre d'eau. Le verre est totalement noir. Okay. Puis là, t'as l'impression que c'est un verre noir. T'sais. Là, il boit dedans, puis là, tu vois ses lèvres à travers le verre. OK. Puis là, à un moment donné, tu le vois parler comme à travers le verre. Là, il redépose son verre. Puis là, tranquillement, pendant qu'il continue à parler, le verre devient transparent, comme s'il y avait de l'eau dedans. Fait que c'est comme pas mal. Il flotte au-dessus de la table. C'est un glitch de rendu, c'est rien, là, mais c'était juste drôle de voir ça. À part de ça, le jeu a pas grand bug. J'ai été, assez agréablement, pas super agréablement surpris. Ça a répondu parfaitement à mes attentes. Combien d'heures de jeu? À peu près une douzaine d'heures. T'es-tu d'accord avec ça, Eric? Ouais, à peu près une douzaine d'heures. C'est à peu près une heure par mission. Mais moi, j'ai joué beaucoup plus que 12 heures parce que chaque mission, j'ai recommencé 5 fois. OK. Parce que ben moi, je voulais les faire parfaites à chaque fois. Fait même des fois, ça. J'arrivais à la fin, il restait un ennemi à tuer, puis là, il me voyait, je pouvais pas le tuer comme en stealth. Là, j'étais « Ah, shit, j'ai raté ma mission. Parfait. » Fait que j'ai recommencé à chaque fois. Okay. Fait que moi, j'ai vraiment passé 2 semaines dessus non-stop. À essayer de le faire le plus parfait possible. Ouais. Avez-vous des succès à débloquer? Oui, il y a des succès. Ah. T'as des succès réguliers d'Xbox Live, ouais. Mais t'as aussi des espèces de succès intra-jeu, comme fais-tu tel nombre d'ennemis ou atteins un pourcentage d'utilisation de ton arme de 80%, ou t'as des succès qui sont vraiment à chaque niveau que le jeu te donne. Mais ça donne pas nécessairement tout le temps un succès dans Xbox Live. Là. Mais t'as certaines missions. T'as des missions aussi de tir que tu tires d'un hélicoptère. Fait que c'est varié, c'est vraiment le fun. Moi, la mission que j'ai vraiment... Et toi, tu disais... Ouais? Toi, tu disais que t'avais utilisé beaucoup le drone, vois-tu? Moi, le drone, j'ai pas vraiment utilisé. Il y a une affaire avec le drone aussi, c'est si les ennemis le voient, si tu voles trop bas... Ils tirent dessus. Ouais, tire dessus, puis t'es fini, ils savent que t'es là. Ouais. Moi, j'ai plus utilisé les espèces de grenades sensor. Là. Ouais, ça aussi. Une espèce de champ d'énergie, puis ça détecte tous les ennemis qui sont dans ce champ d'énergie-là. Une espèce de distance, là. Parce que ça te permet de les pointer sans les voir. Parce que, comme tu disais tantôt, tu peux dire à tes coéquipiers d'aller... tu peux pointer des ennemis pour tes copiers à les tirer, mais il faut que tu les vois pour ça, tu sais. Fait que quand tu tires cette petite boule-là, tu détectes tout le monde, ceux qui sont cachés en arrière des voitures, des murs, pis tout. Fait que tu peux pointer, des fois, tes gars à aller tirer du monde que tu n'aurais pas vu normalement, tu sais. Ouais, mais sur moi, à la place de ça, je prenais le drone, parce que le drone... Même caché dans une bâtisse, à un moment donné, tu peux y voir pareil, parce que tu peux descendre le drone assez bas pour voir dans la porte ou pour voir. Fait que c'est sûr que si tu t'approches trop d'un ennemi qui est dans une tourelle, qui regarde, t'as des chances de te faire détecter. Mais normalement, t'as pas besoin de t'approcher si proche que ça. Puis quand tu te tiens un peu plus loin, puis bien haut, souvent il y a des arbres, il y a des bâtisses. C'est rare, peut-être une fois ou deux. Un ennemi m'a détecté, mon drone, puis a tiré dessus. Une fois, il s'est fait détruire complètement, mais il se régénère à un moment donné. Ça prend du temps, là, mais t'as une espèce de petite barre qui régénère. Ton drone se régénère puis se répare. Mais j'ai une question, par exemple, à vous deux. Eric, est-ce que toi, quand tu as joué aux autres Ghost Recon, est-ce que tu jouais avec le drone? Il y avait aussi les drones dans les autres Ghost Recon? Dans le 2, ils ont introduit le drone dans le 2. Toi, Luc, tu devais jouer avec le drone? Moi, je me servais du drone scanner avant de rentrer dans le tas. Donc, toi, t'as quand même transféré le jeu de la même façon que tu étais habitué. Toi, Eric, est-ce que tu jouais avec le drone? Ben, moi, je faisais presque juste les missions que t'étais obligé de prendre le drone avec le drone. Le restant du temps, comme je dis, je prenais la grenade sensor, puis la vue magnétique, qui est quand même assez pratique. Là. Oui, mais je parle dans les jeux avant, il y avait-tu aussi ça, une grenade magnétique? Non, non, c'était nouveau, là. Dans le ce Ghost Recon, là, la grenade que tu lances, c'est comme un sensor, fait que ça déploie un champ, puis ça détecte les gens dans ce champ-là. Mais donc, Eric, tu devais dépendre un peu du drone dans les autres jeux avant, j'imagine. Ouais, ça fait trop longtemps, je me réveille plus. Ok. le deuxième Ghost Recon, le drone, t'étais pas nécessairement obligé de t'en servir, mais c'est sûr que c'était pratique parce que ça spotait tes ennemis. C'est parce que je voulais juste en venir au fait de chacun votre façon de jouer. Exact. Exact. Ça veut dire que, non, mais c'est parce que je veux dire que c'est que tu transposes. En général, si t'as trouvé quelque chose que toi t'es habitué, donc ton drone, puis tu le retrouves là, ben, ça va être plus facile pour toi, donc, de rejouer de cette façon-là. Tu réutilises quelque chose qui fonctionne. Exact. Ouais. C'est parce qu'il jouait beaucoup avec le drone quand on jouait en équipe. Aussi quand on joue en équipe. Donc, mais, ça l'a habitué à jouer avec le drone. Mais dans Ghost Recon 2, tu contrôlais pas nécessairement ton drone. Tu pouvais l'envoyer. Tu l'envoyais d'un point A, tu pointais ta carte, tu disais au drone, va là. Il s'en allait là, puis il restait là. Puis là, tu pouvais voir la caméra, puis voir où ce qu'il avait spoté des ennemis, puis les ennemis apparaissaient sur ta carte. Mais entre les deux, fallait que tu te débrouilles? Ouais. Okay. Mais dans le nouveau Ghost Recon, t'envoles. C'est un peu comme ceux qui ont écouté Monsieur Net. Tristan a essayé une espèce d'hélicoptère à quatre hélices qui vend chez Future Shop. Ouais. C'est exactement ça, ton drone, avec une caméra. J'imagine. Puis là, tu voles, c'est ça. Mm-hmm. Fait que là, t'as en temps réel ce qui se passe. Fait que tu vois où ce qui se promène. Tu peux même laisser le drone voler. Si t'es pas pressé, puis t'es loin, t'as pas de temps. T'as des missions que t'as un temps précis pour la faire parce que, mettons, le gars se sauve. Dans 5 minutes, il va être à son avion, puis tu vas le manquer. Mais la plupart des missions, t'es pas pressé dans le temps. Fait que tu peux parker le drone dans les heures, puis ça te permet de voir le pattern que le garde a. La patrouille. Dans sa ronde. Mm-hmm. Puis là, t'as dit, bon, ben, faut que je le snipe quand il est rendu là. Parce que là, personne ne le voit. OK. Fait que là, t'attends. Puis là, quand tu le vois arriver là, paf, tu le snipes ou tu le fais sniper par un de tes chums. Fait que c'est vraiment technique. Puis moi, le drone, ça a été comme mon outil préféré dans tout le jeu, tout le temps. Mm-hmm. Mais la différence entre les deux, c'est que tu l'envoyais, mais que pendant que lui, il faisait sa run, toi, tu pouvais te tirer puis tu pouvais te promener. Ouais. Que dans ton 3, c'est que tu programmes ton drone. Donc, pendant que tu promènes ton drone, tu fais rien. Mais à n'importe quel moment, tu peux parker ton drone à une place puis revenir à toi. OK. Puis lui, continue à voler à sa place, puis là, tu peux retourner à la caméra du drone. Il est prêt. Oh, ouais. Tu le ramènes. Tu tiens LB, le petit bouton, le left bumper qu'il appelle, le petit bouton gauche, puis là, tu as un petit rond. Ouais, il revient automatique. Il revient automatique, puis là, tu le vois, tu le pognes, tu le mets dans ta poche, puis tu repars. Okay. Tu te l'accroches après, puis tu repars. Mais tu peux le laisser voler exactement où ce qui est, puis revenir à ta vue de ton personnage, mais les objectifs que tu as ciblés sont toujours ciblés, fait que tu sais où ils sont rendus. Okay. Fait que ça peut t'aider à savoir où sont tes ennemis et tes cibles. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Puis moi, une mission que j'avais, ce que j'avais dit tout à l'heure, une mission que j'ai vraiment trippé, c'est celle, la deuxième mission, où tu as l'avion qui essaie de décoller, puis faut que tu tires pour qu'elle s'écrase. Puis il y a une tempête de sable qui arrive. Fait que tu te promènes dans la tempête de sable, puis c'est vraiment là qui est le summum de où ce que tu te sens vraiment invincible. Mais tu te sens invincible parce que c'est là qu'ils t'introduisent la vision magnétique. Puis la vision magnétique, ce que ça fait, c'est que ça voit tout ce qui est métallique. Les armes, les camions, les voitures, ces choses comme ça. Fait que ça te permet de voir tes ennemis. Fait que t'as ça. Eux autres sont dans une tempête de sable. Fait que l'armée qui est du pays, ils ne te voient pas. Eux autres sont pognés dans comme les kamikazes. Dans la tempête de sable. Fait qu'eux autres, ils ne voient rien, ils ne sont pas équipés. Tu arrives dans le village, tu les vois, puis tu les snipes à distance, puis ils sont pas capables de rien faire contre toi. C'est une mission presque gratuite, là. Ils te voient pas arriver. Okay. Fait que tu passes à travers cette mission-là quand même assez facilement, même si celle de l'aéroport, tu as dû recommencer une couple de fois, celle de l'aéroport? Ouais, aéroport, oui, là, avant de trouver où tous les gars étaient cachés. Puis je pense que celle que j'ai recommencé le plus, je pense que c'est la dernière. Ouais, la dernière. Mais La première maison est facile, puis après ça, il y a la grange, là. Où est-ce que t'en as trois? 70 ennemis pour protéger un gars. C'est pas trois gars? Tu parles pas dans celle où il y a les trois gars. Ouais, mais t'as la première maison, ce qui est une espèce de solarium, là. Ouais, ok, ouais. Fait que là, tu sais, il y a comme 3-4 ennemis, ça va bien, tu mets tes gars, tes places, mais après ça, il y a une grange, puis ils sont comme 25 là-dedans. Fait que c'est comme impossible. Moi, j'essayais de la faire stealth, puis j'ai recommencé tellement de fois pour essayer de la faire stealth, puis à un moment donné, je me dis, gars, ok, c'est impossible. Mais tu rentres dans le tas, dans celle-là. T'essayes d'en tirer le plus que tu peux au début, là, mais. De loin, puis après ça, ben, tu deals avec le restant. Mais. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'est où je m'en allais avec ça. Fait que c'est ça, la mission de l'avion, qui est une de tes premières missions, c'est celle de suite après le village qui était semi-facile, mais là, tu rentres, puis là, tu vois pas tous tes ennemis, parce que t'en as en avant des hangars, t'en as en arrière des hangars, t'en as à gauche, à droite, caché en arrière des roches, t'en as des montées en haut des hangars, t'en as partout. Maintenant, il faut que ça augmente en difficulté. Hein? Fait que, ouais, mais c'est juste la deuxième mission. Fait que là, t'en snipe 4, puis c'est incontournable, il y en a un qui trouve un cadavre à un moment donné, puis là, c'est le branle-bas de combat. Okay. Mais celle-là, tu peux te faire détecter. C'est pas un échec de te faire détecter. Okay. Mais ce qui est dur, c'est que t'as des ennemis partout, l'avion se met à rouler pour décoller, puis ton but, c'est d'arrêter l'avion. Fait que là, faut que t'arrêtes de tirer des ennemis pour tirer l'avion, le moteur de l'avion, pour que l'avion s'écrase. Mais pendant ce temps-là, faut que tu survives. Hein? Mais ce qui est le fun, c'est... Faut t'envoyer le drone sur l'aile, c'est ça l'affaire. Faut t'envoyer le drone sur l'aile pour faire exploser. Non, ça, c'est plus tard, ça. C'est un autre plus tard de l'avion dans l'hangar en Russie. Ok, il y a deux missions. T'en as deux missions d'avion à faire tirer. L'aile, t'as pas le choix, faut que tu tires l'avion, puis là, elle s'écrase dans le désert plus loin, puis c'est là que t'as une tempête de sable. Après, faut que t'ailles chercher la boîte noire de l'avion. Ok. Puis. Es-tu noir? Je sais pas, t'avoues pas la boîte. Même t'arrives là, puis la mission finit, puis tu passes à d'autres choses. Okay. Puis t'as jamais été dans l'avion chercher la boîte noire. Là, mais la fin de cette mission-là, c'est bien fait parce qu'ils te font penser que tu vas mourir, puis que toute ton équipe va mourir. Tu sais, quand t'essaies de défendre la boîte noire en attendant que les renforts arrivent. Ouais. Moi, je pense que tous mes gars étaient à terre morts. Puis là, j'étais là, ah, tu sais, je serais jamais capable de repousser tous les gars. Puis finalement, les hélicoptères arrivent, puis ils font le ménage. Ouais, c'est assez impressionnant. Quand tes renforts arrivent, c'est assez impressionnant aussi. Fait que c'est ça, fait que le jeu va te tenir en haleine tout le temps, comme, c'est vraiment comme un bon thriller ou un bon film d'action, là. Fait que c'est vraiment... Tu as suivi aussi les missions où... Il y a des missions à un moment donné, quand tu as un otage, c'est toi qu'il faut qu'il traîne l'otage ou la personne, le VIP. Ouais. Puis, tout ce que tu peux faire, c'est tirer avec ton petit pistolet. Ouais, au ralenti un peu, là. Ouais, fait, ça te promène, c'est ça, ça se promène au ralenti parce qu'il faut que tu tires la personne sous son bras, en le fond, là. C'est un peu comme un quick time event, c'est un peu comme la matrice. Tu vois tout ce qui se passe au ralenti, puis ça te donne un peu le temps de viser. Tu as ça des fois quand tu rentres dans certaines pièces. Pour tuer des ennemis, t'as un certain temps où c'est au ralenti. T'as donné une chance de vider la place, puis si t'es pas assez bon ou tu prends trop ton temps, mais là ça revient en temps réel, puis souvent tu vas mourir. Là. Mais oui. Si on qu'on est seul aussi, celle avec la prison. Ouais, elle est vraiment quelque chose. Moi, c'est celle-là que je pense que j'ai trouvé le plus dur. Ouais, vraiment quelque chose. Avec la prison, parce que j'ai recommencé. Parce que tu peux pas te faire prendre de tout le long. Ouais. Puis c'est vraiment une longue mission. Surtout que tu te fais détecter, t'es fini, puis t'es tout seul. Fait que t'es sniper à la fois, puis il faut que tu sois sûr de les sniper dans le bon temps, puis mais ce qui est le fun aussi, c'est des fois t'en manques un, puis là ça marque détecté, mais là tu le tires, mais c'est le dernier, fait que là il crève, puis ton alarme est finie parce que le gars qui t'avait détecté est mort. Fait que c'est pas un échec, même s'il fallait pas que tu te fasses détecter, t'as le temps de le tuer avant qu'il déclenche l'alarme complète. Fait que c'est quand même pas pire. Fait que... Parce qu'en plus, celle-là, elle est la nuit, il pleut, tu vois pas très bien. Fait qu'il faut que tu te mettes en night vision, mais tu vois pas nécessairement où les ennemis sont parce qu'ils sont derrière des murs. Ouais. Ce qui était bien dans cette mission-là aussi, c'est que tu te promènes d'un secteur de la base à l'autre, mais tu ressors tout le temps dehors. Fait que si, mettons, t'as avancé puis que t'as tué un gars, mais que t'as pas tué l'autre, mais par le temps que t'es allé dans la base puis il est ressorti, lui, il a fait toute sa ronde, là. Il a fait le tour de la base, fait qu'il revient au début, puis il trouve le maudit cadavre qui était là. Ouais. Mais ça aussi. Fait que là, tu fais, ah, merde, il est trop tard. Ou cette mission-là est en deux étapes avec, parce qu'après, t'as comme deux ennemis qui patrouillent d'un air plus haut puis qui voient tout en bas, mais sont pas là avant que tu fasses une certaine action. Fait que moi, je me suis dit, ah, moi, être brillant, moi, aller sniper ces deux-là avant, puis me revenir, puis après ça, moi, m'occuper du monde en bas. Là, t'arrives là, puis y a pas personne. Là, tu t'en vas, tu regardes la porte qui dise ah, elle est barrée, faut que tu ailles la débarrer en passant par là-bas puis hacker l'ordinateur. Puis un coup que tu as fait ça, les deux gars arrivent sur la passerelle. Fait que c'est vraiment, faut que tu gages ton affaire. Là. C'est pas un bing-bang rentre dedans puis tu sais tout ce qui bouge puis c'est tout. Fait que non, moi c'est franchement là, c'est achetez-le. C'est vraiment un jeu qui est le fun, puis c'est un jeu que vous allez pouvoir rejouer. C'est qui le fait? C'est Ubisoft. OK. Mais c'est pas Ubisoft Montréal, c'est Paris, Roumanie, je pense. C'est des studios d'Europe, là. Okay. Le seul bémol que j'ai, c'est un peu trop scripté à mon goût. Mais ça, je veux dire, c'est peut-être pour rendre ça un peu plus casual, parce que t'as beau avoir 50 000 ennemis après toi, si tu passes une certaine zone... Il n'y a plus personne qui t'aime. Ouais, mais si à un certain moment aussi, c'est que tu sais pas où aller, où est-ce qu'elle est la finale pour ta mission, à un moment donné, il faut quand même qu'il te dirige, là. Ouais, mais la plupart des jeux, il faut que tu tues tous les ennemis pour passer à la prochaine zone. Dans ce jeu-là, à un moment t'es donné... T'es pas obligé. C'est ça, t'es pas obligé. Pas toutes les missions. Si tu réussis à te rendre à la porte, sans t'être fait voir, tu continues. C'est ça. Mais moi, ce que je parle, c'est tu l'as fini, le jeu, puis je donnerai pas de punch à comment ça finit, puis tout, mais la dernière mission... Je veux dire, c'est impossible de tuer tout le monde puis de te rendre à l'ennemi dans le temps qu'il te donne. Il sauve tout le temps. Il sauve tout le temps. Fait qu'à un moment donné, j'essayais, j'arrivais, bang, bang, bang, je tuais du monde. Puis là, tu vas découvrir à un moment donné qu'il y a des ennemis qui ont le même genre de camouflage que toi et qui sont contre toi. Là. Ça vient plus dur. Là. Ouais, mais faut que tu te dises que c'est comme dans la vraie vie où ce que tu as une mission, capturer ou tuer X, mettons, telle personne, c'est l'objectif. Fait que des fois, tu te dis, garde, peu importe le prix, peu importe ce que ça coûte, c'est ça ton objectif. C'est ça. Fait que les autres sont là pour te ralentir. Regarde, ils veulent protéger leur, leur leader, exemple. Ben oui. Il y a des limites à... Je l'ai vu jouer à un moment donné, c'est que tu pars du point A au point C, mais tu dépasses le point B, puis il n'y a plus d'ennemis pantoute qui pensent à toi. Mais c'est parce que du point A au point B que tu as passé, ils tirent tout. Ouais. Mais dès que tu dépasses le point B pour aller au point T'es C, correct. Là, correct. C'est ça, mais là, il n'y a plus personne qui connaît. C'est la seule affaire. Ah. C'est ça, elle me regardait jouer, puis ils te suivent pas. Ce niveau-là, j'avais passé la soirée d'avant à essayer de le faire. C'est comme on disait avec Max Payne la semaine passée, au dernier podcast, ouais. C'est ça. La semaine passée. Dernier podcast, ouais, c'est que, à un moment donné, quand tu réussis à sortir de la pièce, ben, les ennemis te poursuivent plus. C'est ça. C'est comme si t'oubliais. Mais au moins, là, t'es dans un. T'as passé une porte, tu dis peut-être que, bon, ils t'ont oublié. Mais là, t'es comme dans la même forêt. Puis là, tu arrives à un point précis, puis là, à un moment donné, je me suis dit, je la passerai jamais cette mission-là, mais essayer de courir pour passer. Puis là, je mangeais des balles, là, je tombe à terre, le gars me ramène à la vie, je repars à courir, je me ramasse à un certain point, puis là, c'est comme une cinématique qui embarque. Je me vois mon personnage comme un film, je saute par-dessus une roche, je tombe l'autre bord de la roche, puis là, rendu là, je suis comme dans une autre zone. Mais là, les ennemis qui me couraient après, qui étaient juste en arrière de moi, qui venaient de me tirer le 30 secondes, juste l'autre bord de la roche, il me voit plus. Je suis plus là pour lui. Moi, ça me fait penser, vous autres, vous êtes plus habitués à jouer à ce style de jeu-là. Si moi, je jouais, peut-être que je trouverais ça trop dur si tout le long, tu sais, dans le fond, ils pourraient te suivre. Peut-être qu'ils ont pensé à moi. Mais, pour dire, regarde, à un moment donné, il faut que tu arrêtes, parce que sinon, il faut que tu tues tout le temps. Mais j'imagine, de toute façon, le niveau serait pas passable. Non. C'est ça. En vidant la section. Mm-hmm. Mais il aurait peut-être dû juste la faire autrement. Ouais, mais parce que là, c'est vraiment pas logique. Parce que c'est juste comme si l'armée au complet oubliait que t'étais là. Non, surtout si je te pointe mon fusil dans ton dos, puis tu marches, tu fais un pas de plus, puis ah, tiens, tu n'existes plus. C'est ça. Ouais, ça, j'avoue que c'est clair. C'est la seule affaire que j'ai trouvé un peu, tu sais. Mais c'est pas grave. Mais tant mieux, parce que je me serais tanné. Parce que le dernier niveau, comme je l'ai recommencé comme 5-6 fois, puis je me disais, c'est impossible. Je peux pas passer ce niveau-là de la manière que faudrait que je le passe, en vidant la place. Un des plus difficiles, je pense, que je viens de m'en rappeler, c'est lequel? C'est celui où t'es à Moscou. Où t'es dans... C'est ça, Moscou? Ouais, c'est Moscou, je pense. Avec le tank qu'il faut que tu passes à côté, puis qu'il faut pas tuer. Non, c'est non. Au début, quand t'arrives, puis il faut que t'attaques là, comme toute l'armée russe, quasiment toute seule, puis t'es en plein milieu de la rue, il y a presque pas de couverture. Ouais. Ah, mon Dieu, ça, j'ai sacré... Je pense que j'ai lancé la manette 2-3 fois. Mais ça, ça canarde là, dans, dans ce jeu-là, là, à un moment donné, tu te fais canarder. Ah, mais, oui. T'es couvert, ta couverture se fait détruire, fait que tu peux pas rester là. Ouais, t'es caché en arrière d'un banc, puis le banc se désagrège à force que les balles rentrent dedans ou un mur. Un mur en bois. 5 Jeep ennemi, 50 Russes, puis t'as 2 dans le parc, puis une poubelle. C'est ça. Puis des fois, tu te caches en arrière de ça. Fait que, puis ils vont faire sauter un char. Si t'es caché en arrière d'un char, ils vont le faire sauter. Ils vont pitcher une grenade. C'est bon. Le char va sauter, sauve-toi. Fait qu'ils pitchent des grenades. Ils font pas juste te tirer, ils pitchent des grenades. T'as des snipers qui vont te sniper. Cache-toi. Laisse-toi pas la tête élevée. Fait que, pour moi, c'est un achat. On en a assez parlé, là. Ouais. Allez l'acheter. Il est quand même 59,99$, il est 60$. Là. Il est disponible PC, Xbox, Xbox, PlayStation 3, puis il va être disponible sur PC le 26 juin, fait que la semaine prochaine. Ne le sont-ils pas presque tous à 59$? Ouais, ils sont aussi 60$. C'est un jeu plein. Toi, Luc, t'avais-tu déjà joué à Brother in Arms? Non. Non, ben c'était dans le même genre. Moi, la seule affaire que je trouvais plate dans ce jeu-là, puis on parlait de Spec Up dans le pré-podcast, c'est que tu peux, dans Brother in Arms, tu peux dire à tes gars où aller. Tu peux dire, va te cacher en arrière de cette place-là. Tandis que dans Ghost Recon, ils se placent eux autres mêmes. Ouais, dans Ghost Recon 1 et 2, tu peux leur dire où aller. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Les AI est super bon. C'est juste que des fois, justement, comme tu disais, ils perdent leur cible parce que le gars s'en va en arrière d'un mur. Fait que j'aurais aimé ça pouvoir dire à mon gars, va-t'en à l'autre côté de la maison pour le tuer, tu sais. Ouais. Comme ça, il aurait pas perdu sa cible. Moi, c'est la seule affaire, je trouvais, qui manquait au point de vue stratégique, c'est de pouvoir pointer où aller au gars. T'sais. Mais c'est ça, mais dans le 1 et 2, tu pouvais le faire. Ah, parce que dans Brother in Arms, tu peux faire ça. Ouais. Mais le problème de Brother in Arms, c'est que tu joues vraiment avec des patates, là. tes gars sont un peu idiots. C'est un très bon jeu. Mais les gars sont un peu idiots, faut que tu penses pour eux autres. Tu sais, si tu dis à quelqu'un, oh, va-t'en dans le mur qui est sur le côté de l'ennemi, mais ils vont courir au travers du champ, tu sais, à découvert pour aller se cacher de l'autre côté. Se faire descendre en s'en allant là-bas. OK. Mais ma question aussi qui pourrait subvenir, préférez-vous avoir une intelligence artificielle qui savent où est-ce qu'ils s'en vont sans que tu aies à intervenir, mais que là, les gens vont dire, regarde, c'est trop de contrôle versus qu'est-ce que moi je peux faire, ou comme là, ce que tu viens de mentionner, c'est qu'ils sont complètement tata, puis que tu dois tout faire pour eux, puis pour dans le fond, pour tout le jeu, pour dire, regarde, ils servent pratiquement à rien, que j'aurais pu faire le jeu sans eux, puis ça aurait été une mission encore plus excellente. Ben, j'aime mieux avoir une intelligence artificielle qui sait quoi faire à moi. Parce que tu as certaines missions dans Ghost Recon, tu veux pas avoir à penser pour eux autres, tu n'as pas le temps. C'est vraiment par bout, tu te fais canarder solide, puis tu essaies toi juste de survivre. Puis à un moment donné, tu n'as plus de balles. Tu as le temps d'arrêter. Ouais. Tu sais, à un moment donné, tu n'as plus de balles, faut que tu trouves. Une autre affaire, je trouve un peu nono, puis ça, c'est vraiment dans tous les jeux de shooter. Là. C'est vraiment pratique, puis gentil aux ennemis de te laisser des caisses de munitions partout sur le terrain. Okay. C'est vraiment, tu te promènes, puis t'es en plein milieu d'un champ, dans une grange, puis une caisse de munitions, puis ils font dans mon gun. Ah ben, gadon. Oui, hein. Ou des caisses avec des armes. Toutes les caisses de munitions font partout. Ouais, t'as pas, tu sais, tu peux pas pogner une caisse de munitions et dire, c'est pas pour ton fusil, c'est plate pour toi, bonne chance, mon homme. Tu sais. Mais il y a deux choses c'est nono, mais d'un côté, ça t'en prend. L'autre chose que j'aurais aimé, c'est un peu comme, c'est quel autre jeu, si tu dans Modern. Medal of Honor, où que quand t'avais plus d'armes, quand t'avais plus de balles, tu pouvais dire à ton chum de t'en donner. Ouais. J'aurais aimé ça pouvoir faire ça dans Ghost Recon. Donne-moi des balles, j'en ai plus. Toi, t'en as, donne-moi-en. Mais il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça dedans aussi. Ce qu'on parlait aussi avec Annick, le multijoueur, parce que Ghost Recon, c'est le premier jeu que j'ai eu sur ma Xbox. Puis on est vraiment tombé en amour avec ce jeu-là parce que ça venait avec la Xbox quand je l'ai eu à Noël en 2006. Le Ghost Recon Advanced Warfighter venait avec. J'ai introduit Annick au jeu autre que Tetris puis des choses comme ça avec Ghost Recon. Exact. Puis on jouait. Puis on jouait en gang à Ghost Recon. On se connectait 4 personnes, des chums avec nos headsets. Puis là, on se faisait des games. On mettait 50 ennemis sur une map. Puis là, on partait. Puis on les éliminait. On se faisait du fun noir les samedis soirs. C'était écœurant. Là, j'avais jamais joué un jeu de shooter. Puis elle a embarqué là-dedans, là. Ben, c'est pour ça que je me suis souvenu. Les c'est pour commandes ça que c'était super simple. Puis là, j'y ai dit à Luc qu'on a joué, puis j'ai détesté. J'ai dit, viens, on va rejouer à un, puis on va rejouer à deux. Puis tu vas voir qu'il y a une différence de jouabilité. Puis c'est vrai. Il y a une petite différence de jouabilité. Plus difficile. Mais tu aurais pu t'adapter quand même assez facilement. La place où ce que moi, je me suis dit, ils ont manqué le coup, puis c'est la grosse mode, c'est la manière qui sépare l'écran. C'est que ils ont pris la manière de séparer l'écran à la Halo puis à la Gears of War que je déteste. C'est qu'au lieu de la horizontale au lieu de la verticale. Oh wesh. Tu vois rien? Ok, non, fait, c'est pareil comme un jeu de course. Fait que t'as toujours l'impression que ton bonhomme est penché pour fitter dans l'écran. Tu cherches des ennemis, mais tu vois rien. Tu vois pas tout. Les deux premiers Ghost Recon, on adorait ça. C'était splitté sa hauteur. Mm-hmm. T'avais chacun la moitié de l'écran. Ouais. Elle avait droite, moi j'avais gauche. Tu savais où tu t'en allais. Là, t'as de la. Regarder en haut, regarder en bas, c'est moins simple que de regarder à gauche ou regarder à droite. Mm-hmm. Fait que c'est le seul côté négatif de ce jeu-là. Du multijoueur, c'est que sur la même console. C'est que tu peux pas séparer ton écran comme tu veux. C'est clair, là, multijoueur sur deux consoles différentes ou à deux endroits différents. Là, t'as tout ton écran, c'est facile. Mais quand tu veux jouer sur la même console, moi, séparer en haut, en bas, j'aime pas ça. Puis en plus, la manière qu'ils ont fait ça, c'est séparer en haut, en bas, puis c'est décalé un peu. Fait que c'est comme si ton rectangle était plus petit que l'écran total. Fait que t'as des barres noires. Fait que t'as une barre noire d'un côté. Fait que la personne qui joue à droite a une barre noire à gauche, la personne qui joue à gauche a une barre noire à droite. Mais puis, c'est fantastique. C'est vraiment pas super. Pas bien pensé. Mais parce que pour le restant, oui, les commandes ont changé un peu. C'est B pour te pencher au lieu de peser sur ton stick analogique. Mais ça, à force de jouer, tu te serais habitué. Peut-être. Mais le 1 puis le 2 étaient conçus de la même façon. Facile. Donc pour moi, c'est celle-là que je connaissais. C'est ça. Moi, j'en joue pas d'autres shooters, c'est le seul que je jouais. Donc, pour moi, le 3 aurait dû continuer dans la même. Ça aurait dû être pareil. Fait que c'est vraiment mon gros bémol, le côté multijoueur local. Il aurait dû continuer à séparer l'écran à la verticale plutôt que l'horizontale, puis ça aurait été plus simple. Mais à part de ça, c'est un achat. Moi, j'y donne facile un 8.5 sur 10. Louez-le ou achetez-le. Louez-le si vous avez jamais joué à un Ghost Recon avant. Si vous avez joué à. En Rainbow Six ou si vous avez joué au Ghost Recon avant, comme je disais au début, c'est une paire de pantoufles, là. C'est vraiment la même affaire. Vous ne serez pas dépaysé à jouer solo, puis l'histoire est vraiment solide aussi, c'est une bonne histoire, drôle par bout, touchant par autre bout. Tu vois m'amener à la fin de ta première mission dans le village en Zambie, tu retournes à ta base, puis les gars sont comme vraiment comme défaite parce que dans le village, il dit on a trouvé des enfants morts tirés avec des balles dans la tête, ou des affaires comme ça. Il dit c'est inhumain, tu sais. Il parle assez, puis le gars il est tout défaite de ça. Là. Puis c'est vraiment, l'histoire est solide. Okay. Fait que c'est pas juste un bon jeu. Ils ont réussi le challenge de faire un bon shooter. L'histoire aussi est solide, puis on embarque dans l'histoire, on veut savoir ce qui se passe. Le voice acting est top notch. Tu joues en anglais ou en français, Eric? Toujours en anglais, ouais. Okay. Toujours la langue d'origine, en fait. Moi, je les joue en français parce que les jeux d'Ubisoft, normalement, la traduction est assez impeccable. Puis on retrouve des voix qu'on connaît. S'il y en a qui ont écouté Smallville en français, la voix de la personne qui est au QG puis qui te donne tes ordres puis tes missions, c'est la voix le gars qui faisait voix du père de Clark. Le père de Clark? Le père de Clark. Okay. Pas Jor-El, son père adoptif. Okay. C'est la voix de M. Kent. Là. C'est le même gars qui fait la voix. Fait qu'on, il y a des voix qu'on réentend, qu'on connaît. Puis ce gars-là, il a une voix vraiment qui porte, une voix grave. Là. Elle se porte à bien les affaires. Puis j'ai joué un autre jeu l'autre jour, puis c'était lui aussi qui faisait la voix. C'est drôle de le réentendre. Là. Mais c'est ça, achetez-le. Et voilà. Es-tu d'accord, Eric, ou tu seras pas le contraire? Ah, c'était les deux pires semaines de ma vie. Non, c'est vraiment excellent. J'en ai mangé, c'est vraiment bon. C'est un jeu que je voulais pas qu'il finisse, même si je voulais le finir, je voulais pas qu'il finisse. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin, et le jour, la vie, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand. Tu recherches les cités d'or. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Bon, on va maintenant parler d'une bonne nouvelle que j'ai vue passer la semaine passée sur Internet et sur Facebook. grâce à Simon. Et c'est surtout Annick qui va nous en parler. C'est ils vont refaire les Cités d'Or. Mais ils vont pas refaire les Cités d'Or. Ils vont continuer les mystérieuses Cités d'Or qui ont eu lieu naturellement en France le 28 septembre 1983. C'est presque hier. Qui va faire 30 ans en 2013. Ouais, qui est aussi quand ils vont sortir la prochaine série film. C'est une série de... Ben, c'est trois séries qui annoncent, donc une trilogie. Mais on s'entend bien qu'il y a 7 Cités d'Or. Mm-hmm. Donc, comme il y en a une en 1983 et qu'il va en avoir 3 prévues en 2013, on présume qu'il va en avoir 3 autres dans un avenir quand même rapproché. Donc, à moins qu'ils visitent plus qu'une cité par saison. Ça me surprendrait. Parce que dans la première saison, ils ont visité une cité. Une cité d'or. Puis okay. Là, ils prévoient 3 séries. De 26 épisodes. Okay. Donc, on présume qu'ils vont se rendre à 4 Cités d'Or. Donc, ils laissent la porte ouverte pour un autre trilogie. Si ça pogne à faire un autre trilogie. Okay. C'est cela. Ça ne nous rajeunit pas, en tout cas. Hein? Non, on va retourner un petit peu dans le passé pour justement dire ce que c'était quoi les Cités d'Or. Hein? Mais qu'est-ce que c'était? Parce que je suis un des incultes qui n'a pas écouté ça. Ah ben oui, mon mari a pas écouté ça. J'ai acheté le coffret complet puis on l'a pas encore. Éric, donne-moi une coupe de lance-grenade là. J'ai quelqu'un à tirer. Là, tu claques en arrière de la tête, des Cités d'Or. Écoute. Come on! Yeah! J'ai vu une coupe d'épisodes, mais j'ai pas écouté la série au complet. Okay. Donc le dessin animé serait inspiré du livre de Scott Odell de King's Fifth. Le cinquième roi, en okay. français, qui est de 1966, le livre. On va dire que c'est l'histoire d'Esteban, un jeune orphelin espagnol, qui va partir pour le Nouveau Monde à la recherche de son père. Mais son destin est lié à celui des secrètes cités d'or Inca. En chemin, il fera la connaissance de Zia, une jeune Inca élevée par des Espagnols, et de Tao, l'ultime descendant du prestigieux Empire de Mu. L'histoire se déroule bien évidemment au fond de la conquête espagnole du 16e siècle et de la mythologie du peuple Inca, Maya, Aztèque ou Olmec. L'ambiance est saisissante et les décors du temple sont fidèles à ceux que l'on peut, par exemple, voir dans les sites archéologiques. Et naturellement, le succès des Cités d'Or de 1983 étaient les petits documentaires à la fin des épisodes. C'est vrai. Ah mon Dieu, j'avais oublié ça. Ah, pourtant. Pas pour moi. Ah non, moi j'adore. Mais c'était historique, oui. À la fin. Oui. Il expliquait vraiment. Je décrochais. Ouais. Toi, non, je les écoutais pas, moi non plus. Non, ça, c'est une affaire de gars. C'est plus des petits bonhommes, on regarde plus. Exact. Puis moi, fallait que je me batte avec ma soeur pour Frésinette en même temps qu'il jouait sur un autre poste. Toi, tu voulais écouter Frésinette? Non, ben écoute, je gagnais tout le temps. Mais c'est là que venait le goût de connaître la mythologie Inca, Maya, etc. Donc, il montrait vraiment d'où partait cette émission-là, parce que c'était quand même des reliés. Là. Ouais, à part le gros faucon en or volant. Il y a quand même... Le restant, c'était... Non, oui, mais ça, c'est arrivé vers la fin seulement, là, quasiment oui, des épisodes du faucon. C'est relié au fait, condor, là, quand on a été à l'affaire de Indiana Jones, où ce que du ciel, tu vois des gens. Donc, c'est pour ça que le condor existe. Donc, ça relié par ces faits-là. Donc, ça, c'est le petit documentaire que tu avais à la fin de chaque émission. Ouais, c'était intéressant. Je me rappelle d'avoir vu un peu, là. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'ils vont recommencer ça en 2013 en France. Oui. Fait que si on est chanceux, on va peut-être avoir ça en 2020. À peu près. Parce qu'on sait que quand ça part de la France, avant que ça arrive ici, c'est long des fois, comme Smallville puis CSI, même si c'est américain traduit en Europe, souvent on est comme un an ou deux ans en retard, nous autres. Fait que j'imagine que ça... L'avantage, c'est que c'est déjà en français. Fait que s'il n'y a pas trop de bataille de droits d'auteur pour les pistes françaises, on va peut-être être chanceux pour avoir ça un an après. Peut-être moins. Tu veux dire, au lieu d'avoir une traduction québécoise... Qu'on prend les pistes françaises par défaut, puis c'est tout, là. Tant et si longtemps que la compagnie ici qui s'occupe, par exemple, je crois que c'est quoi, Activision? Immovision. Immovision, oui, qui ne veut pas s'approprier, dans le fond, pour avoir une partie, comme je te disais, là, du gâteau. Puis il va vouloir faire sa propre traduction. Mais oui, s'il pouvait juste publiciser, ça irait plus vite. Juste avoir mais, une distribution ouais, aussi. Juste ça. Et voilà, ah oui, ça serait ça super. J'oubliais, il y a aussi le film qui est en production en ce moment. Fait que d'après moi, le film va être pour nous remettre dans le bain. C'est exactement ça, c'est la première série. Ça va probablement être un résumé de la première série. En 3D. Ah non. En 3D. Bon, ce qu'il fallait pas dire. Nous allons pouvoir les voir en 3D. Ouais, ben, en tout cas, le 3D, c'est... En autant que c'est pas comme G.I. Joe pis une défaite parce qu'il pense que le film marchera pas, là. Simon a pété une petite coche sur Facebook l'autre jour quand il a appris que... Quand j'y ai appris que G.I. Joe avait été repoussé en 2013 pis que c'était pour le 3D, il me croyait pas. Et après vérification... Non, c'est pas pour le 3D. Ouais. C'était juste... Non, c'était juste une excuse. En réalité, là, qu'est-ce qui se passe pour G.I. Joe, c'est que c'est M. Tatum, là, qui était soit en train de faire le tournage d'un film, ils l'ont coupé trop court. Il y a des gens qui se sont plaints qu'on ne le voit pas assez dans le deuxième G.I. Joe. Donc, ils attendent pour le reprendre et refaire d'autres scènes. Ils ont utilisé ça comme étant un prétexte, le 3D. Ils veulent faire ça et ils ont peur de Spider-Man qui s'en vient. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est ces deux éléments-là qui font qu'ils se sont servis de dire, regarde, on veut le refaire en 3D et tout ça. Mais non, c'est parce qu'ils vont faire ça en 3D. Mais ils vont rajouter des scènes où ce qu'ils vont, ils pensent même faire revivre. Bon, je vais pas faire de spoiler. Mais trop tard. Ben, c'est ça. Mais regarde, comme pour faire comme dans G.I. Joe dans le temps, mais c'est ça, il n'y a pas assez de scènes avec le personnage principal. Okay. Donc, ils ont dû couper en quelque part. Puis les gens, à ce qui paraît, ils ont vu le film au complet. Puis se sont décidés pour dire, regarde, il y a un manque en quelque part. Puis pour essayer de contrer justement Spider-Man, on n'arrivera pas. Puis en le retardant et en le mettant plus loin, ben au moins on s'enlève ça. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que l'année prochaine, est-ce qu'il va y avoir un autre blockbuster qui va être prêt à sortir? Sûrement, il y en a tout le temps. Surtout l'été. Oh oui. C'est le temps. Donc, non, moi j'aurais aimé. Puis 3D, là, come on. Moi, voir maintenant Bruce Willis, qui, justement, dans l'annonce, qui parle de son problème de cholestérol en 3D, je veux dire, gars, comme c'est pas obligé, là. Non, c'est superflu, mais c'est ça. Pour certains films, c'est pas pire. Avatar le faisait bien. Toy Story 3, j'ai bien aimé ça le voir en 3D, c'était bien. Mais pour certains films, ça sert à rien. Je veux dire. T'as vu avec moi Star Wars épisode 1 en 3D, ça apporte quelque chose de plus au film? Non. Il est pas meilleur. Non. Jar Jar, j'ai autant le goût d'y couper la tête en 3D qu'en 2D. Ce que je peux voir sur ta table là avec un sabre laser derrière la tête, c'est super. Mais, exact. Fait que oui, j'avais pété ma coche parce que je m'attendais durant mes vacances à aller voir G.I. Joe. Puis tu iras pas. Eh ben. Les vacances l'année prochaine. Ben. Bon. Fait que merci pour les cités d'or. On va attendre ça avec avec beaucoup de patience, parce que comme tu disais, avant 2020, écoute, on le sait pas. C'est on ça. Sait pas, on va ça attendre le film. On va attendre le film, on pourra peut-être aller le voir ensemble. Ouais. Regarde, on en rediscutera. Mais... Ils vont peut-être faire un petit documentaire à la fin aussi, je sais pas. Attends. Mais j'imagine qu'avec les problèmes de piratage ces temps-ci, puis le fait que c'est toujours trouvable sur Internet avant, ils vont peut-être se dépêcher de le sortir, parce que de toute façon, tout le monde va déjà l'avoir par le temps que ça va sortir. Faut juste se souvenir que là, on parle de la France, où ce que la loi Hadopi, elle est très forte. Ça change rien. D'accord. Si tu veux trouver une télésérie en français qui vient d'Europe, t'as pas de problème à trouver ça. Même donc, avec on n'aura pas de problème fait à que trouver ça. Ça sera pas difficile à trouver, mais tant qu'à l'avoir, aussi bien l'avoir légalement, puis que le monde qui ont travaillé dessus ait de l'argent et c'est non ça. Pas... que le monde se ramasse ça piraté. Attends, on va faire une bémol là-dessus. C'est-à-dire que, regarde, c'est comme les fansubs où ce que les gens vont reprendre qui vont le traduire dans une langue où ce qu'on peut comprendre, si pour les gens qui ne parlent pas japonais. Oh, oui, ça c'est correct. Bon. Mais regarde, ce qu'ils vont marquer, ils vont dire, s'il vous plaît, lorsque ce DVD-là va être rendu dans votre région, veuillez arrêter et veuillez l'encourager. Tu comprends? C'est sûr, mais si t'as eu le temps de voir les 26 épisodes, tu vas-tu pouvoir le racheter? C'est là qu'est le problème. Si c'était excellent, oui. Si c'était moyen, pourquoi le racheter? Mais si t'as pas l'intention de le regarder. Payer plus tard. C'est ça. C'est ça. Mais c'est, C'est stupide un mais peu. Mais c'est là qu'il devrait permettre les premiers épisodes, exemple, sur 26, tu sais qu'habituellement, il y a une saison, c'est 13, 26, tout ça. Ouais. Bon, ben, exemple, sur 13, ben, présenter les deux, trois premières pour nous amener au développement qui nous accroche. Puis justement, arrêtez là pour dire si vous voulez plus, ben attendez que ça arrive dans votre région et achetez-le. Ouais, mais ça. Mais encore là, c'est pas possible. Mais comme je te dis, c'est difficile. C'est un sujet très sensible. En Europe, le monde va avoir accès. Je veux dire, un enregistreur HD, ça existe partout. Fait que le monde va enregistrer ça, enlever les annonces, mettre ça sur Internet, puis ça va se faire télécharger partout ailleurs. Fait que offrez-nous-le. Légalement, puis on va l'acheter. Gars Goldorak. Exact, mais faites une sortie. Jamais sorti. Faites une sortie ensemble. Au Canada. Au même moment. Ouais, ça aussi. Ça aussi. Mais souvent, ou une couple de mois, c'est pas grave. Non, une couple de mois dans la même année. Mais pas. Ouais. Pas jamais. Goldorak, ça a jamais sorti au Québec en DVD. Parce que, bon, il y a eu une dispute. Hein, ouais, c'est ça. Il y a eu une dispute parce que, bon. On disait aux Japonais... Icon voulait avoir plus de temps d'antenne. C'est ça. Ouais. Pis là, non, mais on disait aux Japonais que ça marchait pas, puis c'était juste pour remplir une case horaire le samedi matin. Puis Goldorak, ça a été un succès incroyable, ici. Fait on s'est fait dire, vous l'aurez jamais. Puis on l'a jamais eu. Mais en France, ça se vend. Puis, je veux dire, il y a plein de monde ici, c'est sûr, qui l'ont trouvé sur Internet, puis qui l'ont. Puis ce qu'ils l'auraient acheté... Hein? Faut commander sur la Fnac. Ouais, tu peux le commander d'Europe si c'est un DVD qui lit pas ici ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir le lire. Mais légalement, ici, ça serait le fun de pouvoir le rentrer dans un Archambault, un Walmart, un Future Shop, le ramasser sa tablette puis l'acheter. Je suis très d'accord. Grandi en regardant Goldorak. J'achèterais ça demain matin, la série au complet. Même si je l'ai vu, je le rachèterais pour l'avoir. Puis pour Fiston aussi. Ouais, si ça l'intéresse un peu plus tard. Fait mais en tout cas, c'est un autre débat. On va finir avec une télésérie que j'ai achetée. J'avais vu ça un peu sur Télétoon. Télétoon présente ça. C'est Avengers, l'équipe des super-héros. C'est une télésérie des Avengers. Ouais. On parlait du film Les Avengers dans le dernier épisode. Fait que on peut spécifier que c'est un dessin animé? C'est un dessin animé. D'accord. Mais ouais, c'est Télétoon. C'est un dessin animé. C'est 26 épisodes. La raison pourquoi je vous en parle, c'est que si vous passez chez Walmart, Future Shop ou d'autres magasins qui vendent des DVD, vous allez voir qu'il y a un coffret, ben il n'y a pas un coffret, il y a un DVD qui se vend, épisode 1 à 13 pour 20$, puis un deuxième DVD, épisode 14 à 23, si je me rappelle bien c'est 23 épisodes, si je me rappelle bien, je vais l'ouvrir puis je vais regarder, il me semble c'est 26, Simon a toujours raison, c'est un 26 épisodes, fait que 14 à 26 pour un autre 20$ en DVD, vous pouvez le trouver sur Amazon Canada, donc Amazon.ca pour 29$ en Blu-ray. Puis ça contient la saison entière, les 26 épisodes. Fait que c'est moins cher, puis c'est en Blu-ray. Et c'est pas en 3D. Puis c'est pas en 3D. Ouais! Fait que la série est intéressante. Ça va pas dans la même lignée que le film. C'est un peu différent, c'est pas nécessairement... Est-ce que ça suit les dessins animés? Je veux dire, les bandes dessinées? J'ai pas lu beaucoup de bandes dessinées des Avengers, fait que je peux pas te le dire. Ah, ok. Mais... Je vais pouvoir te le dire. On nous présente, les premiers épisodes, on nous présente Iron Man, le premier. On va nous présenter Captain America, on va nous présenter Thor, on va nous présenter Hulk, dans leurs environnements. Puis tranquillement, on va les amener ensemble pour créer les Avengers. Dans le film... C'est Nick Fury qui crée les Avengers en amenant tout le monde ensemble. Dans Avengers, Nick Fury essaye de recruter chacun des héros pour venir travailler pour lui, mais c'est Tony Stark qui crée les Avengers. C'est lui qui amène tout le monde ensemble puis qui décide de créer les Avengers. Fait. Puis dans le film, ben, c'est Tony Stark qui est contre la création des Avengers plus que les autres. Fait que ça va un peu à l'encontre du film, mais c'est... Mais ça se rapproche plus, mais ça se rapproche des bandes dessinées, ça, que le film en tant que tel. Là. C'est ça. Mais encore là, ils montrent pas les vrais premiers Avengers, là. Non. Il se fie vraiment à ce que les gens ont vu du vrai film, là. Non, pas nécessairement. Ben, là, c'est les mêmes personnages. Non, t'as d'autres personnages. T'as le Wasp aussi, t'as le Giant. T'as okay. le Ant-Man. OK. Fait que le... Oh, mon Dieu. La guerre. C'est un super-héros, ça. Ben non, c'est ça. C'est des super-héros de deuxième ordre. Oh ouais. Mais quand même... Faisait partie de ça. C'est ça, la guêpe qui est The Wasp, mm-hmm. qui est la fille qui peut... Qui est plus petite. Devient plus petite, puis qui a ses pouvoirs, là. Ouais. T'as la Panthère Noire. T'as Hawkeye, okay. avec son merveilleux costume mauve. Ouais! T'as Hulk, t'as Iron Man. C'est sûr, t'as Captain America. T'as... Il me semble que t'as un épisode, tu vois Wolverine? On pense qu'on a vu Wolverine, mais c'est pas nécessairement lui. Là. Tu fais un caméo? Ouais, il y a un épisode où c'est Captain America, puis tu vois quelqu'un qui attaque avec Captain America. Qui sort de l'eau. Une base de l'Hydra. Il a vraiment la face à. Qui est vraiment, c'est ça, comme Wolverine. C'est pas Submariner? Peut-être. Aquaman? Non. Mais Aquaman, non. Aquaman, c'est DC. C'est un okay. autre univers. Okay. Fait que, non, mais c'est ça. Puis là, nous autres, on est rendu à l'épisode, je pense, 7 ou 8. Là, on n'a pas tout vu. Mais il y a d'autres, à un moment donné, je pense qu'il parle de Reed Richards, des 4 Fantastiques à un moment donné. Bon. Mais on le voit pas, mais on en parle. Fait que ça, tu vois qu'il parle d'autres super-héros. Mm-hmm. Je pense qu'on va voir d'autres personnages aussi à un moment donné apparaître. Parce que oui... Dans les Avengers, tu as eu Spider-Man qui est venu faire son tour, tu as eu les derniers X-Men, tu as eu La Chose, je pense, qui vient faire son tour à un moment donné des 4 Fantastiques dans ben, certaines missions. Ben, pas mal les 4 Fantastiques sont fait que c'est là. Ça, là. Fait, mais pour des questions de disputes de droits dans le film, on les verra jamais parce que c'est des studios différents qui appartiennent à certains personnages. Là. Fait que c'est pour ça que dans ça, ils peuvent se permettre de mettre tout le monde qu'ils veulent. On a aussi Loki. Qui est un méchant, mais on voit chaque personnage a son méchant. Dans un épisode de Captain America, on voit Crâne Rouge. Dans un épisode de Thor, on voit Loki. Leur vrai ennemi, là. Leur vrai, c'est ça, leur vrai archétype, ennemi. Archétype, là. Okay. C'est ça. Fait que c'est vraiment intéressant. J'ai pas fini de le regarder, là, mais c'est 594 minutes en tout. Puis c'est en full HD en plus sur le Blu-ray. Fait que si jamais ça vous intéresse, puis vous voulez vous le commander... Ben, passez par Amazon, puis il va vous coûter 10$ de moins que les deux DVD. Au moins, même si en français c'est du 2.0, contrairement à l'anglais qui est du 5.1, ouais, au moins ça. Il y a la traduction française. Ouais, la traduction française est quand même bien. Dessus, vous avez, c'est ça, vous avez la piste Dolby Digital 5.1 en anglais, puis la version 2.0 en français, mais au moins c'est du full HD partout. Fait que c'est ça. Il a passé le test du pire enfant que je connais. Qui reste pas 2 minutes devant une émission et qui là, il écoute 3 émissions par soir depuis 2 soirs. Ouais, puis en redemande. Donc, ça doit être bon. C'est ça. Fait que c'est intéressant. C'est le fun à regarder. C'est pas trop enfant. C'est ma question, là. C'est pas. Mais c'est quand même correct parce que c'est un dessin animé. Tu vois pas de sang. Non. Okay. C'est pas hyper ça. Violent. Okay. Mais il y a des personnages qui meurent. Comme on voit Captain America, il y a Bucky, qui est son sidekick. Là, il meurt, on le voit plus. Donc pour un être... Fait que tu vois des personnages disparaître, t'entends de personnages qui sont morts. Fait que c'est quand même pas Super Hero Squad, là, qui est la même affaire qui passe à Télétoon, qui est pas mal comme les Avengers, mais vraiment enfantin, dessiné enfantin, cartoon enfantin. On a même fait des jeux pour en ben, plus enfants. Ben, qui pouvait pas avoir les droits de faire une réplique. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal pareil. Mais c'est tout fait par Marvel Studios. Ils ont leurs droits sur leurs affaires. Mais il y a un qui est vraiment public cible enfant, puis l'autre c'est public cible ado, enfant, adulte, geek, fou des super-héros. Là. Fait que, en tout cas, à date, une couple d'épisodes d'écouter. J'aime bien. Pour 30$, 594 minutes, c'est pas mal. Ouais, 26 épisodes, c'est bien. Ça vaut la peine. C'est complet, là. Il va avoir une deuxième saison de 26 épisodes, puis ça a été déjà annoncé. La deuxième saison commence l'année prochaine, je pense, aux États-Unis, où elle vient de commencer. Puis ça va être la dernière. Fait qu'il devrait fermer cette histoire-là, l'espèce d'arc de l'histoire de ce qu'ils ont commencé. C'est ça, ils devraient pas mal fermer l'histoire avec ça, puis ils vont repartir d'autres choses, c'est sûr, là, parce que pour le prochain film d'Avengers, je pense qu'ils veulent partir une nouvelle série animée qui va s'en aller vers la direction du film, des choses comme ça. Fait que, 30$, Amazon.ca, puis faut que je donne un gros bravo à Amazon. Les quatre dernières commandes que j'ai passées, je les ai reçues le lendemain. Wow. Ouais, fait que si vous commandez d'Amazon.ca puis vous voulez quelque chose vite, là, cassez-vous pas la tête à payer 6$ qui charge pour la livraison 2 à 3 jours au lieu de la 4 à 7 qui est gratuite. À date, j'ai commandé 4 affaires puis je les ai eues le lendemain puis j'ai pris toujours la livraison gratuite. Ça vaut pas la peine de payer pour ça. C'est parce que t'achètes tellement chez Amazon qu'ils déménagent. Ils me connaissent. C'est mon voisin. Il y a un drone au-dessus de la maison. C'est ça. Non, mais c'est vraiment incroyable. J'ai commandé un power supply pour mon PC. J'ai des livres. Même un cadeau pour la fête des mères. Je l'ai reçu le lendemain. J'ai commandé ça, je l'ai reçu le lendemain. Même si sur le site du PS, ça disait livraison, ça marquait demain. Non, mais ça marquait mercredi, entre telle heure et telle heure. J'étais arrivé chez nous, puis il était sur le comptoir, elle l'avait reçu. C'était rentré ouvert, le mardi. J'avais dit, c'était quoi mon cadeau? C'est pas vrai. Fait que c'est vraiment bien, là. Fait qu'Amazon, chapeau. Puis, j'avais promis à la gang du dernier des podcasts de les mentionner sur le dernier podcast parce qu'ils ont fait une émission sur le film Les Avengers. Puis, je les avais dit, ben, je vais justement parler des Avengers, puis je vais dire au monde d'aller écouter votre épisode sur les Avengers parce que c'est vraiment bon, puis ils ont vraiment ramassé vraiment le feeling du film, puis ils en parlent dans le terme. Bon, c'est pas un podcast où ça ne sacre pas, fait que de temps en temps, il y a un petit sac qui se lance à droite et à gauche. Soyez avertis, mais si vous avez aimé le film des Avengers, regardez ça sur iTunes, le dernier des podcasts, ils ont d'autres épisodes aussi. Ils parlent vraiment, eux autres, de films d'action. Ils ont parlé de First Blood avec qui est le premier Rambo avec Stallone. Ils parlent de plusieurs sortes. Ils ont Commando avec Schwarzenegger. Ils décortiquent le film puis ils parlent de choses qui n'ont pas d'allure puis de choses qui sont bonnes dans ce film-là. Ils font des top 5 de meilleurs films de désamorçage de bombes ou meilleurs films de le dernier c'était un meilleur film de The prison bus break, fait que s'échapper d'un autobus de transfert de prison, fait que allez écouter ça, c'est vraiment bon, chapeau aux gars qui font ça. C'est où ça? C'est sur iTunes ou sur taper sur Google le dernier des podcasts. C'est un podcast québécois là, c'est vraiment bon, chapeau les gars. J'aime bien ce que vous faites, à part j'en écoute plein des podcasts là, mais j'avais dit que j'en parlerais parce qu'on parlait des Avengers, donc c'est fait. Un épisode en retard, mais c'est fait. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous pour ce 11e épisode. 11. Pas 12, parce qu'on est en retard d'un. Mm-hmm. Fait que, puis on va se revoir le mois prochain. Au revoir. Bye, et merci de nous écouter. Merci. Bye.